it down or take it slow. Make you lose control. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. One Dance sur Skyrock, c'était le son de Drake pour démarrer la soirée. Il est pile 21h, c'est parti. Skyrock, Romano. Moi je crois que je vais directement lever mon slip et faire tourner mon sexe. Diffoul. Tu veux pas qu'on se fasse un petit truc dans ta maison mais sans caméra? Non, même pas. Cédric. Salut les filles. Cédric, hein. Marie. Des râteaux, t'en as pris Marie, des râteaux toi? Non, mais en général j'arrive à mes fins. Hein. Samy. Non, pour jouer au billard. Des grosses boules. Et Karim. Pourquoi Cédric il a un A? La lettre A brodée sur son oreiller. Eh bah ben c'est pour pas oublier son texte quand Romano l'encule. Diffoul Radio Libre. Tous les soirs sur Skyrock. Oui, tu as bien entendu Cédric, hein. Cédric, tu as bien retenu ton texte quand Romano t'encule, c'est A, ah, d'accord? Que des A. Ah, non, non, non, ah. Cédric, pas eh. Parle bien dans ton téléphone quand t'entends bien, Cédric. Pas mais A. Ah. J'aime pas trop cette blague. Elle est bien, moi j'aime bien. Bah ouais. Merci, bien. Merci. Moi aussi je la trouve pas mal. Elle est bien la blague du A dans l'oreiller, tout ça, c'est pas mal. Ouais, elle est géniale. Ouais. Oui, oui, oui. Romano a bien aimé aussi. Il aime bien. Et d'après ce qu'il m'a dit, hein, Romano, tu as envie d'enculer Cédric ce soir. Donc ça tombe bien. C'est en raccord avec le jingle qu'on a passé pour démarrer. Je vais sévèrement enculer. Bonjour à vous. Bonjour Cédric. Oui. Bonsoir à Cédric, nous dit le masturbateur. Bonjour le masturbateur, bienvenue à toi. Bonsoir l'équipe. Salut Cédric. Ah, tu vois, des messages déjà pour toi, ça fait plaisir. Comme tu es beau ce soir, dit Foul. Oh, c'est gentil. C'est Trylove qui me laisse un message. Merci Trylove. Très beau à la radio surtout. Hein. Une petite dose de morphine, Cédric, te demande Blue. Pas tout de suite. Bon, Cédric est là, donc en direct de son lit, sexy, ouais. Comme d'habitude, magnifique. Ouais. Comme et, toujours. Et propre. Pas trop suant aujourd'hui, non. J'ai pas trop transpiré. Ah bah écoute, c'est bien Cédric. Bah, bon, bonjour à tout le reste de l'équipe, bonjour à la Marie, comment ça va? Salut tout le monde. Bien, bien, bien. Forme, merci. Bonjour Karim. Ah, on va faire un point sur le foot là salut tout de suite. Salut les filles. Le match, salut les filles, oui. Salut les filles. Le match Rennes-OM, on va le suivre ce soir, il vient de démarrer. Et pour les autres matchs, on vous donnera les résultats dans quelques secondes. Bonsoir Samy Guillaume. Salut, bonsoir tout le monde. Et réglez la télé, c'est bon, on est branché. Ah, on est branché sur l'OM, on en regarde l'OM TV ce soir. Il y a Gourcuff, le joueur de Rennes, il a déjà tué 2-3 pigeons en tirant 100 mètres au-dessus de la carte. Ah, il tue les pigeons. Bien. C'est bon, il est bien. Et ouais. Et bonjour Romano. Bonsoir. Bon, content de vous retrouver, content d'être avec toi, Cédric aussi. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé hier soir, Cédric? Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es parti en couille. J'ai un vague souvenir. Ça a été un des événements de la journée. Tu as éclipsé Brad Pitt et Angelina Jolie, leur divorce à la con, avec l'autre qui dit qu'il se drogue parce qu'il fume des cigarettes de drogue. Alors qu'elle, elle est sous médoc en permanence, la pauvre Angelina. Donc ça, tu as éclipsé sur les réseaux sociaux et dans le monde entier cet événement. Ce matin, on en parlait d'ailleurs dans le morning sur Skyrock. On en parlait dès 6h du matin. C'est quand même un événement de fou. Ah ouais. Ah oui. Je me souviens même pas de tout. Hein. J'ai un vague souvenir de l'émission d'hier soir. T'as un vague souvenir. Alors je vous explique. Si vous étiez là hier soir vers 11h15, Cédric a pris son cachet de morphine. Quelques secondes, quelques minutes après, il était dans cet état. Tu te souviens pas de tout, Cédric? Non. Eh ben écoute, on va te le rappeler. C'était hier pendant le son de Drake. On passait le son de Drake, puis on avait laissé Cédric à l'antenne parce qu'on voulait savoir s'il allait bien. Bah ouais, bien on surveille. Oui, bien sûr. Et puis on voulait un peu se foutre. Surveillance médicale, bien sûr. Oui, surveillance médicale, c'est ça, docteur Romano. Écoute bien, Cédric, dans quel état t'étais hier? Pourquoi t'es dans la chanson? Pourquoi t'es dans la chanson? Bah, Drake est dans la chanson, Cédric. Je sais pourquoi il est dans la chanson. C'est parce que c'est lui qui chante. Et bon, vrai, c'est ça. C'est sa chanson. Écoute dans quel état t'étais, tiens. Intelligence. T'as teubé. Tu as bien entendu au téléphone, Cédric? Ouais, j'entends. D'ailleurs, pour tous ceux qui demandent, vous pouvez faire écouter Cédric sous morphine. Et bah, c'est ça. Rocco Modor, Alexia aussi qui nous laisse un message. Mirko, bonjour Mirko. Ouais, Cédric sous. L'état du mec. Sous morphine, ça donne ça. Si vous êtes déjà retrouvé complètement foncedé parce que vous avez trop bu, parce que vous avez trop fumé, eh ben je peux vous dire que Cédric, c'est pas beau. La morphine, c'est pas beau à voir. Hein. Écoute bien, Cédric. C'est complètement con. T'es complètement con, mais il faut pas dire ça. Drake. L'autre il dit t'es complètement con, à Drake. C'est quand même un truc de dingue. Oh, Drake, putain. Voilà, dans quel état on a retrouvé Cédric hier? Oh ta gueule. Mais non mais laisse la chanter la meuf. Une meuf qui chante. T'as un relou toi. Ta gueule. En plus on aime bien Drake. On a démarré l'émission avec d'ailleurs. Ouais. Ta gueule. Et alors là, connard. On sent que tu sombres. Quoi. Alors qu'est-ce qui s'est passé hier soir, Cédric, la morphine? Il rigole comme pas. François Hollande quand il est drogué. On me dit sur le 41. Wow, ça te fait plaisir, ça. Problématique. Je suis persuadé qu'il rêvait de Romano à ce moment-là. Problématique, nous dit un défoncé. Il rêvait de toi. C'est pour ça qu'il poussait des cris, des gémissements, de jouissance. Ah mais tu dégoûtes à dire ça. Tu l'excites, Romano. Ça va pas. Tu lui excites le zgeg. Fais-toi. Le zboub de Cédric devient tout dur quand il entend Romano. Oh. Demain, tu vas te faire contrôler ton épaule. Fais-toi contrôler la tête, mon pote. Au passage. Non mais ça, on avait. Romano, on avait dit chirurgie esthétique. Oui, non, mais la tête à l'intérieur. Quoi. Ah, dedans, tu veux dire. Ah, ouais. C'est prévu, t'inquiète. Ça, tu rêves de moi, quoi. Non, non, mais je suis persuadé que t'étais en train de parler. Ah, si, tu l'as dit, Cédric. Non, mais je parlais pas, t'es complètement con. Bien sûr. Tu sais, je parle pas sur les disques. Non, mais là, bah oui. Pour un gogol, ouais. Bah, vous avez écouté hier soir, vous avez entendu Romano parler sur un disque. Mon pote. Des problèmes complètement parano. D'ailleurs, les extraits, vous les avez. Arrête de te droguer. Là, il parle pas sur. On n'entend pas Romano, là. Romano, non. Ah, tu vois, on n'entend que toi, Cédric. C'est bien, je se reconnais, c'est pas mal. Bon, t'as pas encore pris de la morphine, là, ça s'entend tout de suite, hein. Non, non, non, pas encore, t'inquiète. Pas encore. À quelle heure tu la prends, Cédric, la morphine? Prends-la avant le clash. Je sais pas, je vais attendre un peu. Non, je vais essayer de la prendre juste après le clash, justement, pour pas m'endormir. Vas-y, fais un clash sous morphine, sinon. On va essayer, tiens. Oh, c'est le bordel. Bon, c'est toujours moins mauvais quand on dort mal. C'est vrai qu'on a jamais essayé un clash sous morphine, mais pourquoi pas, dis donc. Vas-y, vas-y, bah, je prendrai mon cachet 2-3 minutes avant, là. Au premier appel, tac, tu prends le cachet. Ah ouais, parce que c'est rapide chez toi, hein. Putain, 4 minutes après. Ah ouais, c'est-à-dire qu'hier, il a pris son truc, 4 minutes après. A priori, d'après ce qu'on nous disait hier, c'est quand même truc de cheval là. Ouais, bien sûr. Ah ouais, c'est un truc de cheval. Ah, c'est fort. Il y en a plein qui nous ont laissé des messages qui ont pris de la morphine, qui avaient parfois tes effets, parfois pas, mais en général, ça dépend du dosage. Bah, toi, ça dépend vachement. Je veux dire, on me l'avait déjà dit, Cédric, t'es bien dosé, toi. Ouais, moi, t'inquiète. Toi, t'as bien dosé, hein. Ouais, ils m'ont pas loupé, là. Ah, il aime bien se faire doser. Ça, t'inquiète, je vais bien le doser ce soir. Évidemment. Donc, tout à l'heure, le clash de la drague à retrouver dans l'émission avec la présence exceptionnelle de notre malade. Cédric. Ah oui, et toujours là. Et du clasheur Romano qui sera son adversaire comme d'habitude. Bip, bip. Attends, je vais réessayer parce que j'ai entendu ça va être la folie bizarre. Quoi. Alors, il y aura donc Cédric contre Romano. Bip, bip. Ouais. T'entends Cédric, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est pas les mêmes bruitages, ouais. Non, pourquoi vous avez pas les mêmes bruitages d'ailleurs? Bah, je sais pas, je vais. Quand je vais revenir à la radio, je vais vérifier les machines. Ouais, t'inquiète pas. Écoute, t'es pas prêt de revenir, mon ami. On a le temps. Bon, donc je rappelle que Cédric, si vous venez d'arriver et que vous n'avez pas suivi, si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents de la Radio Libre, Cédric, c'est comme ça que tu t'appelles, Cédric, hein. Cédric, moi. Quand t'as pas vu depuis 15 jours, je ne sais plus. Cédric s'est cassé la clavicule. J'ai fait une petite cascade en moto, on va dire. Voilà, petite cascade en moto. Et je crois que moi, je vous le dis. Et c'est cassé des quêtes également, Romano aussi. Je crois qu'il fait beaucoup de comédie. Oui, moi aussi, oui. Parce que d'après ce qu'on m'a dit, c'est de la comédie, tout ça. Vous savez, c'est un peu comme ceux qui disent, oh, je peux pas aller au bahut aujourd'hui, j'ai de la fièvre, alors qu'ils ont rien du tout. Bon, bah, toi, c'est la clavicule cassée. D'ailleurs, on avait des. Non, mais d'ailleurs, on va te gronder, espèce de con. Ah ouais, t'es sorti, t'allais acheter des. Bah ouais, non, mais attends, le mec, on te dit de pas bouger. Toi, le mec a été chez Nespresso sur les Champs-Élysées hier, quoi. Voilà, Nespresso. J'avais trop envie d'aller chez Louis Vuitton, c'est juste à côté. Là, il y a Carole qui m'a appelé, qui m'a engueulé parce qu'il n'y avait plus de café à l'appart. Ah, en fait, et puis tu l'écoutes, toi, t'es une grosse vilaine. C'est l'arbin. C'est lui que chez moi, il faudrait me torcher le cul, tu peux venir. Ah ouais. C'est aujourd'hui. Ah ouais. Le caca, c'est bon. Non, mais en tout cas, c'est gentil, Cédric, parce que ce matin, on avait à boire et c'est sympa. Oh, en plus, ça tombait bien, moi, j'avais plus de café chez moi, j'en ai repris. Oh putain. J'ai juste quelqu'un qui voulait te parler, c'est Dylan. Fais attention, Cédric. Est-ce que vous avez déjà été accro à quelque chose? Dites-nous, on va vous poser la première question de la soirée. Vous avez déjà été accro à quelque chose? Vous nous laissez vos messages, sondage express. Sondage express 41 759 skyrock.fm. Vous nous laissez vos messages et vous nous dites à quoi vous avez été accro. Donc toi, c'est la morphine, hein, c'est ça, hein. Cédric. Moi? Ah non, je suis pas encore accro. C'est non, mais il faut pas prendre trop longtemps parce que tu peux vite devenir accro. Bah regarde, c'est un légume. Regardez, moi, c'est un légume. On a Dylan. Ça ne rend pas plus. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça le rend pas intelligent. Non, ça, c'est sûr. Dylan. Ça fait du bien, mais je suis pas accro. Ouais, il est complètement con. Alors, les accros, vous attend. À quoi vous êtes accro? Moi, je suis accro à. Ah, je suis un peu accro au café. Je me rends compte le matin. Je suis un peu accro au café. J'en prends 4-5 par matinée. Ah ouais? Je suis accro au coca parce que le matin aussi, j'adore le coca. Et quand j'ai du mogu-mogu, je suis super accro. Ah, le mogu, c'est bon. Ah, le mogu-mogu. C'est de la frappe. Ah, litchi, c'est de la frappe. Au litchi, ouais, c'est trop trop bon. Accro au PSG pour Blaise, accro au pute pour l'inconnu. Aussi pareil. Ça coûte plus cher. Samy va dire que c'est la même chose. Ouais, c'est pas pareil, le PSG, les putains. Ouais, ou les traves, c'est sur le gazon. Ouais, d'accord avec Blaise et d'accord avec l'autre, là, inconnu, là. Et l'autre con de Blaise, accro au PSG. Là, voilà. Les jeux vidéo pour Soso, accro à Pokémon Go. Ah, vous en parlez la semaine dernière dans le morning, Pokémon Go, ça marche moins, hein. Ah ouais. Bah ouais, ouais, ça y est, le. Ça y est, là, c'est fini, là, la vague, là. Accro à la masturbation, on nous dit également. Il y en a qui peuvent être accro à la masturbation. Au café pour Marouane. Accro à Skyrock, c'est bien, Vince. Vince, 14 ans. Salut, Vince. Et pour Skyrock, si on t'appelle, Vince, tu sais comment ça marche, là, t'auras 1500 euros au bout du compte. Accro à mon portable. Ah, il y en a plein. Moi aussi, je suis accro à mon portable. Eh, c'est clair. Accro au sexe. Une éjaculation toutes les 4 heures minimum. Faut que je me vide. C'est blue. Accro à la plaie encore. Accro au Paris. Ah, au Paris, mais pas au Paris SG, ça. Ah, dit. Paris sportif. Au Paris sportif. Ah, c'est vrai. Que ça c'est OM Albany qui nous laisse un message. Accro à l'ordi également. Un petit point tiens pour les accros du foot, un petit point sur les matchs de tout à l'heure. On va le faire tout de suite, juste après Dylan, hein, pour ceux qui demandent les résultats. J'ai une info là qui nous laisse un message et qui voudrait connaître les résultats des matchs de ce soir. Yes. Donc on suit Rennes OM pour l'instant 0-0. Et on a tous les autres matchs qui ont eu lieu tout à l'heure et on vous fait un petit résumé dans un instant. T'as préparé le double appel aussi, Samy? Ouais, c'est bon, c'est bon. Je suis arrivé, Samy. Samy était en train de tester les familles et rigolait. Oh, regarde-moi, j'appelle un Parisien comme il est con. Non, mais comme il est con. Ils ont des voix bien marrantes, tu vois. Ah, bah parfait. Même si je les entends parler, tu rigoles, tu vois. Même s'ils disent rien, et juste ils parlent. Le double appel, on peut aller partout en France. Donc on va y aller dans un instant. Et donc, Dylan, bienvenue à toi, Dylan. T'es à Évreux et t'as 20 ans. Salut, Dylan. Salut à toi. Alors, tiens, on me demande c'est quoi le Mogu Mogu. Alors, le Mogu Mogu, c'est qui demande ça? Blue Fire, ouais, 13 ans. Prêt, d'ailleurs, tiens. Tu connais le Mogu Mogu, toi, Dylan? Pas du tout. Vous connaissez pas le Mogu Mogu? Comment c'est? Alors, bon, c'est une boisson qui est d'une couleur fluo en général. Alors, c'est ou rose fluo, ou vert fluo, ou c'est très naturel. Hein. Ah, ouais, bien sûr. À 100%. Donc, t'en as au melon, t'en as à la mangue, t'en as à la noix de c'est coco. Chimique, au litchi. Non, c'est très, très bon. À la fraise bon, aussi. C'est à la fraise également. Et donc, c'est des espèces de trucs, Romano, faut que je t'en amène un, t'adores ce genre de choses. Ah, je sais pas, mais je sais que j'aime pas. Moi. C'est une boisson avec des bouts de litchi dedans. Qu'est-ce que c'est bon, gros? Et c'est il y a des bouts. Il y a des bouts, et Romano, tout ce qu'il y a des bouts, même les yaourts. J'aime pas, les yaourts à bouts, t'aimes pas les morceaux. Déjà, avec la couleur, ça me dégoûte un peu. C'est très, très bon. On en a plein à l'appart. On en a pas ici, à Sky, studio officiel. On en a à l'appart de ouais, mais il y a que de la fraise à l'appart. Non, il y a tout là. Ah, il y a litchi, c'est bon. Ah, il y a litchi, melon et tout. Je vais venir faire mes secours à l'appart. C'est la folie. Ouais. Donc, c'est Mogu Mogu, c'est ça. C'est super bon. Moi, j'aime bien. Après, bon, c'est une question de goût. Je dis, c'est super bon. Si je non, pas de bulle. Si je demande à Romano, aimes-tu un bien le Mogu Mogu? Non, je préfère la bière. Voilà, toi. Voilà. Ouais, voilà, c'est plus naturel au moins. Moi, c'est la morphine. C'est un gros bide, Romano. Ah ouais, j'ai perdu mon bide. La morphine, c'est bon. Alors, Dylan, t'appelais par rapport à. On vous a demandé à quoi vous étiez accro. Laissez-nous vos messages. Je suis accro à mon corps de rêve, nous dit Adriano, qui est très modeste du 93. Salut, Adriano. Isa, accro à Sky, t'es super, Isa. Toi aussi, réponds Skyrock. Le sport extrême, moi aussi, j'en fais. Dis-moi ce que tu fais comme sport extrême. Moi, je fais du parapente, moi. Ouais, ça, c'est vrai, ouais, je fais du parapente. Champion du foot. Champion du parapente. Bon, alors, parapente. Dylan, explique-nous par rapport à Cédric, quand tu t'es inquiété pour Cédric, toi. Voilà, voilà. Alors, moi, justement, je vais vous le dire de suite, je rentre de cure. Et ça faisait 10 ans que j'avais pas écouté Skyrock. Et là, j'allume la radio et on parle de Cédric et de sa morphine. Eh oui, Cédric est drogué, tu as entendu dans quel état il était, le pauvre. Et je me suis dit, il faut que j'appelle, voilà. Eh bien, Dylan. Et en gros, moi, j'étais accro à la morphine, voilà. J'étais tombé accro à la morphine, mais Cédric, j'ai l'impression qu'il tombe accro aussi. T'as vu dans quel état ça le met? Hier, il nous fait, je reviens. J'aime bien, mais je suis pas accro. Dites-moi, faites-moi, Marie, demande-leur où ils ont mis les sons, là, parce que faut que je te fasse écouter d'autres trucs. Ça y est, Cédric. Les amis. Ah, on va récupérer tout ça. Faut que je te fasse écouter Dylan, tu me diras si Cédric est vraiment accro et devenu accro à la morphine. Mais toi, t'en as pris combien de temps Alors, la morphine, c'est une drogue qui te calme quand t'as mal quelque part. Ah ouais, c'est ça. Et alors Cédric avait très très mal au cul famille, après plusieurs clashs de la drague, il est allé à l'hôpital et ils lui ont dit prenez de la morphine. Bah, après le clash de soir, il va falloir encore augmenter les doses. C'est juste ça qui m'inquiète, moi. Attends Cédric, faudra augmenter les doses ce soir. Tellement je vais te froisser le cul. Garde la pêche, on va faire ça là, mon pote. Bon, ça promet. Et donc toi, t'avais pris combien de temps, Dylan? Alors moi, en tout, j'en ai pris 3-4 ans. Donc ah ouais, quand même. Mais t'avais quoi? Ah ouais, putain, ouais. Pardon? T'avais quoi? Parce que c'est rare de prendre de la morphine pendant 3-4 ans quand t'avais quel âge? En gros, alors moi j'avais 16 ans quand j'ai commencé, c'est ça. Ah ouais, donc t'as arrêté il y a pas longtemps, puis t'as 20 ans, j'ai fait le calcul, Marie l'a fait avec moi. Voilà. Hop là. Et oui. 20 moins 16 égale 10. C'est sûr, ouais. Et du coup, en fait, moi j'avais commencé par le néocodion. Le néocodion, c'est à base de codéine, et la codéine, ça se transforme en morphine dans ton poids, si tu veux. D'accord. Oh, putain, c'est vrai qu'il prend les deux. Ah ouais. Il prend de la codéine aussi. Ah, c'est pour ça que les codéines, je crois, c'est Lil Wayne, ils se shootent à ça aussi. Ah ouais? Non, mais moi, je les mélange pas les deux. Non, mais lui, il fait un cocktail, Lil Wayne. Ouais, c'est ça. Ah bah lui, c'est ça. Ça s'appelle, le purple, je sais plus quoi. Là. Ouais. C'est un sirop spécial qui se fait, lui. Ouais, le Syrop, mais ça, c'est autre chose. C'est des trucs très très forts pour la gorge. Eux, ils prennent ça en. Ouais, mais ils mélangent plusieurs médocs. Plusieurs médocs, ouais. Avec de l'alcool. Avec de la Red Bull et tout. Je sais plus comment ça s'appelle, purple, je sais plus quoi. Bienvenue chez les Foncedés, dis donc. Non, mais tu sais que c'est pour ça que le mec, il a cette voix-là, en fait. Ah bah ouais. Il utilise pas d'autotune, en fait. Non, il n'y a pas besoin d'autotune, Lil Wayne. C'est que le mec, ça défonce les cordes. Il a l'autotune intégrée dans la gorge. Tu te souviens pas, David Guetta, quand il était venu, il nous avait raconté, il était en studio, il y avait des tas de rappeurs à côté, les mecs, ils se claquaient la gueule à ça. Pour le mec, voix, il mettait juste poum, poum, poum, et les mecs étaient là, oh, fantastique, David Guetta. Les mecs étaient défoncés. Fantastique, David Guetta. Il est génial, David Guetta. Ah, c'est Purple Drink. Merci, Joie du Cendrier. Merci à Jeanne. Lil Wayne, c'est celui qui a fait ce morceau, là, qu'on vous passe souvent sur Sky et qu'on vous a fait découvrir. Sucker for Pain avec Wiz Khalifa sur ce morceau là. Et donc toi t'en as pris pourquoi de la morphine, Dylan, dis-nous. Alors ouais, donc d'abord, si vous voulez, moi après le joint j'avais envie d'autre chose et j'ai recherché sur internet les médocs avec lesquels tu pouvais démater la gueule. Ah ouais, donc toi t'étais pas malade, tu t'es juste défoncé la tête toi. Ah ouais, moi j'avais vraiment un désir de me défoncer la tête. Génial. Vas-y, donc... commencez à la bière ce soir. Ah, nickel. Ah ouais, et puis pendant 4 ans t'as été accro à ça toi. Ouais, ben j'avais une vie tellement pourrie en fait, de toute façon, que c'était une échappatoire en quelque sorte. Ouais, c'est une échappatoire, mais ça solutionne pas tes problèmes. La drogue, t'aider à t'évader quelques instants, mais pas longtemps. Ah ouais, mais puis quand ça va pas, t'as des conséquences derrière. Ça, je vais expliquer plus tard. Et donc t'es devenu accro à ça, toi. Alors d'abord au néocodion, d'abord c'était 5-6 cachets, et puis après c'est devenu une boîte, et puis deux boîtes très rapidement. Attention, c'est vrai quand même. Et puis ça fait 600. Mais comment tu faisais, tu te faisais faire des fausses ordonnances? Non, c'est en vente libre. Ah, c'est en vente libre? Voilà. Ah, d'accord, je sais pas. Oh, je savais pas moi non plus que c'était en vente libre ces trucs. Ah, je vais aller en acheter. Non, mais ça va pas marrer. Mais il faut pas prendre ce genre de truc. Ah, non, c'est clair. En plus, je connais le truc. Moi, ma grand-mère est accro aussi à ça. Hein, ta grand-mère? Non, mais sérieux, hein. Vous savez qu'elle prend également du crack. La vieille, quand elle prend du crack, mais alors elle sort de son fauteuil roulant et elle se met à courir. Non, parce qu'elle a fait plusieurs chutes et tout ça, et du coup on lui a filé de la morphine et elle est devenue accro à ce truc. C'est hallucinant. Et elle kiffe. Et une fois, elle l'avait oublié, on était au Maroc et en fait elle a dormi pendant 20 heures, on a flippé. Hein. On allait voir, tu sais, si elle respirait. Ah ouais, tu m'étonnes, ouais. Et toi, Dylan, combien de temps t'as mis à t'en sortir? Alors, ben moi, j'ai mis presque 4 ans, du coup, puisque je suis allé. Je suis allé dans des réunions pour drogués, tu sais, où tout le monde. Les drogués anonymes, c'est comme les alcooliques anonymes. Ouais, narcotiques anonymes. C'est les narcotiques anonymes, ouais. Bonjour, je m'appelle Dylan, je me défonce à la morphine. Bonjour, Dylan. Ouais, mais je prends également du néocodion. Ouais. Je connais la Marie, sa mamie, elle prend du crack. Mais bonjour, c'est Marie. Narcotique, alcoolique, anonyme. Ah ouais, les deux, carrément. Marie de Skyrock, anonyme. Ouais, ouais. Et elle, c'est pas pour parler de ma mamie. Vous savez qu'elle se défonce la gueule, elle prend de la coke aussi. Elle se défonce aussi. Pas de la gueule. Ah ouais, c'est ça. Et après, elle danse comme une folle là-dessus. Elle adore, elle a la santé, hein. Mais non, elle a des soucis. Ah ouais, non, mais bon, après, c'est un médicament, hein. Cédric, toi, tu le prends comme médicament, le bordel, hein. Ah ouais, non, mais tu sens que j'ai la douleur, moi. Non, mais fais attention, Cédric, on sait jamais. Pas trop longtemps. Faut faire gaffe, ouais, pas trop longtemps, et pas comme Dylan. Bon, tu t'en es sorti aujourd'hui, Dylan, tout roule. Ouais, je sors de cure, là, ça fait pas très très longtemps. D'accord. J'ai passé trois mois en cure. Ah ouais, donc fais attention, hein. Tiens, ma mère est accro à la morphine. Ah, elle a eu des cancers, ta maman, c'est chachou, là. Bon courage à ta maman, là. S'il les prend pas, elle pète un plomb, comme Cédric. Et en fait, après le néocodion, du coup, je suis passé au Skénan, ce que prend Cédric, en fait. Ah, c'est ce que je crois, ouais. Il est content, le Belge. Il a un copain, Cédric. Oh là, génial. On pourrait en prendre tous les deux et on va se caresser après. Ouais, non, ça va aller. Est-ce que c'est possible? T'es d'accord, Bilan? Non, c'est d'accord. Dylan. D'accord, c'est Dylan. Bon, bah écoute, Dylan, bah tiens le choc en tout cas, parce que c'est pas facile, hein. C'est pas facile d'aller en cure, c'est pas facile de se désintoxiquer. Non, mais c'est bien d'y être allé déjà. Ouais, si vous avez des gens dans votre entourage. Ah bah, a priori, ça allait pas fort. Et Cédric, tu as vu, il faut faire attention, mon ami, attention. Hein. Non, t'inquiète, j'y vais avec modération. Bah, j'espère que tu y vas avec modération. Hein. Il faut. Tiens, écoute-toi, Cédric. Bah, écoute, Dylan, dans quel état ça l'a mis la morphine? Ça te mettait dans le même état, toi? T'étais comme ça, par exemple? Mmh. Tu poussais des petits cris de biatch. Des petits cris de biatch. Justement, moi, ça va. C'est Cédric, quand il est sous morphine, il se transforme en putain. Oui, c'est vrai. Et oui. Alors? Alors moi, ça m'a surpris parce que justement, pas du tout. Moi, en fait, j'étais complètement lucide, c'est-à-dire j'étais défoncé dans mes muscles, je le sentais. Ouais. Mais par contre, j'étais capable de parler, j'étais capable d'aller en cours. Ouais, mais je pense que toi, t'étais arrivé à tel stade que, en fait, ouais. Oh, le stade de Vélodrome! Non, non, pas du tout. Ah, ouais, mais ouais, il te fallait une sacrée dose pour être dans le même état que Cédric, quoi. Eh ben ouais, Cédric. Tiens, d'ailleurs, Cédric, quelques petits extraits, vous nous dites comment vous le trouvez, puis on parlera de ce à quoi vous êtes addict, vous aussi, là, avec vos messages sur le 41759, sur l'appli Skyrock, on vous dira tout ça. Écoute, Cédric, quand tu chantes PNL, parce qu'on aime bien PNL à Skyrock, et Cédric, tu aimes bien. Ah, j'aime bien, moi. Tu te rappelles quand tu as chanté PNL hier? Non, je me rappelle pas. Eh ben, tiens, écoute. Non. Voilà. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas PNL, ça, c'est tout ma gueule. Ah bah, si, c'est PNL. Bah, bon, si. Normalement, les paroles, c'est Nana, mais toi, t'as dit Nono. Non. Non, c'est Nana. Oh, t'es biatch. Alors, comment tu te trouves? Salope. Bah, j'ai l'air un peu con. Ouais, t'as l'air d'une grosse salope. Et le meilleur moment, c'est quand on t'a passé une fausse auditrice de Skyrock. Ouais, ça, j'ai un vague souvenir de ça. Oh, vague, que dalle. Écoute bien, c'était hier soir dans la Radio Libre. Allô? Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, nickel. Tu reviens quand dans la Radio Libre? Tu me manques beaucoup. La voix de Biatch. Je viens bientôt, t'inquiète. Parce que moi, je vote pour toi au clash. Ouais, dès que j'ai plus de morphine, je reviens. Dès que j'ai plus de morphine. Tu penses que tu pourrais te branler, là? Oh, pas non. Non, Allez. Ah, laisse tomber. Allez, caresse-toi le sexe. Oh. Je peux pas, elle a pas levé ma main. Ah, tu peux plus te branler? Je peux rien faire. Ah, tu peux pas te branler? Tu peux te caresser les mentons? Là, je peux le faire, j'ai tué. Hey, Cassandra, elle voulait vraiment te parler, Cédric. Tu l'excites beaucoup. Vas-y. Oh, je t'adore, Cédric. C'est gentil. Romano, c'est vraiment un gros con. Moi, j'ai entendu dire qu'il t'avait giflé. Biflé. Oh, ouais, ça. Biflé, non. Biflé. Ah, biflé, Cassandra. Biflé. Oh la théon! Avec sa petite bitue qui passe quoi, avec ce gars là quoi. Oh la théon, tu t'es fait biffer par Romano! Mais c'est pas vrai ça! Mais je t'aime quand même, Cédric! Moi aussi je t'aime! Je vote toujours pour Romano! Moi je vote pas pour lui! Si toi aussi tu votes Romano! Jamais. Vas-y, dis-le, Cédric. Tu veux trop mal d'eau. C'est des sales cons. Eh, hey, Cédric, t'as mis 2 minutes à te rendre compte que c'était Romano au téléphone. Ah, mais je sentais qu'il y avait une carna quelque part. Ah non, mais au début, la voix de biatch chez ta bri. Ah, mais grave. Tu te fais bander dans ton tonga. Oh, dans ton tonga. Ah, tu bandes, tu vois. Je suis en calbar. Ouais, c'est ce qu'on dit, ça, c'est ce qu'on dit quand on est à la radio. Mais moi, je l'ai vu et Karim peut témoigner parce qu'on vous dit toute la vérité. Ouais, hein. On ne ment jamais. Ah, il était en tanga quand il nous a reçus. Ouais, et il s'habillait vite dès qu'il nous a vus. Là, j'ai oublié. Voilà, excusez-moi, vous avez pas vu mes pantjartels, j'espère. Non, on n'a pas vu les pantjartels encore. Passons, oui. Bon, donc Cédric, t'as entendu le conseil de Dylan, il faut faire attention. Attention, Cédric. Ah, t'inquiète, Dylan. À la drogue. Et on va parler de vos drogues dans un instant. Qu'est-ce qui. Alors, ça peut être, par exemple, je sais pas moi, vous pouvez être drogué à l'école si vous adorez. Ah, bah oui. Ouais, moi, j'adore, je suis drogué au lycée, je peux pas m'empêcher d'y aller. Je suis très malheureux quand je suis en vacances pendant l'été, c'est trop long. Ouais, c'est horrible. Donc, quelles sont vos drogues? Ouais. Moi, je vous ai dit, Romano, tu nous feras un petit tour d'horizon des trucs auxquels tu es drogué, à part l'argent, parce que je sais que tu vas répondre à l'argent. Non, mais pas que ça. Si, il va répondre à l'argent, je connais. Marie, bon, c'est la bière, mais peut-être pas que. Hein. Bah non. Non, le whisky. Non, la bière et la bite. On peut pas. J'adore. Bon, on fait un tour d'équipe. Vous nous dites, Dylan, on te remercie, on t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison et tiens bon. Courage, hein, tiens bon, mon gars. Ça marche. Ça roule, Dylan. Et puis dans un instant sur Skyrock, le double appel. Bah oui, parce que les familles sont prêtes. Samy a testé juste avant les débuts de l'émission. On file peut-être du côté de chez vous avec les familles qui vous entourent. C'est parti, double appel et en direct sur Skyrock évidemment. Et le son, bah tu vois, puisqu'on l'entend derrière moi là, c'est le son sur lequel la mamie de la Marie, quand elle est sous crack, sous coke et sous morphine, danse comme une folle là-dessus. Elle est déchaînée, la vieille. Appelle la mamie, Marie. Dis-lui de monter le son. On va passer Florida et Pitbull tout de suite sur Skyrock. C'est Greenlight. Et en direct à vous tous, c'est Radio Libre jusqu'à minuit. Tous les matins, Diffoul a déjà distribué plus de 50 000 euros en cash. Quelle est ta radio préférée? Eh ben, c'est Skyrock. C'est Skyrock. Mais oui, Jimmy, bravo. Une trentaine, une cinq, enfin des masses d'iPhone 7.

and step on the gas. Woo! Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. She ready, then I'm ready. Pull up on her with the Chevy. Real talk when the light turn green. Give me what I ask for. I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest. Serena Venus, flow a genius. Smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm trying to ride out, slide out. Rally stripes, 7500, bye-bye. Wild out, shout out. Be high in the honeycomb, hide out. Let's have a good time. Right now, right now. What you waiting for? You only got one life. Oh, no. And we gon' live it up. So give me the green light. Let's go. Cause I'm ready. Take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. What you waiting for? Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. Hey, bonjour, je suis la mamie de Marie, je danse sous morphine. Ouais, ouais, ouais, vas-y, mamie. Mais donne-moi du crack. Attends, mamie. Ouais, c'est sympa, bon écoute. Ah, la mamie de Marie qui danse sur Pitbull et Florida, vous imaginez, c'était Green Lights. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Je mets toujours un S à Green Light, mais en fait c'est Green Light, hein, le titre du morceau. Green Light, j'ai un. Green Light, c'était Pitbull et Florida. Du son à écouter, on écoutera du Shai ce soir. Vous savez, Shai, c'est la meuf belge qui nous a fait découvrir cet été, qui nous a fait un morceau qui s'appelle PMW. Et on écoutera ça tout à l'heure. On écoutera le nouveau Maître Gims, c'est le nouveau Niska. C'est ah, ça c'est bon, elle avait son Joe. Elle avait son Joe, c'est ça, tiens. C'est le nouveau Niska en fait, avec Gibbs en featuring, hein, c'est ça, hein. Ouais. Elle avait son Joe. Elle avait son Joe. Un choix de Romano, hein. Elle avait son Joe. Qu'est-ce que tu veux écouter dans l'émission? Il m'a dit elle avait son Joe. On écoutera Ghetto Phénomène et Jul aussi avant minuit. Puis pas que, hein, si vous avez envie d'écouter des trucs, vous nous faites signe, vous nous laissez vos messages au 41-759 sur l'appli Skyrock. Vous débarquez ici aussi par le 01-53-40-30-20 et on déchire tout ce soir. À quoi vous êtes accro? C'est ce qu'on vous a demandé en tout début d'émission. Il y a Joe de Poitiers qui dit: moi j'ai été accro au bédo. Maintenant je suis accro à la clope, au chocolat et au sexe. Il y a beaucoup qui sont accros au sexe ou à la branlette. Bon, ça c'est être accro à son sexe. Moins de filles qui sont accros à la branlette. Tu vas me dire, vous n'avez pas de bite, vous pouvez pas vous branler, mais à la touche au tri. Au doigt. Ouais. Les filles sont plus accros à l'amour. Moi, je suis accro à mon mec, nous dit Estelou sur SMS. Ah, c'est mignon. Salut Estelou. On salue ceux qui sont accros à la morphine, comme Cédric, qu'on a eu un instant en direct avec nous. Tiens, Karimo, du 92, qui a arrêté de prendre de la morphine depuis qu'il a découvert qu'il avait un tatouage de Zidane qui s'était fait pendant qu'il était défoncé. Ah ouais, effectivement. Ouais. Ah ouais, si tu te fais des tatouages et que tu regrettes après, faut faire attention, arrêter la drogue. Accro à l'alcool, car je prends exemple sur Marie pour Thibaut, 20 ans, dans le 92. Ouais, salut à toi, pas. Thibaut. Bon, les accros, on va y revenir dans un instant. On fera un petit tour de l'équipe d'ailleurs. À quoi vous êtes accro? Bon, Marie, on le sait, la bière, mais quoi d'autre à part la bière? La clope. Et la bite. La clope, la clope. Ah ouais, ça, ouais, l'a dit. Et la bite. Et la bite. Et la bite. Ah, j'adore ça. Voilà. Non, il y a un truc surprenant. Ah. À la Contrex. J'avais dit. À la Contrex. Ouais, ok, ouais. Ça, c'est quand elle est bourrée, elle se met à divaguer, elle dit n'importe quoi. Non, mais je t'assure. J'y crois, bien sûr, Marie. Oui, bien sûr. Cause Rex. Non, mais c'est vrai. Romano, t'es accro à quoi, toi? Bah, à la clope. La clope, ouais. À l'argent, la branlette. Non, mais l'argent, ça, on savait, on en avait déjà parlé. Il est accro à l'argent. Ouais. Le sexe, ouais. La branlette, le sexe. Tu te branles pas moins avec le temps qui passe, comme ça, et tes cheveux qui tombent. Non. Non, tu continues de te branler tout le temps autant. Ouais. C'est bien, il est toujours resté très jeune. Il s'est fait griller par Carriole. Il se branle comme quand il était ado. Tu t'es fait griller quand aujourd'hui? Bah, j'ai été me coucher et le chien était avec moi. Et t'as branlé le chien. Et tu branlais sur le chien. Je me branlais dans le chien. Et là, Carriole l'a entendu couiner. Ouais. Mais non, mais je me branlais pas dans le chien. Non, mais t'as cru. Il a couiné quand tu te branlais? Non, il a pas couiné. En fait, elle est rentrée dans la chambre. Ouais. Et à ce moment-là, j'étais en train de me caresser la bite. Et ça faisait un mat à mal au ventre? Non, j'ai fait, je faisais semblant de dormir. Mais tu te caressais sous la couette? Non, mais ouais, je me caressais sous la couette, mais j'avais le calbar baissé. Mais quand elle est rentrée, j'ai posé les mains, j'ai fait genre, imaginez la scène, imaginez. Elle t'a dit connard, ouais. Elle me dit, elle me fait, t'étais en train de te caresser la bite. Je lui fais, non, je dors. Elle me fait, non, ça se voit sur ta gueule. Ouais. Je ne gueule jamais à ce moment-là, mais. Tu te connaissais la bite en pensant à la gothique? Bah, évidemment. Non, mais tu vois pas, quelle horreur. Elle s'est pas occupée de toi, du coup. Non, mais non, en ce moment, c'est un peu engueulé, là, donc. Ah oui, donc oui. Et ouais. Pas de cul. Privé de quéquette. Ouais, c'est ça. Voilà, et ça, voilà. Non, privé de minette, Romano, plus précisément. Ouais, parce que le quéquette, ça va. Elle n'a pas de quéquette. Et tu pensais à quoi quand tu t'es branlé? Non, mais je pensais à elle, en plus. Non, mais je pensais à elle, c'est vrai, en plus. Tu faisais quoi? J'enculais. Non, mais pas quoi, j'allais l'enculer. Mais bon, elle m'a coupé dans mon élan. Ah, tu t'es pas fini? Non, mais j'ai attendu après. C'est en fait, elle est sortie de la maison, je l'ai entendu sortir, mais quand j'étais en train de me branler, quand elle est rentrée, je l'avais trois fonds dedans et j'ai pas entendu la porte, en fait. Et là, la porte s'est ouverte et après, j'ai repris 5-10 minutes après, quand même. Avec Carriole, la meuf de Romano, c'est comme ça sa maman. Non, mais. C'est vrai. Il se branle quand elle sort, il finit. Non, mais c'est même pas ça, c'est que je me branle. Il écoute quand elle rentre, mais il entend pas tellement. Non, mais je me branle avant de dormir, mais je sais pas, je trouve que t'as l'air con quand tu te fais cramer par ta meuf en train de faire. Il y a Scoot qui nous laisse un message et qui nous dit: Romano, bienvenue au club des branleurs. Moi aussi, je me suis fait choper par ma meuf. Non, mais je sais pas, mais. 19 ans. En plus, tu vois, bon, elle m'a déjà vu me branler et tout, mais quand c'est dans cette situation-là, je sais pas, je me sens idiot. Ouais, t'es mal à l'aise. Non, mais c'est vrai, ouais. C'est un peu con. Bon, on parlera peut-être de ceux qui se sont fait choper en se faisant branler, vous pouvez nous dire aussi. On peut lancer plein de sujets ce soir, hein. Donc, les accros, on y revient avec le témoignage de Naïma qui arrive dans un instant. Bonjour, Naïma. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Salut, Naïma. Anto, salut. Et Anto aussi, t'as drogué, il est avec nous. Bonjour, Anto. Salut, Diffou. Salut, l'équipe. Salut, Anto. Salut, drogué. Et dans un instant, autre sujet. On parlait des trucs qui dégoûtaient en amour hier soir. Et bien, peut-être un truc qui va vous dégoûter avec Christophe qui arrive aussi dans un instant avec nous. T'es là, Christophe? Ouais, je suis là. Salut à tout le monde. Ben, salut, Christophe. Salut, Christophe. Salut. Christophe, il va nous dégoûter. C'est super. Ah, bah, sympa. Bon, vous bougez pas. On fait le double appel parce que les familles sont prêtes et on est de retour, avec vous tous et vos addictions dans un instant. Addiction au foot pour Alias sur SMS. Qu'est-ce que vous dites? Au foot, c'est ma drogue également. Tiens. Ah, il y en a plein, ça, ouais. El Blanco, toujours 0-0 entre Rennes et l'OM, pour l'instant. On vous tient au courant. Accro au coca, il y en a plein. Putain, moi aussi, j'adore le coca. Le coca, c'est mon dada. Oui, il y en a plein. C'est coca. Ouais, t'as vu les messages qu'on a reçus sur le coca? C'est un truc de fou. Accro au Red Bull aussi, j'en ai plein. Accro à l'argent comme Romano et à la branlette. Ah, toi, t'es un Romano Junior, dis donc là. C'est justement, il s'appelle Romain, tu vois. Je suis accro à la coiffure également. Accro. Non, on te croit pas. J'adore. Hichem, le futur, lui, il est accro au taf. C'est bien si t'as un taf. Ah, mais si c'est un taf passion. Bah, regardez, nous, par exemple. On n'est pas accro à la radio. On est là tous les matins, tous les soirs. Et on s'éclate tous les matins et tous les soirs, vous imaginez? Oui. Bon, Widamax, lui, c'est accro à la weed. Ouais, j'ai des accros. Tiens, en parlant de Widamax, j'ai des accros au Paris Sportif également, qui nous ont laissé des messages. Notamment Kamel, qui a 22 ans, qui est accro au Paris Sportif. Enfin, au jeu, quoi. Ouais, au jeu. Ah, il y a Cédric N, je suis accro au thé. Ah, Hichem, non, je vous l'ai dit, Hichem. Merci, Hichem. Accro au café, accro à Skyrock, accro au pompier. Coca Radio Libre pour la jumelle, accro au sport. Pour Vince, 14 ans, c'est bien d'être accro au sport. Moi aussi, je suis accro au sport. Je ne vous l'ai pas dit, mais je suis accro au sport. Ah, ben complètement. 10 cafés par jour pour Karine. Salut ma chérie, salut Karine. Bon, écoutez, on revient aux accros. On va découvrir nos accros à nous. Donc, Naïma et Anto, vous êtes de retour. Vous bougez pas, mes chéries. Et puis maintenant, c'est parti. C'est le double appel. Oui, on y va. Allez. Qu'est-ce que tu veux? Je vous appelle pas, c'est vous qui m'appelez là.

Parce que là, maintenant, on doit se faire faire une pipe à 3. On ne sait pas comment on va faire à 69. Parce que là, c'est un peu dur. Hein, j'ai appelé Gainsbourg pour lui demander comment on peut faire à 102. Il m'a dit ça n'existe pas. Il m'a dit, par contre, un double 69, c'est très bien. Pourquoi tu l'as appelé de l'au-delà? Dieu est allé. Bah, attends, merci, merci, parce que on s'ennuyait. Alors il fallait un con qui nous parle au téléphone. Alors, alors merci. Et au fait, je vais faire la vache. Allez. Rachid. Merci. Au moins on rigole. Ah, ça. Et là-dessus, on te fait un gros bisou. Okay, allez, on vous fait tous un des gros bisous à la radio. C'est quoi comme radio? Allez, je te laisse, ciao. Tu nous laisses. Pas défoncé, non? Moi non plus, allez, ciao. Non. Ouais, je suis à poil, là. Eh ben, c'est bien. Salut. Allez, bonne continuation. Eh ben, salut. Également. Salut, ouais. La même. C'est un autre qui nous a fait un spectacle. Ah ouais, c'est vrai. Le mec qui nous a fait son one man show. Et je voudrais remercier Mourad qui nous a laissé le numéro de téléphone. Oh, Mourad, merci, ouais. Et tu sais que hier j'avais promis un truc, j'avais dit qu'on, si on a un bon double appel avec des numéros que vous nous laissez, on vous offre votre jeu FIFA 2016, FIFA 17, pardon. 17. FIFA ouais. 17. Oui. Eh bien, on va t'offrir toi. Et j'avais dit si on a vraiment un truc génial. Ah bah on te file le FIFA 18. Voilà. Déjà. Et FIFA, bon, et FIFA 19. Ouais, aussi, ouais. Ah bah, Mourad. Et. Ouais, non, mais ça mérite un beau cadeau. Ça mérite la console, ça. Ah ouais, putain, qu'est-ce qu'il était lourd, le mec. Il était super. C'était Mohamed ou Rachid, je sais plus. Mohamed. Bon, merci à Mourad, donc, qui nous a laissé les numéros. C'est ça, vraiment, c'est une bonne famille. À un moment, ils étaient quatre en direct. Ouais, ouais. C'est ça qu'on disait rien, parce que t'en avais un qui parlait, qui faisait le spectacle. Les autres qui intervenaient de temps à autre, qui étaient pas mal non plus. Oh, les vannes pour. Et je vous le rappelle, si vous recevez des coups de fil comme ça, c'est une machine. Ouais. Qui passe par les ondes. Ouais, il y a quoi d'autre? Et je sais plus, mais. Il y a un truc sonore dedans. Ouais, il y a un truc sonore. Les ondes sonores, la fréquence sonore. Les ondes sonores de la fréquence sonore. Le mec est parti loin, quoi. C'est une machine. Non, mais il a étudié, Marie. Ouais, le mec, il va loin. Il va loin dans sa tête. Hein. Il a étudié le machin, là. Bon, le double appel tous les soirs sur Skyrock. On attend vos numéros. Belle qualité. Ah oui, on peut le dire. Vous pouvez nous laisser vos numéros sur le 41-759 sur l'appli Skyrock tous les soirs. D'ailleurs, si vous voulez passer dans l'émission parce que vous avez un truc à dire ou que vous voulez faire les cons avec nous, vous avez un conseil à demander. Où vous voulez connaître la vie de tous les membres de l'équipe et de tous les auditeurs, c'est pareil. Hein. 41-759, l'appli Skyrock et le skyrock.fm et puis bien sûr le 01-53-40-30-20 pour nous appeler en direct. Eh ben putain, c'était chaud ceci. Hein. Ah ouais, bien comme c'était bon. Hein. Alors on va prendre nos accros. Mais je sais pas si t'as entendu Difool parce que c'était pas. Ah bah oui, oui. Il y a eu but de Rennes et juste derrière but de l'OM. Je l'ai dit, Samy. Non, mais juste derrière but de l'OM. Ah merde, j'ai pas dit ça. Ouais, ah bah ouais. On l'a dit avec Karim, mais je crois que t'as pas. Ah non, j'ai pas entendu t'as pas ça. Capé. Ouais. Ah moi j'étais à fond dans le double appel, moi. Ouais, bah ouais. Donc Rennes 1, OM 1, 45 minutes de jeu. Il reste, allez, 2 minutes de temps supplémentaire. C'est ça, avant la mi-temps. Avant la mi-temps, et donc on vous tiendra au courant, car il s'en passe des choses. Tout à l'heure, un autre match à retrouver, le clash de la drague avec d'autres familles de France, d'ailleurs, qu'on retrouvera dans l'émission. Bah, moi j'attends ça avec impatience. Tu attends Cédric, qu'on a eu d'ailleurs en tout début d'émission. Je sais pas dans quel état il va être tout à l'heure, mais bon. On lui a demandé de faire le clash sous morphine pour voir ce que ça donnait. Oh, ouais. Parce qu'il faut qu'il se soigne pour sa clavicule. Oh, parce qu'il a une clavicule cassée, Cédric. Bah, je me suis fracturé la clavicule. Patrick aussi, il a une clavicule c'est cassée. Idole. Ouais, c'est vrai, il se ressemble beaucoup. Bah, ouais. On pense d'ailleurs avec Romano, on a réfléchi, on a discuté beaucoup ensemble, on parle beaucoup de Cédric tous les deux. Et on pense qu'ils sont de la même famille. Ouais, moi je mise sur le tonton. Ouais, tu mises sur le tonton de Cédric, ouais. Ah, tonton ouais, Patrick. Ouais. Voilà, c'est mon tonton. Voilà, je l'adore, je le ressens trop. Ah ouais. Voilà, c'est pareil, je vais à la sortie des écoles et tout. Bon, c'est le clash qui arrive donc dans pas longtemps. Vous tous en direct, appuyez donc les accros. À quoi vous êtes accro? Et après que ce soit accro à Sky, ben ça c'est bien. Merci d'être accro à Skyrock. Et pour le double appel, un nombre de messages qu'on a reçus, accro au double appel. Tiens, regarde, le club HDMI de la PS4. J'en pleure tellement je ris. Moi aussi, j'ai bien rigolé. J'en pleurais tout à l'heure. C'est le meilleur double appel depuis le début. Je sais pas si c'est le meilleur parce qu'on a eu des bons, mais celui-ci, il était terrible. C'est ce que dit d'ailleurs Boma. Il est terrible le double appel ce soir. Terrible. Denise nous dit c'est royal. On se croirait chez les Deschiens. Ah ouais, vous vous rappelez pas le vieux truc ah de, si, ouais, ouais, de Canal gros, Plus, c'est canal. Des chiens, c'est vieux. Hein. Mais il y a des gens c'est comme ça qui parlaient. Comme ça, ouais. Double Des appel quoi. Monumental pour Piccolo FCB, FCGB, salut à toi. Oh putain, le gros lourd, le mec au téléphone. Ah, il était marrant. Moi, ah ouais, mais non, mais c'est un gros lourd. Énorme. Après, il avait des vieilles blagues quand même. Ah ouais, c'est clair. Ah, ça, c'est vrai. Le mec, tu passes une soirée avec lui, au bout d'un moment, tu dis ta gueule. Oui. Non, je t'en supplie. Qui a mort de rire la blague, nous dit Poto. Blondie du 07, mort de rire le délire. Ah, pas une pipe au champagne, une pipe au chocolat. Comme ça, il y aura les boules avec. Lui, il a des punchlines, c'est vrai, il a des punchlines qui déchirent. Ah, il déchire, ouais. Ah, il était magnifique celui-ci. Hein. Bon, double appel, merci pour les messages, ça fait plaisir de voir que ça vous a plu, parce que à nous aussi. Le mec, il parle et il bave en même temps, on nous disait. Oui, mais il était tellement excité, il avait du public derrière lui, toute la famille. Ah, bah ouais, ouais, ouais. C'est son spectacle. Hein. Et ouais, ouais, ouais. Bon, alors, on s'occupe des accros, et oui, parce qu'on en parle ce soir. Vous êtes accro à quoi? Accro au foot, il y en a plein. Accro à l'OM pour génie sur SMS. Ah, bah, tu as de lâcher, ouais, bon courage. Il y a eu des accros au sport aussi. Mais plein d'accros au sport, ouais. Marie. Vous suivez mon exemple, c'est bien, magnifique. Ah, c'est ça. Ah, bah oui. Bon, alors là, on a qui au téléphone avec nous? On a Anto de Rouen. Il y a des acrobates aussi. Voilà, c'est ça. Et des acro-gym. Et des acrobranches. Et des acrobranches. Eh Marie, tu dois faire un spectacle. Ah, merde. Tu dois faire un spectacle avec l'autre là. Ça serait pas mal. Qu'est-ce que t'as, Romano, à ta petite voix? C'est des glaires. Tu es glaireux? Ouais, ouais, j'ai toujours ma crève. Non, mais il y a plein de gens qui ont des crèves actuellement. Ouais, ouais, c'est vrai. J'en parlais avec mon pharmacien. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah, qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient la crève. Donc, si vous avez la crève, on vous salue. Moi, elle est en train de passer. Lui, il est content, le pharmacien, il va prendre médoc. Ah, bah, lui, c'est un paquet de thunes. Il est heureux. De l'humex à gogo, quoi. Allez, tiens. Bonheur, joie totale. Alors, les accros. Anto avec nous. T'es là, Anto? Ouais, salut, Difoul. Salut, Anto. Coucou. T'es à Rouen, toi? C'est ça. On n'a pas offert 1500 euros à Rouen ce matin, maintenant? Ah. C'était pas c'est ce matin? Je sais plus, je sais qu'on a offert de l'argent du côté de Rouen. Bah oui, c'est Rudy. Ouais, c'est Rudy à Rouen, ouais. Et ouais, Rudy, il a gagné 1500 euros. Et Anissa aussi à Clermont-Ferrand, elle a gagné 1500 euros. Ah, elle va acheter des vêtements et des chaussures à sa famille. Ça sera peut-être toi un prochain coup. Répondez, oui. Skyrock. Hein. On vous appelle, vous répondez Skyrock, c'est 1500 euros dans la poche. Toutes les demi-heures le matin, ça nous coûte une... Inscrivez-vous, 1500 au 7-20-20, 1500 au 7-20-20. Vous savez que Romano a proposé de donner son salaire pour financer les 1500 euros, ouais, tellement ça coûte cher cette année. Bon, on va arrêter. Bien sûr, ça lui ressemble. Du coup, j'ai dit non, on va arrêter le jeu. J'ai demandé à Pierre Bélanger, il m'a dit ok, pas de problème. Et comme ça, les 1500 pendant un an, voilà. Avec son salaire. Bah, salaire d'un mois. Hein. Ouais, ah d'un mois, oui. Si on tourne un ah mois. Ah bah oui, non, mais ça va. Excusez-moi les gars, but de Rennes peut-être, non? C'est le ralenti. Autant pour moi, je suis un P4. À chaque fois qu'il y a la mi-temps, Karim nous annonce un but. Ouais. Ouais, mais je croyais qu'il y avait soir, but, gros. Je sais pas. Hein. J'étais content. Tiens, ouais. C'est exactement le même que le premier but. Mais non, j'ai pas vu le premier, c'est pas ça. Tu sais que depuis que t'es assis à la place de Cédric, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose dans ton cerveau. Ouais, mais je crois que son fluide est rentré en moi. Non, non, mais même déjà avant, quand t'étais à ta place normale, t'étais déjà plus con. Non, mais là, il se dégrade. Je vais te niquer, tu vas voir si tu. Non, mais sérieux, t'es plus con que Cédric. Non, mais de toute façon, quand il va revenir, Cédric, on va faire un jeu, voir qui est le plus con. Ouais, non, mais ça, on a prévu de le faire. Ouais, on fera une soirée spéciale pour le retour. Ouais, un peu culture générale. Exactement, ouais. La soirée. On sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Lui ne le sait pas lui-même, il est complètement drogué. Bah, demain, il a rendez-vous chez le médecin, ils vont en savoir plus. Donc, oui. Peut-être demain soir. Ouais, quoi, après, je sais pas si demain, ça m'étonnerait, mais. T'as l'air d'être paniqué en parlant du retour de Cédric, Romano. Ça n'a pas l'air de te faire plaisir, c'est marrant. Non, mais je trouve ça pas mal, cette nouvelle formule. Pas mal l'émission, hein. Eh bien, Cédric en quarantaine. Cédric au téléphone, c'est bien. Bon, t'es accro. Je disais que ma crève passait, ben la preuve. Ah ouais, bah super. Alors, c'est Anto, t'es accro à quoi, toi? Je suis accro à deux trucs. Ouais, la bite. Au Kinder. Non. Au quoi? Kinder. Au Kinder Maxi, en fait. Ah, c'est bon. C'est bon, les Kinder. Coca-Cola. Ah, bah, t'aimes les bons trucs, toi, c'est bon, ça. Ah, non, mais le problème, c'est que si tu veux, j'en bouffe, mais depuis 5 ans, et je pèse 60 kilos, quoi. Bah, continue à en bouffer, hein. Mais si des fois, tellement t'en bouffes, ça te donne la colique. Non, mais par contre, tu sais quoi, Romano, bah, par rapport à ça, j'ai mal au bide, mais à fond, quoi. Ouais, parce que moi, j'en ai déjà bouffé, tu vois, pareil, Kinder, j'adore. Mais à te rendre malade. Ah, mais des fois, j'achète une boîte, tu sais, je la finis en une fois, quoi. Bah ouais, c'est bon. Et des, fois, ça, et des fois, ça me fait mal au trou du cul. Bah ouais, parce que t'en manges trop. T'en manges trop. Ça commence comme toi, Anto, c'est que je commence à avoir mal au bide, et après, j'expulse. Voilà. Là, tu me dis, j'en ai mangé un peu trop. Je lâche tout. Mais même si t'es pas gros, Anto, c'est du mauvais sucre, c'est pas bon. Ouah, c'est très bon, ça va. Plus Kinder tout le temps. Mais non, mais bon, super. T'en bouffes pas. T'en bouffes tous les jours? Ouais, quasiment. Hein. Ouais, mais t'en bouffes, pas, t'en bouffes pas une boîte par jour. Pas loin, franchement, ça fait quand même. Non, ouais, c'est pas bon. Ouais, fais gaffe quand même. Kinder Coca pour Anto. C'est des habitudes, hein, si tu veux. C'est une drogue, ouais. J'ai pas Si, ouais, c'est ça. Toi, en fait, le plus beau cadeau qu'on puisse t'offrir, c'est pas l'iPhone 7 qu'on file le matin, ni la PS4, la Slim. Toi, on t'offre carrément, allez. 48 un an de Kinder. Un Kinder surprise. Franchement, je suis heureux. Ah, bah, j'imagine. Bah, non, mais moi, je te comprends. Non, mais à la limite, il vaut mieux bouffer les Kinder que de prendre de l'héros, tiens. Exactement, c'est bien dit. Ah, bah, oui, c'est sûr. Oui, à choisir, même. Oui, si tu forces un petit peu sur la dose, sans doute, mais bon. Moi, j'aime bien, moi. Nutella aussi, j'adore. Il y en a plein qui sont accro au Nutella qui nous ont laissé des messages. J'adore. Bah, moi, depuis ma crêpe au Nutella, là, que. T'en bouffes plus. Ah, ouais, ouais, putain, moi, j'avais fait une crêpe avariée. C'était pas le Nutella qui était avarié, Romano? Je pense que c'était tout, parce que Nutella en plein soleil, le pot ouvert, c'est pas le top au niveau de la conservation. Non, puis quand tu bouffes un truc qui te fait vomir comme ça, après t'as. Non, mais après, ouais, mais je sais que je vais en bouffer, mais tu vois. Pas qu'on fasse une soirée crêpe. C'est pas la chambre bleue. Non, mais on peut le faire comme ça pour le DEL. Non, mais moi ça va, bah vous en ferez, moi je vous regarderai. Je suis accro à l'apéro pour Verratti. Ah, ça. Ouais, il y a le M qui dit moi je suis accro au sexe. Accro à Marseille pour Maxime. Yeah. Tiens, on a Naïma aussi au téléphone avec nous à Douai. Naïma, salut. Oui, salut tout le monde. Oui. À quoi t'es accro toi, Naïma? Alors, moi je suis accro à la chicha. À la chicha, j'ai eu plein de messages aussi sur la chicha là. Ah ouais. Ça rend accro la chicha. Il te faut une chicha par jour, toi. À peu près, ouais. Franchement, ouais. Et si t'as pas chicha, qu'est-ce qui... C'est comme les clopes, ouais. Qu'est-ce qui bah, t'arrive? Non, je fume pas à la base. Je fume que la chicha, moi. Ah ouais, mais tu fumes. Ouais, mais c'est vrai. Oui, forcément, oui, la chicha. Mais je veux dire, je fume pas la cigarette, en fait. Moi, je fume la pipe. Ouais, uniquement. Les grosses pipes. Enfin, c'est pas très pratique de te balader avec ton truc à chicha. Il y en a des petites, il y en a des portatives. Ouais, ouais, c'est vrai, mais bon, je fume chez moi, quoi. Il y a même chicha électronique. Ouais, c'est vrai. Tu vas pas dans les chichas, t'as une chicha à la maison, toi. Oui, voilà, j'ai une chicha à la maison et quand je sors, bah, le week-end, bah, je vais en chicha, quoi. Tous les soirs, ta petite chicha. Donc, c'est pas mal. Bon, on va continuer de faire le tour de vos addictions. On en parlera d'ailleurs parce que j'ai pas demandé à Samy à quoi elle était accro. Bah, Rennes, Marseille, 0-0. Ah, ouais, bon, un partout, je veux dire. Un partout, oui. Un bon vélodrome. Et à Karim non plus, j'ai pas demandé. Et puis, on y reviendra avec le témoignage. Il y a qui arrive avec nous dans un instant. Ce sera. Anthony. Tiens, on a eu Anto et il y aura aussi Anthony. Eh ben, merci Anto du témoignage et bon avec Kinder. Plaisir. Bon coca. Moi, je suis en train de boire un gros coca aussi. Je te fais envie, hein. Ouais, pareil. Bon, bah, super. Moi, j'ai ce qu'il faut sous la main. Non, carburo coca. Le matin, le soir, carburo coca. Sauf Romano parce qu'il n'aime pas y a des bulles. Ouais. Et puis, il faut payer. Ça coûte cher. Et, Attends, c'est du vol. Tiens, on salue, Mel qui est en train de fumer une chicha aussi. Salut Mel. Mel, 17 ans, qui fume la chicha à la maison, à la fenêtre, parce que mes parents, ça les emmerde. Très bien, Mel. Bonne petite chicha à toi et bah ouais fume ouais. Bien et gros bisous à toi Naïma. Oui, gros bisous. Par contre, c'est possible d'avoir FIFA? Non, par contre, on va t'envoyer chicha. Chicha. Un t-shirt Skyrock à la maison, t-shirt Skyrock collector pour toi et t-shirt Skyrock collector pour Anto aussi de Valenciennes. Anto un autre qui arrive Ah non, Anto de Valenciennes, on va le prendre. Excuse-moi Anto parce qu'il y a deux Anto, je mélange tout. Donc Anto de Rouen, tu auras pas de t-shirt toi Anto de Valenciennes toi. Allez, tiens, bouge. Si, t'en auras un aussi. Tu vas nous expliquer donc les accros, on y revient, du sexe avec Christophe et de l'amour, de la drague, du love, de la séduction, du romantisme, tout ce que vous aimez. Moi, je suis accro à la victoire au clash. Et ben on va voir si tu peux encore en profiter ce soir le clash. Ah ouais, j'aimerais avoir ma dose de victoire ce soir. Ce soir mes amours, votez Romano tout à l'heure. Et bien dans pas longtemps, le clash de la drague arrive et Shai tout de suite sur Skyrock. J'avais promis qu'on écoutait le gros son de Shai, il arrive. Ils ont tous gagné 1 500 € en répondant Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. Skyrock. La seule radio qui t'offre 1 500 € toutes les 30 minutes. Oh putain, ça fait tellement longtemps que j'attends. C'est Skyrock. Non, sérieux? Et non. Oh purée. Rendez-vous demain matin de 6h à 9h dans le morning de Default sur Skyrock. Tu refais là. Des problèmes pointent toujours le bout de leur nez, hein. Moment au 71-777. Les astres vous guident vers la voie. Moment, M-O-M-E-N-T, au 71-777. Nos astrologues vous apportent les réponses. L'amour, le travail, le succès. Vous voulez savoir? Envoyez Moment au 71-777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. The Morning Show. Envoie 1500 au 720 et multiplie tes chances de gagner 1 500 € toutes les demi-heures dans le Morning de Default. PNL. PNL. Leur nouvel album dans la légende. PNL dans la légende, maintenant disponible dans les bacs. Julien Tellouk. C'est un truc de fou. J'adore. Marcus. Tout le monde connaît son côté chafouin. Et tous les experts de la Team Game One vous présentent le talk show le plus fou sur l'actu du jeu vidéo. À mon avis, ça va être du lourd ça. Team Game One, c'est tous les mercredis en direct sur Game One. Disponible chez tous les opérateurs et en ce moment en clair sur la TV d'Orange. J'arrive chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ et là, un groupe d'hommes habillés en noir m'attrape et me jette dans un taxi. On arrive dans un amphi où plein de profs à lunettes m'attendent pour que je réponde à une question genre quel est le sens de la vie. Non. Et alors? Bah, tu sais bien que je suis nulle en orientation. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, bougez plus. Concert. Nouvelle tournée événement Skyrock. Je pas de glaçons dans mon vin, ça prend de la place pour rien, mon frère.

Qu'est-ce que tu fais? Tu fais Monsieur Mythique? C'est Monsieur Mythique qui est en ligne avec nous. Bonjour Monsieur Mythique. Mythique, tu cliques, tu niques. Oui, merci. Oui. Ah, c'est, tu essayes d'avoir une voix sexy. Tu testes la voix sexy de Mythique. Je l'ai rencontrée sur Mythique. Oui, elle faisait de la cuisine, non, c'est ça? Elle faisait de la cuisine en chantant. Ah, c'est parce super. Elle faisait des ateliers chansons aussi. Oui, elle chantait La Reine des Neiges, c'est libéré. Ah, non, ah, bah, à ce moment-là, vu que j'étais en cuisine, un coup de couteau. Oh non! Monsieur Mythique, mais ça va pas? Là, c'est vrai que le mec de la pub Mythique. Oui, salut, c'est Mythique. Ah, il a une voix énorme. Ça va. Ça va, mais le mec, c'est ça. Tu penses que la voix, elle est un peu trafiquée ou pas? Non, non, non, j'ai fumé 40 paquets de cigarettes par jour. Le mec qui carbure au gitane, ouais. Depuis l'âge de 3 ans. C'est ça, le gitane maïste. Oui, oui, oui, j'adore fumer des cigarettes. D'ailleurs, je vais en fumer une petite Mythique. Bon, alors, on est prêt pour cette grande soirée qui a super bien démarré déjà, on est du noël de Cédric. Le Real de Madrid a fait 1-1 contre Villarreal, nous dit OM Albanie. Merci, okay. OM Albanie, merci. Et pour l'instant, 1-1 aussi, c'est le résultat. C'est parti. À la mi-temps, ça va d'ordre. Deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps. Entre l'OM qui est à Rennes ce soir, ça se joue à Rennes. Un partout, Rennes a ouvert le score, l'OM a égalisé juste derrière. C'est et donc pour l'instant, il y a un partout. On suit le match en direct sur Skyrock. Il y a Gourcuff qui joue. Oh putain, poteau de Rennes, ils ont fait marquer. Attention, c'est pas fini. C'est pas fini. À côté. C'est chaud les Marseillais. Gourcuff il joue, c'est son père l'entraîneur en fait. Oui, c'est plus facile. C'est pas une blague, c'est vraiment son père. Vous savez que Pierre Bélanger, le papa de Romano, on vous l'a jamais dit. Ouais, exactement. Directeur de Skyrock. C'est pour ça que vous en avez parlé. C'est pour ça que je suis toujours là d'ailleurs. Content, Pierre, d'entendre ça. Ça lui ferait plaisir. Bah, bien sûr. Bah oui. Ils ont à peu près le même crâne tous les deux. Ouais. Ouais. Oh. Il est limite plus chauve que moi, mais non, bon, je ne veux pas critiquer mon cher Pierre Bélanger, notre PDG. Bien sûr. Bisous, Pierre. Bon, allez, les accros, on en parle. À quoi vous êtes accro dans l'équipe? C'est vrai, parce que vous nous demandez. À Pierre Bélanger. Oh, c'est gentil. Ah, l'autre. Et à la feuille de paye qui vous donne tous les mois. Surtout à la feuille de paye. Bon, accro à quoi? La branlette. Putain, c'est revenu souvent, les gars, vous êtes des branleurs. Éclatez-vous, vous avez raison. Tiens, je suis accro. Diffoule le beau gosse, quel beau pseudo. Je suis accro à me branler sur la voie de la Marie. Bien. Encore, mais bien, sur Snap, il y a Al Gonzo qui lui aussi est accro à la Marie. Sur Snap encore, Snap Skyrock FM, si vous voulez aller sur Snap et nous suivre. Ouais. Vasco, lui, il est accro au KFC. Eh ben, un petit KFC, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal, ouais. Ouais. Qu'est-ce que. Yannick 21, lui, il est accro à son iPhone. Pas mal. Tiens, on a Anto de Valenciennes qui est au téléphone avec nous, juste avant le clash. Abdel Delimou, lui, il est accro au shit. Bon. Oui, j'en ai eu plein, là aussi. Ouais, accro au shit, accro au rhum. Ah, Steven qui me dit sur Facebook, là, lui. Cédric est accro à la bite. On lui demandera à Cédric s'il est accro à la bite. Hein. C'est possible. Ouais. Non, c'est possible. On va se renseigner. Ouais. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Vous faites délirer accro à la radio libre de Skyrock. C'est sympa, Dominique. Merci Dodom. Accro au tacos pour Antoine. Au poker pour Geoffrey. Merci Geoffrey. Et Mickaël, lui, il est accro aux mamans. Ah, t'aimes les MILF? Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, t'aimes les MILF? C'est pour ça que je rigolais, moi aussi, les MILF. Bonjour, Mickaël. Je suis accro à Romano. Love Romano. Hashtag Love Romano. J'écoute Skyrock tous les jours. Océane Muller. Oh là, bah dis donc, Océane. Gros bisous. Muller. Océane, je vais t'appeler. À mon homme, c'est ma drogue pour Myriam. C'est beau, ça. Au chocolat, aux boîtes de nuit pour Jonathan. Il y a Kabilifornia. Ouais, salut Kabilifornia. C'est marrant. C'est fast food. Moi, c'est facial. Ouais, bah, c'est une accro au facial. Ah non, putain, j'étais sûr. Oh là, moi, c'est fist fucking. Chacun son truc, accro à la musique pour Scott. On est tous accro à la musique. Ouais. La musique nous accompagne toute la journée. Vous avez la preuve, regardez Skyrock. Karine, elle est accro au vernis à ongles. Hein? T'es bizarre, Karine, toi. Chacun son truc. Vous avez vu la nouvelle mode de Ronaldo quand il a mis du vernis à ongles au pied cet été, là? Sacré mode de merde. Ronaldo du Real. Il avait mis quelle couleur? Noir. Ah ouais. C'est pas violet, non? Ah, ouais, violet noir. Ouais, enfin, foncé, en fait, quoi. Il avait juste les ongles sales. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça, peut-être qu'il voulait, ouais. Il avait joué au foot sans chaussures, bon, forcément. Mais pareil. C'est bizarre sur un mec. Ah ouais, c'est bizarre. Ouais, ça, c'est bizarre. Ouais. C'est bizarre. Mais comme un mec en jupe, tu sais, c'est bizarre aussi. Oui, c'est bizarre. Bon. Kevin. Ah, là, aussi, Marie, ouais. Tu sais, t'en penses pas tous les jours. Un mec en jupe, ça te fait pas bizarre, Marie. Bah, moins que du vernis. Bah, tu sais qu'ils foutent des jupes. Bah, écoute, moi, tu me dis, tu sors avec du vernis au pied ou alors avec une jupe, je mets du vernis au pied parce que mes pieds sont cachés dans mes chaussures. Ouais, bah, c'est ça aussi. Et si t'es en tong, du coup. Aïe, aïe, aïe. Ça se voit. Aïe, aïe, aïe. Attention, aïe. L'OM dans la surface, Gomis tout seul, le but. Et voilà, l'OM. Le doublé. Allez, hop. Un but de l'OM contre l'équipe de Rennes. Stade Rennais, ouais. Mais c'est la folie. Ça fait 2-1. Marseille champion. Attends, on mène dans un match de foot, gros. Marseille, c'est la Champions League. Ah, bah là, carrément. Marseille, c'est la Champions League. C'est presque la Ligue 1, même. C'est presque la Ligue 1. Ah, ouais, là, c'est parce que c'était un niveau quand même de merde, jusque-là, faut le dire. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Bon, les jeux vidéo, ça cartonne aussi au niveau des accros. Ah, il y en a beaucoup, ouais. Et Mamoun, accro à mon job. Je suis conseillère funéraire et j'adore ce boulot. Oh, quelle horreur. Putain, quelle horreur. Si ça te plaît. Non, mais au moins, c'est bien, t'accueilles bien les gens et tout ça. Si ça te plaît, c'est tant mieux, oui. C'est particulier. Bon, et Anto, à quoi il est accro? On va le découvrir tout de suite. Allô, Anto, 26 ans à Valenciennes. Salut, Anto. Salut l'équipe. Salut à toi, Anto. Alors, à quoi on est accro du côté de Valenciennes chez toi? Moi, je suis accro depuis longtemps, ça fait maintenant 10 ans. Je suis accro au tube de lait concentré sucré. Ah ouais. Ah ouais, les trucs. J'en ai trop bouffé, là. Bah, moi aussi, quand j'étais gosse, je m'en tapais des tubes et des tubes et des tubes. C'est hyper sucré, ça. Ah ouais, ça c'est super. Toi aussi, tu suçais des tubes à longueur de journée, Romano? Ouais, parce que dans mon bahut, on avait ça au goûter. Et attends, gratuit? Bah ouais. Ah, c'est pour ça que t'en mangeais. Ah ouais, ça va, gros, la vie. Ah, mais ça, c'était la guerre. Pourquoi? Parce qu'en fait. On volait aux autres. Ils voulaient te taper après. Non, mais en fait, toi, ce qui se passait, c'est qu'il y avait un mec, toutes les semaines, qui changeait, qui était responsable d'aller chercher. La corbeille à goûter. Mmh. Ouais. Et quand c'était un truc dégueu, bon, y a plein de gens qui en prenaient pas. Par contre, quand c'était un truc bon, au lieu d'en prendre un, tout le monde se jetait dessus. Il y en a qui en prenaient trois, il y en a qui en avaient pas. Et le lait concentré sucré, il avait ça, ça avait beaucoup de succès. Grave du succès, ouais. Ouais, genre les Mars et tout, ça avait du succès. Ouais, bon, des fois, c'était des raisins secs. Hein, ça avait moins de succès. Il en restait toujours. On avait pâte de fruits ou barre au chocolat, quoi. Ah non, nous, on avait des trucs de marque. Hein. Moi, j'avais rien. Putain, ça va. Et moi, il y avait rien, moi. Ouais, mais toi, à ton époque, gros, c'est normal. Ouais, il y avait à 10h du matin et à 16h. Ah putain, mais comment ça se fait? Pourquoi j'avais rien à l'arrêt? Bah, moi c'était un internat, donc c'était le goûter, quoi. Ah ouais, tu vois. Non, moi il y avait que pain au chocolat et croissant. Mais en plus, ouais, il les vendait, ouais. Ah ouais, ils les vendaient, donc nous, bah, on les volait. Mais moi j'avais rien, moi. Non, mais nous, si t'avais pas d'argent, on avait une promo, parce qu'il y avait un supermarché juste en face. Et l'école, ils avaient un deal avec eux, et pareil, ils nous vendaient les croissants pas chers, quoi. Ah ouais, c'est marrant ça. Mais par contre, collège et lycée, c'était gratuit. Ouais, ça, t'as eu la belle vie toi dans ta jeunesse, gros. Ouais, mais tu sais que dans mon bahut, il y avait un cinéma. T'avais un cinéma? Bah, il y est toujours. Non, ouais, cinéma, ouais. Vous aviez des films d'horreur pour la gothique? Bah, il y avait des films, ouais. Il y avait des films de cul? Non, ça a bahut, c'est pas un bordel. Peut-être un prof, c'est pas un pédo. Ouais, peut-être. Je suis accro. Ah bah tiens, à part là de accro film de cul, on salue Circos qui nous a laissé un message. Lui, il est accro à YouPorn. C'est à peu près la même chose. Ouais, c'est ça. Et tu t'en tapes combien des tubes de lait concentré sucré écrits? Bah, maintenant, je veux dire qu'un par jour. Au moins un par jour. Mais c'est quoi? C'est les gros? C'est les. Oui, c'est les petites doses individuelles. Non, c'est les gros tubes. Non, c'est les gros tubes de 300 grammes. Ouais, comme les tubes de mayonnaise, quoi. Et ça, ouais, voilà. Mais le problème, c'est que avant, j'en ai trop mangé. Je suis parti en vacances avec un ami il y a longtemps. Ouais. Et j'ai trop enchaîné, et j'ai fait une crise de diabète sévère. Ah, ouais, carrément. Tête qui tourne, vertige et tout. Et quand je suis revenu, j'étais voir mon médecin traitant. Il m'a dit qu'en fait, trop de je m'envoyais trop dans la gueule, en fait. Sucre, et, non, mais ça, c'est hyper sucré. Coup, en fait. Ah, bah, ça, c'est du sucre. T'as l'impression de bouffer des carrés de sucre. Oh. Ah, ouais, c'est bon. Énorme. C'est un truc de fou, quoi. Ah, mais ça, faut faire gaffe, le diabète et tout. Et t'as jamais gros, t'es gros, t'es comment? Non, même pas. Je fais 80 kilos et je fais toujours les mêmes, quoi. Et t'as pas grossi. Mais le diabète, ouais. T'as juste fait une crise ou depuis t'es. Ouais, que j'étais en vacances, en fait, et puis, voilà, j'ai ma tête qui a tourné tous ses lèvres, et j'ai pris le parfum, là, qu'on met dans le doigt, là, pour le diabète. Et on dit que j'étais en positif, et quand je suis revenu, justement, mon médecin à 7 ans, il m'a dit que si j'en continue à manger, bah, je pourrais choper du diabète plutôt que prévu. Attention, ouais, parce que puis le diabète, c'est. Mais diabète comment? Ben, comme Cédric. D'accord, très bien. Mais c'est pas forcément, ouais, il faut pas forcément être gros, hein. Ah non, c'est-à-dire que si tu bouffes. Moi, je peux avoir du diabète, moi? Ah ouais, bien sûr. Hein. Bah oui. Bah, comment tu veux? Comme le cholestérol. Hein. Je le mets où, mon diabète? J'ai que des. Bah non, mais par exemple, si tu bouffes. Ça rien à voir avec la grosseur. Ouais, rien à voir. Par exemple, tout à l'heure, les Kinder, c'est un risque aussi, parce qu'il y a quand même du sucre. Bah, moi, j'arrête pas de bouffer des trucs sucrés. Kinder et Coca, tu peux. Au bout d'un moment, ça peut poser un problème. T'inquiète, Marie, moi, je suis en pleine forme. Oui, bah oui. Bon, bah écoute, Anto, un petit tube de lait concentré sucré avant de dormir. Je l'ai déjà pris tout à l'heure. Non, moi j'ai un truc par contre avant de dormir, faut que je m'endors. Si je bouffe un truc salé avant, faut que je m'endorme avec un goût de sucré dans la bouche. Ah, ouais. Le problème, c'est que voilà, j'en ai pas un par jour. Ah, toi, t'es un manque. Bah, écoute, ils sont contents en tout cas de les concentrer. C'est Nestlé, ça. Ouais. Ouais. Ouais, Nestlé. Bon, il doit y en avoir d'autres, mais c'est Nestlé. Ouais, moi, je prenais Nestlé. Ouais, non, mais de vrai, c'est Nestlé. Le vrai, c'est Nestlé. C'est comme de Nutella, la pâte à tartiner. Bah, ouais, c'est clair. Ouais. C'est pareil. Alors, on prend Abdel, et puis après, on ira faire un tour du côté de chez Christophe. Christophe, lui, veut nous raconter une expérience sexuelle qu'il a eue. Et c'est marrant parce qu'on en parlait un peu hier soir, vous savez, avec les trucs qui dégoûtent au niveau du sexe. Ouais. Ça va faire plaisir à Romano, vous allez voir. Ah. Abdel, il est où dans le 11. Salut Abdel. Salut. Ouais, salut, allô. C'est Carcassonne le 11, non? Carcassonne, ouais, on est là. Salut Carcassonne. Je sais que Skyrock, c'est Carton à Carcassonne. Vous avoir l'équipe. Eh ben salut à toi. J'étais allé quand j'étais petit voir. Ouais, les dans le château là. Ouais, le château, c'est le seul truc qu'on a nous. C'est, tu sais que c'est joli hein. Ouais, c'est pas mal ce truc là. Joli votre muraille, ouais, c'est pas d'ailleurs, mal. D'ailleurs, ouais, je salue les auditeurs que j'avais rencontrés à Carcassonne l'année dernière. Ouais, ils m'ont tous sauté. Non, mais non, c'était dans le château, la rue, ils étaient hyper cool. Dans j'ai la rue, leur prénom, parce que c'était il y a un an, mais bon. J'étais galbé, alors. Ah, bah ouais, non, en plus. Non. Ah, c'est pas bien, Marie, ce non. que tu fais. Non, il était 11h du matin. Pas bien. Ah, ouais, sortez de soirée. Oui, sortez de soirée, non, ouais, elle était dure. T'es accro à quoi, toi, Abdel? Moi, je suis accro au shit. Ah, tu fumes beaucoup? Et voilà. Eh ouais, c'est pas bien, malheureux. C'est haram. C'est pas bien. Ouais, ça, c'est malheureux, tu vois. Pas comme le mec qui est accro au tube de lait, là, tu vois. Ouais, en plus, c'est haram, gros. Mais pourtant, t'as l'air vif. Je sais pas. Oui, t'as fumé ce soir, Abdel, ou pas? Ouais. Bah écoute, ouais, ça a pas l'air de te ramollir en tout cas toi le chichon. Ouais, mais là c'est parce que tu vois, je suis content de passer sur Skyrock, ça fait depuis j'ai 9 ans, je vous écoute les ça gars, franchement, je suis content voilà. T'écoutes Sky depuis 10 ans, élevé à Skyrock, il y en a qui sont élevés au lait concentré sucré, toi t'es élevé à Skyrock et au shit. Donc beau gosse. Mais le shit, t'en fumes genre combien par jour? Allez, combien, vas-y. Allez, on va pas abuser, je dois fumer je sais pas un ou deux grammes, tu vois. Un ou deux grammes par jour. Combien de bédos? Quoi, un ou deux grammes? Un ou deux grammes par jour, les gars, ça fait plus que 10 balles par de shit par jour. Hein. Ça fait quoi, un bon comme ça? Non, un peu moins, dit Foul. Un bon comme ça? Ça fait une dizaine de joints déjà, 2 grammes. C'est quoi, genre gros comme un ongle? C'est quoi, c'est un ongle? Ouais, plus qu'un ongle, gros. Comment t'expliquer? Mais tu connais grave Karim? Bah ouais, mais c'est toi qui m'as appris, gros. C'est les copains, Karim et Abdel. Alors, je rappelle que la drogue est interdite en France. La drogue, le douce, le shit, interdit. Attention. Pas bon pour la santé. Interdit, non, ce n'est pas bon, ça. Pour la santé. Mais c'est interdit aussi. Et c'est pas, oui. C'est la taille de ça, gros, deux fois. Mais ça, on voit pas l'antenne, Karim. Il devient. C'est ça, en fait, ça fait. Tu deviens pire que Cédric. Ça fait longtemps. Juste avant, Difool, t'as fait la même chose avec ta main, donc. Non, mais après, j'ai décrit mon ongle. Au passage. Alors, voilà, hop, deux fois ça à peu près. Mais ça, ah ouais, ça c'est un bouchon, ça, les amis. Ah, un bouchon. C'est le reste d'un bouchon. D'accord, très bien. Bon. Voilà, ouais, on va dire c'est à peu près ça, ouais. Et ça te coûte cher? Ah, un petit peu, ouais, quand même. Et si t'en as pas, comment t'es? T'es énervé? T'es comment? Ouais, on va dire, ouais, je vais être dans une humeur un peu énervée. Ça, c'est pas bon. Quand une drogue commence à agir sur ton humeur quand t'en as pas, ouais, ça veut pas dire bon. Que t'es un peu accro. Ouais, et le matin, est-ce que t'es zaaf le matin? T'es zaaf? Ouais, je suis zaaf le matin, je me réveille, tant que j'ai pas fumé mon bédo, voilà, ah, carrément, faut pas parler, tu vois. T'es zaaf, Romano, ce soir ou pas, toi? Non, moi je suis Psartek. T'es Psartek, le mec. Tout va bien. À la bien, comme on dit. Et t'as envie d'arrêter ou pas? Bon, pour l'instant, ça me pose pas de problème, mais. D'accord. Mais ouais, j'aimerais mais Abdel, bien arrêter. Ça t'est déjà arrivé d'arrêter, je sais pas, tu pars en vacances à l'étranger, t'en emmènes pas et là-bas t'en cherches pas. Non. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Oui, non, mais bon. Non, mais c'est différent, t'es en vacances. Tu survis. Ouais, tu survis, mais bon, t'es dans une humeur, tu fumes beaucoup de cigarettes, quoi. Ouais, t'es oui, pas c'est bien, vrai, ouais. C'est vrai, ça. Non, mais il y a 2-3 jours où t'es moyen. Moi, ouais. je vous en parle, je connais des gens qui fument et, ah bah oui. Et c'est pas brillant. C'est vrai. Non, mais après, ça va, ouais. Au final, c'est juste psychologique, hein. C'est psychologique, bah oui. Bien sûr, je pense. Il y a Maxime qui est accro au cannabis, lui aussi. Salut à toi, Maxime. On a plein, il y a eu plein de messages que vous avez laissés comme ça. Attention, hein. Franchement, je suis content. Non, mais après, bon, ça va, toi, ça a l'air d'à peu près rouler, parce qu'il y a des gens, ça les rend complètement. Non, ce qui est important, c'est que dans ta vie, ça va, toi. Oui. Tu fais quoi? Tu bosses? T'es au bahut? T'es où? T'es équilibré? Ouais, je fais une formation, là, en ce moment, ça va, tranquille. Bon, tout se passe bien. Pas de soucis, ouais. Oui, tu passes pas ta journée au lit, à comater, à fumer des ouinges et à mater des vidéos. Ouais, un petit peu pendant les vacances, quoi. Mais voilà. Ouais, mais ça, c'est normal, gros. Ouais, c'est tu vacances. T'en poses. On salue monsieur Gros Bédo qui fait une pause Bédo, là, actuellement. Abdel également, qui nous salue. Et je rappelle que c'est interdit, je rappelle la loi quand même, hein. Et il y a PTS, là, pour PTS, bonjour PTS. Un ou deux grammes de shit. Ça représente un demi-sucre. Ah ouais, c'était bien, les ondes du sucre. C'est bien écrit, ça. Ouais, ça, c'est à peu près ça, ouais. Voilà, tu fais pas mal, toi, PTS, VRH 49. Ah, bah, merci. D'ailleurs, qui se connaît grave, il doit être sans doute être dealer. Ouais, c'est ça. Salut PTS, je sais pas quoi, 49, là. Bon, ben, merci, Abdel, du témoignage, en tout cas. Ben, merci, je peux lancer une petite dédicace. Prends soin de toi, ouais, vas-y. Ben, dédicace à Thibaut, là, qui m'écoute. À Christina, ma copine, tous ceux qui me reconnaîtront, Farouk. Oui. Et on t'envoie le t-shirt Skyrock, tu seras encore plus beau gosse avec. Ah, merci. Tu fais pas trop gars. De boulettes dedans, attention, hein. Ah ouais, non, gars, tranquille. Fais gaffe, gars, tranquille. Hein. Tu fumes quoi, du shit ou de l'herbe? Là, les deux. Du shit, là. Du shit. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à trouver ou parce que tu préfères le shit? Plus économique, on va dire. Ouais, si tu fais plus de joints avec du shit qu'avec de la beuh. Plus économique. Aïe, voilà. Un message qui m'inquiète. Nana qui nous dit, parce qu'on parle de shit, mais l'alcool existe aussi. Je suis accro à mon fils. Elle a 29 ans, Nana. À mon fils et à l'alcool. Tellement il fait la misère. Et je veux bien vous faire des crêpes, elle nous dit. Elle est bretonne, Nana. Ah, c'est ouais, gentil, ça. Mais c'est moi, non, merci. Alors, une crêpe, mais avec du rhum. Ouais, une space crêpe. Ouais. Et une crêpe flambée. Ouais, c'est vrai, ça c'est bon les crêpes flambées. Crêpes au Grand Marnier. Ah bah tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. On va te faire réaimer les crêpes en foutant du Grand Marnier. Ouais, du Grand Marnier, c'est bon ça. Ouais, c'est bon, ouais, flambé. Je suis accro aux ailerons de tuning. Alors ça, vraiment, c'est chichi. Hein? On en a eu qu'un là. Enfin, j'en ai vu qu'un, j'ai peut-être pas vu tous les messages parce que ça défile. Comme c'est des trucs genre à l'arrière, tu sais, quand il y a un aileron quoi. Mais ah ouais, à l'arrière de la voiture. C'est le branquignoleur. Tu vas monter sur le coffre souvent. Ah, branquignoleur. Du 8-6. C'est des trucs tuning. Ça sur les côtés, moi. Donc lui, il est accro aux ailerons de tuning. Tu es le seul pour l'instant, mais c'est bien. C'est bien d'avoir une passion. Il y a même des fétichistes de ça, je crois. Non, mais il y a des mecs. Il y a des mecs qui sont accros au tuning. Ah, c'est vrai, mais aux ailerons. Non, mais il y a des rassemblements. Le mec, il est accro aux ailerons, laisse-le marier. Bah oui, marier. Moi, je suis perso, je suis accro aux enjoliveurs. Alors bon. Chacun son délire. Moi, c'est les pots des poches d'échappement. Pour les intérieurs cuir, moi. Chacun son truc. Moi, chacun son délire. Ouais, bah écoutez, merci. Moi, c'est le levier de vitesse. Je vous laisse imaginer pourquoi. Qu'est-ce que t'en fais, c'est le levier de vitesse. C'est pour ma vie. C'est pour mon coup. Ouais, c'est de la magie. Tiens, dites aux meufs de m'ajouter sur Snapchat, Bangala 162. Mais Bangala, ça... c'est une bite, non? Ah, ça, oh, non, c'est joueur de l'équipe de France. Gros. Non, c'est Mangala. Oh, oui. La Bangala. Je crois que c'est une bite, hein, Bangala. Ben, allez-y, les filles, profitez-en. Il y a une belle bite sur Snap. Et Skyrock FM, hein, si vous voulez nous suivre sur Snap tous les soirs. Ouais. Et à Vinks, là, 21 ans, qui vient de nous envoyer une photo. Au calme dans la cuisine. Et dans la cuisine, il y a des gros pieds de bœuf à Auray. Ah, mais je jardine, dis donc, chez ta toi. Cuisine, c'est un jardin. En fait, ta cuisine, c'est une serre, quoi. Ouais. Et tellement il est dedans, même les murs, ils sont verts. Oui, ouais, tu sais, il est à fond dans le concept. Qu'est-ce que tu dis, Abdel? Je peux venir faire un tour chez lui. Bah écoute, on te met en contact avec Vinks. Alors je sais pas dans quelle région il est, mais il nous a envoyé une belle photo là en tout cas. Ah ouais, ouais. Belle culture. Bon jardin. Oui, beau jardin. Merci à toi, Vinks. Et Marie, contente comme tout. Et génial. On voit sa tête qui sort entre les feuilles. Ouais. Sourit. T'as genre, t'as l'impression qu'il est assez drôle. En fait, il est dans sa cuisine. T'as l'impression que c'est Koh-Lanta, il est dans la jungle. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, merci Abdel. Merci à toi. On remercie également Anto. Merci à vous, les gars. Anto de Valenciennes, Abdel de Carcassonne. Salut à tous les deux, les gars. Ouais, Anto. Est-ce que je peux passer une dédicace? Vas-y, vas-y. Ok, merci. Bah, d'ailleurs, je passe une dédicace à vous, l'équipe. C'est gentil. Franchement, vous gérez. Merci, Anto. Et dédicace à Romano. Ah, bah, tu pètes le veau ce soir. Ah, bah, je le pète, bien sûr, c'est prévu. On rappelle Cédric. Et une dédicace à mes deux potos qui sont sur moi, avec moi sur la PS4. Ouais, ils sont pas sur toi, ils sont sur la PS4, je précise. Ouais, monsieur le V59, poteau à vous. Et big up les mecs. Et ben salut à toi, Anto. Raccroche pas, Anthony. On t'envoie le. Salut, Anto. Le t-shirt collector Skyrock à la maison. C'est ok, parti. Merci, équipe. King, c'est les accros à la danse. Il y a Quasimodo qui est accro à Pamela. Ah, mais ça, c'est normal. Pamela est tellement excitante. Vendredi, émission spéciale d'ailleurs. On retrouvera Pamela. D'ailleurs, si vous avez un Pamela ou un pervers que vous préférez dans les pervers qu'on a appelés avec Pamela, vous pouvez nous dire. On vous le met pour vendredi, grosse soirée spéciale pour la Radio Libre. Soirée de folie. Soirée de fofo. Soirée de folie. Oui. Bon, Christophe est avec nous et c'est lui qui veut nous parler de son expérience sexuelle, c'est ça? Absolument, ouais. C'est bien ça. Alors, on peut parler de tout sur Skyrock, c'est ça qui est bien à Sky. Salut Christophe. Salut, comment va? Salut. Salut toi. T'es un cochon toi, dit Christophe. T'es pas sourire. Christophe de Lyon. Pas, je ne suis pas cochon du tout. Parle bien dans ton téléphone, Christophe. Ouais, ou enlève ton kit main libre. Pour exciter là. Il est enlevé le kit main libre. Alors mets la bouche bien vers ton téléphone. Alors, est-ce que tu m'entends bien? Magnifique. Ah là, c'est magnifique. C'est splendide là. Magnifique. Eh ben écoute, je suis ravi que ça marche bien. Splendide. Comme splendide. Tu disais dans The Mask. Ouais, c'est ça. Splendide. Bon, alors Christophe, dis-nous. Oui, alors en fait j'ai rencontré une nana il y a quelques semaines, donc tout se passe bien, tout va très très très bien, et je trouve souvent un petit peu bizarre, tu vois, elle se retient quand il faut pas se retenir quoi. Comment? Et je dis elle se retient quand faut pas se retenir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ouais. En fait tu vois, quand tu fais ton câlin tranquillou, t'es bien dans ta nana, tu cognes bien comme il faut, et d'un coup d'un seul elle te pousse, tu vois, elle te repousse. J'ai pas compris. Elle te repousse, oui, tout à fait. Genre quand t'es en train de la niquer, la meuf, à un moment donné, elle te repousse. C'est horrible, ça. T'as tout compris. En plein milieu de l'acte, elle te repousse. Ouais, complètement. Ah ouais. Mais pourquoi? C'est à chaque fois. Et donc, non, chaque fois, après, ça va un petit peu mieux. Mais en fait, je lui dis, lâche-toi, y a pas de souci, on est tous les deux, quoi. Et c'est lâché, quoi, mais elle a lâché les vannes, quoi. Mais là, elle a pissé? Elle t'a pissé dessus? Non, elle t'a chié dessus? Non, une vraie fontaine. Ah! femme Fontaine. Ah, elle a giclé, mais je savais que t'appelais pour non, un truc dont on a. Non, mais franchement, j'ai cru que j'étais J.R. Ewing et cherchais du pétrole, quoi. Un vrai désert, quoi. Pas mal, celle-ci. J.R. Ewing, il cherchait du pétrole, et là, t'as trouvé le pétrole, toi. Ah ouais, un gisement. Je crois, ouais. Un gisement. Mais genre, ça a fait un méchant jet, quoi. Ah, mais vraiment, ouais. Mais à ce moment-là, t'étais où, toi? Ah oui, t'étais où? Bah à ce moment-là, moi, si tu veux, j'étais dedans. Ah, t'étais dedans. Et tu peux pas. Et tu peux pas. Tu es obligé de sortir. Ah, il y a trop de pression. Ouais, tu peux pas rester. Mais genre, t'as expulsé, quoi. Ouais, c'est exact. Il était collé au mur, le pauvre. Comme dans Scream, ouais, t'as collé au mur. Un bond de 3,50 m, tu vois. C'est ça, comme dans un Wake. Non, mais heureusement que c'était pas ton visage qui était là à ce moment-là. Ah ouais? Mais effectivement, ouais. Ah, t'aurais pris cher. Et t'as jamais giclé au visage? Mais pas encore, non. Pas encore. Ouais. Rappelle-nous. T'aimerais bien, toi, que te gicle le visage, là, non. Avec. J'ai passé presque une heure et demie sous la douche, donc non, j'ai pas envie, non. Non, mais bon. Il y a des mecs qui aiment. Bah oui, il y a même des vidéos qui sont consacrées qu'à ça. Ah, moi, si comme toi, moi, prendre ça dans la gueule, non merci. Ah, moi non plus, je suis pas fan trop. Non, tu vois, bon, à la limite, comme ça t'est arrivé, bon, déjà, à limite. Oui. Je pense qu'il y a une surprise, mais alors prendre ça dans le visage. Ah, bah, te faire coller au mur. Non, merci. Pas de la mouille, c'est non, pas. Non, mais c'est surtout que c'est pas. Ah. Surtout au niveau de l'odeur, c'est pas humain, quoi. Ah, ça pue, toi? Ah, franchement. Mais ça sent pas la mouille, mais je suis jamais tombé sur une fontaine, ouais. Mais bon. Bah, c'est un mélange, c'est ça, c'est un mélange un petit peu de tout. Un mélange de mouille, un mélange d'eau, un mélange de. Tu sais pas ce que c'est. Et t'es sûr qu'elle a pas pissé plutôt? T'as pissé dessus. Non, c'est bon. Bah, ou alors elle a bu 15 litres d'eau avant. Hein. Ah, c'est possible. Ah, mais ça gicle à ce point. Ouais, non, mais si elle pisse, ça sort pas par là. Hein. Tiens, on salue Taiki Airlines qui nous dit bon. J'adore les femmes fontaines, ça m'excite. Tiens, le poteau du 95 qui nous fait mort de rire, c'est un bon. Il y a la laine de Cédric, bois sa limonade de chat à ta meuf. Putain, moi qui adore la limonade. Bon, bah écoute, bon courage. En fait, ça t'empêche pas de l'aimer, Christophe. Ah, bah c'est tout neuf, tu vois, c'est tout récent, quoi. Mais je voulais surtout savoir, tu vois, parce que en fait, le truc, si tu veux, c'est que quand elle se contient, automatiquement, tu vois, ça te compresse à l'intérieur, donc ça fait super mal. Mais en même temps, tu vois, t'as pas envie de vivre tous les jours non plus, quoi. Donc, je voulais savoir s'il y en a qui avaient des techniques, des solutions. L'encule là. Quoi, elle fait ventouse? Oui, encule là. Mais faut que tu l'encules. Mais bon, ça, tu vois, ça va 5 minutes, quoi. Après, c'est bien de voir autre chose, quoi. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Je comprends pas comment t'es compressé dedans, moi. Bah, en fait, elle se retient, donc elle doit serrer pour pas que ça sorte. C'est exactement ça. Comme quand tu sers du cul quand t'as envie de chier. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça fait un petit peu comme quand t'es dans Fort Boyard, quand tu fermes la porte, la Fort Boyard qui te dit sort. Ouais, quand ils sont en train de ramasser les boyards et qu'il y a la grille qui baisse au fur et à mesure. T'as tout compris, ouais. Bon, bah, écoutez, si vous êtes tombé vous aussi sur une femme fontaine, vous nous dites. Et puis on dira à Christophe. Ne bouge pas, Christophe. Merci du coup de fil, en tout cas. Ciao. Salut Lyonnais, salut Christophe. Vous pouvez nous appeler vous aussi de toute la France. Tiens, moi, ça m'est arrivé une fois. C'est Yann qui nous envoie un message. Et t'as l'impression qu'elle te pisse dessus, en fait, en gros. Mais a priori, il y a quelqu'un qui nous disait que ça avait été prouvé scientifiquement. Il y a de la pisse dedans. Hein. Ah, bah tu vois, tu t'es fait pisser dessus, Christophe. T'es content? Ah, ça fait plaisir. Voilà, on apprend des choses sur Skyrock tout le temps. Ouais. Alors, lui, il se pisse dessus. Il ne se fait pas pisser dessus. Quoique, ça, je ne sais pas. Peut-être quand il va faire des petits tours au Bois de Boulogne, entre autres. Ouais. Eh bien, c'est Cédric qui est avec nous. Oh. Dessus, bon, parle bien dans ton téléphone, Cédric, qu'on t'entende bien, parce que dans un instant, tu vas avoir besoin de ton téléphone pour le clash de la drague qui arrive. On découvre vos méthodes à tous les deux, Romano, Cédric, après Ken Jones qui arrive tout de suite. Je vais te baiser. On va voir. Ta gueule. T'as de la morphine si t'as mal au cul, hein, Cédric. Hein. Ouais, t'inquiète pas. Ouais. Hey, prends-en, va. Skyrock débarque sur Deezer. Sky. Il t'offre ton abonnement premium plus d'un an. À Deezer. À toi, la musique gratuite et illimitée en haute qualité. Audio sur ton mobile, ta tablette et ton ordinateur sans publicité, avec la possibilité de télécharger toute ta musique préférée pour l'écouter hors connexion. Écoute Skyrock à tout moment et gagne toi aussi ton abonnement Deezer Premium Plus. Deezer, la musique que vous voulez, partout, tout le temps. Retrouve aussi Skyrock en HD sur l'appli radio Skyrock et Skyrock.fm ou à la radio dans ta ville. DJ Snake. Let me love you. Middle. Talk. Ils sont tous sur son premier album, Encore. DJ Snake, en concert au Zénith de Paris le 25 novembre. Tu veux réussir ta rentrée ? Il n'y a pas 50 solutions. YAX, YAX. YAX, c'est l'application pour délirer, choper des conseils et se taper des barres.

like a monster. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she says, I pass it. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she says, I pass it. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. Ken Jones, c'est bien sans le soleil, c'est encore. C'était Don't Mind, le nouveau Ken, enfin le nouveau Ken Jones, ce dernier Ken Jones. Foul, Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Bien, puisqu'on parle de nouveautés, on écoutera Niska et Maître Gims. Elle avait Niska. Son Joe. Ouais, elle avait son Joe, c'est le son qu'on écoutera tout à l'heure sur Skyrock. Restez bien dans le coin. On sera également le Ghetto Phénomène, les Marseillais du Ghetto Phénomène. C'était invité de Planète Rap, ils sont sympas, on les salue d'ailleurs. Yes. Ouais. Le GP. Ghetto Phénomène et Jules avant minuit, puis il nous reste une place. Donc si vous avez envie d'écouter un son, vous pouvez nous demander. Moi, je ferai bien un petit designer. Après, c'est pas pour vous influencer. Panda, hein. Panda. Bah, un petit panda marié. Ah ouais, comme ça, je pourrais daber. Tu vas daber comme ça. Ouais. Et sinon, bah, vous demandez, allez-y. Hein, 41759, skyrock.fm. L'appli Skyrock pour nous envoyer des messages. On fait de la radio ensemble tous les soirs dans la plus grande radio libre de France. Merci d'être là tous les soirs. Bah écoute, on a bien rigolé déjà depuis le début de l'émission. Mais c'est pas fini. Et l'OM qui. Ah bon, joue à 10 aussi depuis. À un quart d'heure de la fin du match, s'est vu signifier une expulsion et carton rouge. Ouais, ça fait déjà 10 petites minutes que Zinedine Machache, qui n'a de nom de Zidane que le prénom, pas le niveau, je vous les rassure. Ah, ça se dit Machache, moi je disais Macache, moi. Ouais, Machache, tu dis Macache. Okay, ouais. D'ailleurs, il y a un joueur qui a une tête de bébé. Ouais, Maxime Lopez, bah, lui là qui vient de rentrer, c'est vrai qu'il a une tête, mais on dirait qu'il a, il a 8 ans. Il a quel âge? Il a 17 ans. Ah, bah, il est jeune, c'est normal. Ah, ouais, il a 17 ans. Ouais, non, mais il fait vraiment plus jeune que son âge. Bah, comme hier, on a eu. Comme l'auditeur, il faut parler. Ouais, on en parlait hier soir, ouais. Bah, pareil. Donc pour l'instant, il y a 2 à 1 pour Rennes face à l'OM. Yes. Et c'est l'OM qui mène. C'est ça, il reste 15 minutes à peu près. Très bien. Bon, alors, on en était où là? Ah, on était sur les femmes fontaines. Et plein de réactions. Tu vois, Romano, ça te dégoûte les femmes fontaines, mais il y en a qui kiffent. Ah ouais, non, mais. Mike qui kiffe. Creuse qui nous laisse un message. Ça fait la petite douche du matin. C'est cool, une femme fontaine. Hein, j'adore. Ah, il y en a qui aiment pas aussi. Mousse au chocolat qui nous dit, moi, ça me dégoûterait. Je la quitterais à ta place. Mais non. Non, bah, tu vas pas quitter une meuf. Bah oui. Mais... C'est Christophe qui a rencontré une meuf et elle est fontaine. Je comprenais pas pourquoi parfois elle le repoussait quand il faisait l'amour. Ah bah, il a compris. Comme nous dit Greg, 25 ans. Quand il s'est fait expulser. Il s'est pas noyé. C'est le principe. Ouais. Mais moi, j'adore. Ah, Greg, c'est aussi un fan. C'est toi qui me disais, Karim, que sur Snap, il y a des accros aux femmes fontaines. Ouais, il y a des fans aux femmes fontaines. Il y en a un mort, attends, bouge pas. Je vais te dire, il y a qui, man? Il y avait Mouton84 déjà. Salut Mouton84. Salut Taï sur SMS aussi qui adore les femmes fontaines. J'adore ça. Il y a Hipster du 13 aussi, c'est le top, une femme fontaine. Ah, je me ferai inonder la gueule. Oh! Qui a envoyé ce message? Cédric. Bah écoute, Cédric t'a envoyé un message, parce que Cédric est avec nous ce soir. Allô Cédric? Voilà, je préférais du sperme. Ah! Calme, là, j'ai rien envoyé du tout. Hey, tu te calmes. Une bite fontaine, t'aimerais bien. Tu te calmes, sinon ouais, je te pète ta deuxième clavicule, moi. Ouais, bah vas-y, viens, je t'attends, mon pote. Mais non, sors debout. Mais on a qu'une clavicule, Romano, non? Mais non, on a deux. T'en as une à droite, une à gauche. Je sens bien que t'en as deux. Voilà, t'es mal foutu. Fais voir, ça c'est une clavicule, et ça c'est. Ah oui? Ah ouais, bah ouais. Sors debout. Ah bah, tu nous fais chier, en plus, t'en as qu'une de cassée sur les deux, Cédric. Bah écoute. Bah, je vais pas me péter la deuxième pour te faire plaisir. Bah, non, mais moi je vais te la péter si tu me fais chier. Non, tu m'as dit que tu lui pétais le coccyx ce soir. Là, et le cul, et il y a le cul, ouais, c'est vrai. Je vais lui faire claquer les veines du cul. Bon, on va voir. T'as pris ta morphine ou pas, Cédric? Non, pas encore, vous voulez que je la prenne? Bah, écoute, ça sera considéré comme du dopage. Oui. Bah, non, alors. Bah, si, Non, mais t'as mal ou pas? Ah, j'ai mal quand même. Eh ben, prends ta morphine, Cédric. Bah ouais, faut la prendre, gros. T'en as pas marre de faire ta comédie, là? Ça va durer combien de temps, ton cirque? Écoutez, là. Il va encore pousser des gémissements. Comme hier, ça va être sexe. Alors... Dark Walls qui nous dit, mais il faut lui donner sa morphine comme hier à Cédric pour le clash. C'est celle-là et celle-là. Qu'est-ce que tu fais? Je vais en prendre deux. Non, parce qu'il y a plusieurs boîtes. Voilà. Putain, mais Cédric, c'est une pharmacie à la maison. Ah bah là, c'est ce que tu veux, mon pote. Bon, alors Cédric, on t'en trouve pour le clash tout de suite d'ailleurs, puisqu'on va le faire maintenant. Vas-y, dope-toi, parce que bon, t'as besoin de ça. Et quelle est ta méthode ce soir? Moi, c'est la méthode de Michel Siffredi. Michel Siffredi, explique-nous, dis-nous-en un peu plus, ça m'intéresse, Cédric. Eh ben, c'est un acteur porno reconnu dans le monde entier. Oui, Michel Siffredi, oui. Ouais, et soir, attends, parce que j'ai du mal avec le téléphone. Et soir, il a la chance de pouvoir faire l'amour à la femme ou à l'homme de la famille. Voilà, donc Michel Siffredi alias Cédric ce soir. C'est ça. Et alors, de l'autre côté, je prends mes trucs. Mon pauvre, t'es dans un état. Et de l'autre côté, Romano, quelle est ta méthode? Bon, moi, je sors d'un entraînement de foot là, si je me suis inscrit au club de foot du village. Oui. Et putain, premier entraînement, je suis super courbaturé. Et il faudrait me masser la bite pour me décourbaturer. Ah, t'es courbaturé du sexe. Ouais, ouais, je sais pas ce que j'ai. Qu'est-ce que t'as fait dans les vestiaires? Trop, ça, trop d'entraînement, quoi. Et tu t'es entraîné comment dans les vestiaires? Bah, on a fait la tradition, on s'est enfilé, quoi. Très bien, pour fêter la victoire. Eh ben, bien sûr, et le premier entraînement, les retrouvailles. Eh bien, je lance le clash de la drague, on va pouvoir y aller. Cédric contre Romano. Top clash. Allez, c'est parti, on y va. Donnez tout, donnez tout, donnez tout. Je vous rappelle que Cédric est... Dopé, mais également handicapé par sa clavicule. Et ses 4 cuts cassés, parce qu'il s'est cassé 4 cuts, plus la clavicule. Et ça, Cédric, ça fait mal. Cédric. On le rappelle. Ah, Cédric est... Voilà, ça y est. Il s'est tombé sur son téléphone. Il a écrasé son téléphone. Voilà. Mais j'espère qu'il va... Il en a... Il s'est assis dessus, donc ça fait un bruit bizarre, on le rappelle. Mais pourquoi il s'est assis sur son téléphone? Je sais pas, tu vois, ça vibrait, c'était chaud. C'est dingue, ça, quand même. Oh. Oh là, excusez-moi, il faut que je nettoie l'écran. Alors, il nettoie l'écran, puis on le retrouve tout de suite. Bon, donc le clash avec Cédric, les familles, Romano, et vous voterez bien sûr dans un instant. C'est vous qui ferez la différence entre les deux clasheurs, les deux beaux gosses. Moi, je suis un footballeur, moi. Ceux que vous aimez, grave. Et toi, t'es un footballeur. Ah, bah, je suis un footballeur, je sors de l'entraînement, là. Ouais. Bon, mais Michel Siffredi, t'es là? Ouais, je suis là. Michel Ducon. Parle bien dans ton téléphone, Cédric, on t'entend très très mal. Là, tu m'entends, là? Voilà, c'est comme ça qu'il faut parler. Allez, c'est parti, parce qu'après, les familles, elles vont pas t'entendre, là. C'est parti pour toi, premier coup de fil. Alors, on va chez qui pour ce soir? Attends, parce qu'on va mélanger mes feuilles. Attends, c'est donc bon, je vais mettre le jingle en attendant. Ah oui. Attention, attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague, avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Cédric. Moi, je suis allongé, tranquille. Oh, sexy. Salut les filles. Je prends une pause un peu plus... Attends. Ouais, mets-toi à quatre pattes pour que je t'encule mieux. Tu te mets à quatre pattes? Ah, il se met à quatre pattes. Non. Mets-toi à quatre pattes, je vais bien t'enculer. Cédric en levrette. Vas-y, baltringue. On va chez qui, là? On va chez Denis. Allez, on file chez Denis. C'est parti chez Denis. Bonne chance, Cédric. Bonne chance, Romano. Merci, merci. On va chez Denis. Le clash est lancé. Allez, c'est parti. Oui, allô? Allô, Denis? Oui? Ça va? Tu vas bien? Oui? Ouais, je me présente, je m'appelle Michel Siffredi, je suis le cousin de Rocco Siffredi, tu connais l'acteur de porno? C'est quoi l'acteur porno? Et voilà. Voilà, eh ben, ça a été direct. Bravo Cédric, alors là, l'acteur je dirais, de porno. L'acteur de porno. Ah ça. Bravo là, Cédric. Le chien qui a aboyé là encore là. Putain. Oui, bah ça maintenant c'est la faute du chien. Ah, quand Romano il parle pas, c'est la faute de moi. Quand moi je parle pas, c'est la faute du chien. Cédric, quoi, chien, ici. Je parle. Non mais tu touches le chien. J'appelle la SPA. Oui. Mais non, mais Brigitte Bardot. Non, peut-être pas, parce qu'elle me fait peur. Oui, elle est moche. Hein. Non, mais t'inquiète pas, il va donner un cri-croc, il va te faire. Voilà, donne-lui un cri-croc aussi. Bah, tiens, bouffe-en un aussi. Et Romano, Jean-Philippe, et admire la démonstration. Allô? Allô, Jean-Philippe? Oui. Oui, bonsoir, comment vas-tu? Oui, ça va. Ça va, ça va. Bon, dis voir, moi, ça va moyen, là. Hein? Ça va moyen. Ah oui? Oui, parce que je sors de l'entraînement de foot, là. Tu es quoi? Je sors de l'entraînement de foot. Oui, alors. Eh ben, le problème, c'est que je suis tout courbaturé. Et, oui, alors? Et ta femme, elle pourrait pas me masser le sexe? Ah oui? Je peux passer à la maison tout de suite? Ah, c'est possible, hein? Ah, ben, je vais passer dans 5 minutes. Ouais, Je vais passer dans 5 minutes. Eh ben, voilà. Nickel, admirable. Voilà. Cédric, un petit commentaire sur le serrage de Romano. Ah, le chien, il a pété, laisse tomber, ça pue. Mais tel chien, tel maître. Crasseux comme toi. Ah, putain. Bah ouais, c'est vrai que les chiens, quand ça pue, quand ça pète, mais. Bah attends, c'est mais c'est horrible, gros. Cédric, c'est pas un chien, tu sais. Voilà. Bon, Cédric, t'as admiré la démonstration? J'ai pas écouté, j'écoute pas ce que tu fais. Moi. Bah écoute, passez-moi une autre famille. Vaut mieux pas que t'écoutes parce que tu vas te faire du mal. Hein. J'ai entendu que le mec t'a accroché à la gueule. Il y a clairement une différence de niveau. Ah, t'as écouté quand même un peu, Cédric, alors. Vite fait, ouais. Bon, c'est à toi, ça sonne là. Vas-y, vas-y, l'amateur. Vas-y. On va chez qui? On va chez Jackie. Jackie. T'es prêt à draguer Jackie? Allez, vas-y. Allez, vas-y. Prêt à draguer Jackie? Et suivez-nous en live sur Facebook Live. Salut Facebook Live. Et Periscope, Jackie. Oui, allô. Allô, allô, Jackie. Oui. Comment ça va, ma poule? Ça a l'air d'aller, dis donc. Sympa l'ambiance, dis donc, c'est toi, Jackie. C'est en train de venir. C'est Daniel. Oui, c'est Daniel. En train de venir. Comment ça va? Attends, sur le coup, non, je regarde la télé. Ah, bah, ça a l'air d'être sympa ce que tu regardes, dis donc. Je suis avec un ami, Michel Siffredi, je te le passe. Ah, pauvre mec. Ouais, salut, comment ça va? Je suis pote de Daniel. Allô? Oui. Ouais, et je t'appelle parce qu'on voulait faire un film de cul un peu chez toi. On voulait tourner deux, trois scènes. Ouais, je suis petit cousin de Rocco Siffredi, je sais pas si t'as entendu parler. Il est un peu connu. Qui ça? Je connais pas. Rocco Siffredi, c'est un acteur, anciennement dans le porno. Oh, je connais pas. Ouais. Bah, moi, je prends la relève, en fait. Ah bon? Cette famille, on a un très très gros sexe, et du coup, les femmes, elles adorent ça. Soir, ouais. Je voulais venir à la maison, histoire de faire une petite scène ou deux chez toi. Ouais. Ça pourrait être sympa, ça te changera. Oui. Ce qu'on fera, c'est qu'on changera d'ambiance un peu, histoire de se motiver. Hein? Allez. Et puis, allez, bah, après, on fera l'amour tous les deux. Eh, on fera l'amour tous les deux et on fera l'amour avec mon pote après Daniel aussi. Ah non, moi je fais rien, moi. Non, je vous laisse baiser tous les deux, moi. Ouais, je peux te dire que Daniel, il va prendre le cochon. T'as raison. Eh ben, nickel. Bon, tu prépares tes petites fesses, j'arrive. Oui, demain. T'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai des capotes, j'ai de la vaseline. Mais j'ai tout ce qu'il faut. Couilles, Cédric, s'en bat les couilles. Ouais. Si tu veux, j'ai un peu de morphine aussi pour dormir après. T'en veux? Oui, t'as raison. Eh, c'est de la bombe, hein, je te jure, gros. L'effet, il est nickel. Ouais. Bon, j'arrive tout de suite, hein, d'accord? Tu te laves les fesses, j'arrive. Tiens, repasse-moi Daniel. Ouais, je repasse Daniel. Des conneries. Non, bah, attends, c'est pas des conneries, il va te confirmer. Daniel, tu peux dire qu'on va lui faire les fesses ce soir? Allô, Daniel? Non, c'est toi, Daniel. Ah, c'est bien, pardon. Attends, Daniel, attends, je te passe Daniel, excuse-moi. Jackie, lui. Tu veux Daniel, Jackie? Ouais. Attends, ouais, bah, c'est toi, alors. Mais non, c'est moi. Comment vas-tu? Ouais. Alors, il est con, hein, mon pote, hein. Oh, il est con, il en tient une couche. Hein. Oh. Bon, d'ivoire, moi je peux passer vite fait à la baraque. Eh, mais c'est quoi cet appel là? Allô? Oui. Je peux passer à la baraque? Vas-y, j'arrive, on va faire l'amour, t'inquiète. Non, mais attends, mon pote, je vais aller le coucher parce qu'il se drogue, donc on peut plus rien. Non, pour mais lui. Attends, je sais même pas qui c'est qui me parle. Non, mais là c'est Daniel. Non, c'est moi, non, qui c'est la pas Daniel. Ça. Mais ah, c'est Michel, moi. Mais c'est le copain de ta gueule, Michel. Ta gueule, toi, le chauve, il est fou. Lui. Je suis pas. Allô? Oui. Bon, je vais passer avec Daniel à la baraque, moi. Tomber, non, mais tu vas pas passer avec Daniel, c'est moi qui vais passer avec Daniel. Non, mais il veut pas que tu viennes. Non, mais toi. C'est mon appel. Non. Daniel. Non, Daniel. Non, Daniel, il est pas. C'est moi, Daniel. C'est qui me parle et je vais raccrocher. C'est bon. Daniel alias. C'est moi, Daniel. Comment il s'appelle le mec, là? Jackie. Oui. Moi, c'est Michel. Oui, bah, t'as raison. Jackie Michel. Jackie Michel, tu connais? Non, il connaît pas Rocco Siffredi, il connaît pas. Très beau coup de fil, Cédric. Très bien. Bah, ouais. En fait, ça s'est bien passé quand Difool parlait. T'as vu? Au début. J'avais un bon contact. Et d'un coup, ça s'est gâté avec l'autre. Oui. Avec... Non, mais vous noterez Jackie. Que moi, j'ai laissé mon adversaire participer à mon appel. Bah, évidemment, il se passait plus rien de ton côté. Or, on l'a pas invité sur l'appel, cette espèce de connard. C'est bien, Cédric. Ah, et a priori, le mec regardait Joséphine Ange Gardien derrière. Ah, c'était ça le super. Plusieurs messages. Et en même temps, ceux qui envoient les messages, c'est que vous regardez aussi. Ah oui, alors, mais qu'est-ce que tu baragouines? T'as casseur d'ambiance. Hey, Cédric, tu devrais me remercier quand même, je t'ai aidé. Hein. Non, franchement, cool. Non, mais il a rien fait. Hein. C'est moi qui lui a dit. Le mec, il a dit à demain. Ouais, demain. Ouais, c'est ça. Alors que moi, Daniel, je pouvais passer ce soir sans problème. Ouais. Sans problème. Allô. C'est qui? Moi, je vais baiser demain. C'est qui? Luc. Oui. Ça, c'est la femme à Luc, ça. Oui. Il est là, Luc. Oui. Je peux lui parler? Ah non. Pourquoi? Parce qu'il est pas là. Ah bah alors il est pas là, bah je vais venir te voir alors. Je sors de l'entraînement de foot là, je suis énormément courbaturé, surtout au niveau du tube du sexe. D'accord. Donc je vais venir et tu vas me soulager tout ça, ma beauté. Ah oui, d'accord. Bah, je suis là dans 5 minutes, ma chérie. À tout de suite, ma belle. Ah, c'est cool qu'il soit parti ton mari. Ah ouais. Hein. Hein? Eh, tant mieux, bon débarras. Hein. Il revient pas trop tôt, j'espère. Bon, écoute, elle est partie se préparer. Vous avez fait un super clash tous les deux quand même, hein, je tiens à vous le dire. Bravo Romano, bravo Cédric, vous entendez la musique d'amour. Ouais, ouais. Alors bon, passe-moi un troisième appel. Ah, il n'y en a plus de temps là. Si, il y a des appels encore. Non, mais non, Cédric, t'es pas bien, t'es malade, il faut que. Appuie sur le bouton numéro 7, s'il te plaît. Le bouton numéro 7. Putain, les enculés, ils ont marqué 2. Oh, but de Rennes. 3-2. Heureusement que j'ai parié 3-2 pour Rennes. T'as parié 3-2 pour Rennes? Ouais, j'ai encore les textos, j'envoie des textos. Mais pourquoi tu paries contre ton équipe? Parce que c'est comme à Nice, je savais en gagnant 2-1, en prenant un rouge, qu'on allait perdre. Mais moi, je pourrais jamais parier contre mon équipe. Mais moi, ça fait. Tu vois, je les connais pas. T'as perdu tellement de thunes en pariant pour ton équipe. Jamais, je joue jamais pour l'OM, je joue que quand ils vont perdre, tu vois. Et ben voilà, donc l'OM, ils perdent. C'est 2 à 1, ils ont été remontés. Comme à Nice, mais comme contre Nice. Et là, ils finissent. Qu'est-ce que tu fais, Romano? J'encourage ma team. Ah, d'accord. Je tu fais... Sur les réseaux. Donc, les Rennais 3 et l'OM. Et en plus, c'est la fin du match dans quelques secondes. Là, c'est ça, il reste 2 minutes. Aïe. Alors, voilà. Cédric. Ouais. Alors, mon garçon, comment ça va? T'inquiète, tout va bien. Ah ben. Je suis Al. Mon garçon. Ah, t'as pris ta morphine. Eh, il vaut mieux que tu commences à être défoncé parce que je pense que je vais te mettre une misère ce soir. Ça, c'est pas sûr. C'est pas sûr, c'est pas sûr. C'est pas sûr, j'ai serré deux appels de serrage, deux appels de merde. Allez, c'est bon, c'est Cédric, ça. Tu veux faire quoi? De choses sérieuses, on fait le clash maintenant. Mais on a déjà commencé depuis 10 minutes, hein, Cédric. Viens, on le refait. Non, mais bon, c'est bon, moi, je vais pas serrer, je vais pas serrer 10 familles à la suite. Il est dans un état. Bon, on peut pas refaire un tour au moins, vas-y, on fait un tour. Allez, un tour, mais pour te faire plaisir, et après, je lance les votes. Histoire que je te termine. Retenez-vous avant de voter un peu, là. Retenez-vous, mes amours. Ouais. Préparez les votes, la team Romano. Ce soir, on peut faire un très, très gros score. Gueule, deux serrages à zéro pour le moment. Va prendre l'aspirine, connard. Allô? Non, je peux de la morphine. Allô, c'est qui? Comment c'est ça, mon pote? Kevin. Ça va? Kevin? Ouais, c'est qui? Ouais, je me présente. Je m'appelle Michel. Michel Siffredi. Je crois que tu connais mon cousin, Rocco Siffredi. Allô? Attends, bouge pas, c'est vrai que je vais t'aider. Ouais. Kevin, est-ce que tu connais pour la deuxième fois? Bah écoute, ouais, c'est que la deuxième fois, je vais te faire l'amour. C'est Skyrock, c'est mort, c'est plié. Ouais, allez, bravo Cédric, bravo. Allez, les gars, ça fait la deuxième fois. 1500 euros, allez, hop là. Non, c'est la deuxième fois. Excusez-moi, c'est pas l'heure des 1500 euros. Mais on t'a déjà appelé pour le clash? Ouais, bah j'ai cru comprendre. Ah. Je suis encore tombé sur le même. Ah, t'es encore tombé sur Cédric, chance, bah t'as pas de bol. C'est pas de bol, c'est. Pour qu'on vous rappelle deux fois pour le clash, on va pas avoir de chance, ça, c'est sûr. Bon, bah écoute, merci, c'est quoi ton prénom? Kevin. Ah oui, Kevin, ah, c'est vrai. Eh ben écoute, Kevin, tu as eu la chance de parler à Cédric ce soir. Je pense que tu es, au bord du gouffre, c'est ça, ouais. Ça fait plaisir. Pour la deuxième fois, quoi. Ah bah oui, deux fois, ouais, c'est vrai que c'est évidemment, dur. T'aurais préféré Romano. Ouais, ou les 1500 euros. C'est sûr. Et merci. Ou les 1500 euros. Ah, ouais, mais t'aurais préféré Romano qu'à Cédric. Non, préféré Romano, non, ça c'est pas vrai. Tu votes Romano, toi, Kevin? Non, il vote Cédric, il vote le Belge. Tu veux le Belge, ma gueule. Non, il vote Romano, gros. Eh, hey, Team Morphine! Team Morphine! Bon, bah, Kevin, on te remercie, on t'envoie un cadeau, Kevin, quitte pas. Oh, okay, merci. Salut, Kevin! Salut, Kevin! Bon, bah, à bientôt, on te rappellera une troisième fois. Oui. Ouais. Salut, la famille derrière aussi, qui s'est branchée sur Skype. Salut, le public, ciao! Ciao, ouais, la famille! Bon, je lance le top pour les votes. Hein, ah, mais attends, je veux un appel, moi. Ah, tu le veux, toi aussi? Non, mais on m'a reconnu, moi, ça compte pas, hein. Vas-y, les gars. Ah, ouais, c'est vrai, bah, vas-y, prends-le, Cédric. Allez, tu vois, Romano, il est gentil parce que t'es malade avec tes clavicules cassées, t'as vu? Puis vu le niveau, bon. Et puis avec tes cuts cassées, parce que Cédric, si vous venez de vous brancher sur Skyrock et que vous n'avez pas suivi les précédents épisodes, il a les cuts cassées. Voilà, je me suis cassé les côtes de porc. J'ai rien compris, on va chez qui? Tu t'es cassé les côtes de porc, il disait Romano. On va chez. J'entends pas, Samy, tu parles trop. On va chez Patrick. On va chez Patrick. Oui, merci de nous rappeler. À bientôt. Ah bah voilà, Cédric, je suis désolé. Bah moi, je suis à Wallplay, là, comme d'habitude. Bah ouais, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, Cédric, tu fais quoi? Putain, bah moi, j'attends qu'on me passe une famille. Si ça répond pas, là, je lance les votes tout de suite, Cédric. Désolé. Vas-y, faut que je Allez, moi, attends, non, mais attends, c'est quoi ces règles de merde? Moi aussi, j'aurais pas eu d'autres familles. Oh, fais pas chier, c'est moi l'arbitre, je fais ce que je veux. Et ça râle. Ouais, mais t'auras parlé à quelqu'un quand même. Moi, je voulais parler à quelqu'un. Mais écoute, tu peux me parler, Romano. Dis-moi ce que tu tiens sur ton petit cœur. On est tous là, on t'entend. Va te confier à Vivon, je vois. Bon, bah voilà. Bon. Merci, Cédric, pour l'idée. Ça, c'est réglé. Bon, en tout cas, l'idée du clash, elle était pas mal, ton idée pour draguer ce soir. Moi, j'ai bien aimé. Et puis, sinon, Romano, c'était pas mal non plus, ton petit entraînement de foot. Là. On sent le sportif quand même. Hein. Ah ouais, bah, mince. Ah bah, tu m'étonnes. Bon, je lance le top. La gueule de l'athlète. Top vote, 22h50. Allez, vous votez au 41-759 sur l'appli Skyrock. Sur le skyrock.fm aussi, vous pouvez voter. Romano. En 5 minutes. Alors, votez partout, sur tous les réseaux, ça vote Romano, R-O-M-A-N-O. Ce soir, mes amours, j'ai fait deux appels, oui, j'ai ça, serré oui, deux fois. Sûr. Double serrage, Cédric, rien, nada, Tucci, de la merde en barre, il vous a fourni. Ce soir, gueule, sur les réseaux, ça vote Romano. À toi, Cédric. Votez Romano. Ouais. Moi, je suis malade, je suis très très malade. Votez Romano. Ouais. Pour que ça vote, je crois que je vais prendre un autre cachet parce que ça fait pas assez d'effet. Vas-y, prends des cachets, Cédric, vas-y, prends. Votez Romano. Je suis malade à la tête en plus. Allez, votez Cédric, la famille. Votez Romano. Je suis malade. Je suis à bout de nerfs. Allez, top vote, 5 minutes pour voter et puis on vous donne les résultats du clash. Votez Romano. Ouais. Tiens le choc, Cédric, jusqu'au résultat du clash. Hein. Votez Romano. Ouais. Allez, vous votez Cédric, allez-y, à vous d'y aller là. Bon, les femmes Fontaine, ça t'excite Cédric, une femme fontaine ou pas? Ah, tu sais, quand t'es en galère, tu prends tout ce qui bouge. Ah, donc actuellement, tu sais pas avant. Cédric, il va enculer le chien ce soir. Oh là, non, pauvre chien. Oh là, il a pété, il m'a chauffé. Oh, je le sucerai. Je sucerai les boules. Ah, dégueulasse. Vous entendez ce que dit Cédric Voté Romano? Ah ouais. Il fait du mal aux animaux. Vous avez pas remarqué d'ailleurs, les chiens, ils ont les boules noires parfois. Ouais, mais moi, elles sont complètement noires, les siennes. Ouais. Mais pourquoi? Tu sais, elles sont crasseuses. C'est de la crasse. C'est de la crasse. Mais faut lui les récurer. Non, mais tu peux pas. Bah, t'as envie qu'on te brosse les couilles au scotch brit? Bah, elles sont pas noires, mes couilles. Ouais, mais bon. Non, mais ça va lui faire mal. Non, il faut lui laisser comme ça. Nous, on avait demandé, mais y a rien à faire. Ou alors, faut les laver régulièrement. Demander à ton médecin, oui, je voudrais qu'il ait les couilles qui brillent. Ouais. Ah ouais. Et alors, il t'a dit que c'est pas possible. Bah, non, il m'a dit, ouais, il nous a dit, c'est trop tard, en fait. Ah. En fait, faut les laver. Parce que oui, mais souvent, tu sais, quand ils s'assoient, par exemple, ils ont toujours les couilles qui touchent le sol. Ah bah ouais, c'est vrai que c'est logique. Tu sais, quand ils écartent les pattes derrière et tout. Bon, moi aussi, elles touchent le sol. Ouais, mais c'est pas normal, Cédric. C'est dégueulasse, du coup, s'il se met sur ton canapé ou sur ton lit. Ah si, mais ça, c'est Karim quand il t'a vu à poil dans la douche, il m'a dit que ça touchait le sol, tes couilles. Arrête, lui, tu me touches le cul. Un problème de vue, c'est toi. Bah non, c'est vrai, tes couilles touchent le sol. Eh bah oui. Mais tu sais quoi, il était dans la baignoire et en fait, il avait le lavabo à côté, il était lui dans la baignoire et les couilles dans le lavabo. T'as pas touché la bouche quand tu l'as sucé aussi. Aïe. T'as dit que je ne t'ai pas entendu, monsieur. Oh, genre. Ta gueule. Genre. Bon, Cédric, reste là, résultat du clash. On revient aux femmes fontaines, là, puisqu'il y a eu plein de réactions. Ouais. Est-ce que ça vous excite ou pas du tout? Eh bien, il y a plein de mecs qui sont excités par les femmes fontaines. On va faire un petit sondage express avec vos appels au 01 53 40 30 20. Alors, on a qui au téléphone? Younes, 21 ans, du côté de Maubeuge. Ouais, salut, c'est Younes. Ça. Ouais, salut l'équipe. Salut. Coucou. Younes. Salut, ça va bien? Bah écoute, ça va bien. Ouais, je prends ton vote pour le clash là. Et c'est fini pour le match. Pour qui? Franchement, Romano. Romano, c'est merci bon. Younes. Ça s'est fait. Et moi aussi, perso, je vote pour moi. Donc Romano, on verra s'il gagne. En tout cas, il y en a qui ont déjà gagné ce soir. C'est pas l'OM. Eh ben, c'est pas l'OM. C'est Rennes. Rennes, ils ont gagné. 2 à 1, c'est le résultat final du match. 2 à 1. Ah là là là. Je peux demander peut-être à nos amis du PSG qui nous écoutent tous les soirs ce qu'ils en pensent. Vous en pensez quoi? Du résultat, je parle là. Hein, du résultat de 3-2 ouais. 3-2 pour Rennes face à l'OM. Ah, ça vous fait encore rire. Hein. Ils aiment bien, ouais. Ah, pourtant, la blague, elle a tourné. Un petit mot pour tous les Marseillais. Champion, peut-être en Ligue 2 l'année prochaine. Champion, mon frère. Niqué sur la fin, quoi. Oh, très bien. Ah non, mais niqué tout court. On a pris un carton rouge, ouais, tel match, il était plié. Non, mais t'inquiète, il y a l'Américain qui arrive. Eh, on te va donner les autres résultats du match de soir. Tu les veux, gros? Ouais, vas-y. Alors, Angers à domicile qui a battu Caen, 2-1. Bastia Nancy, 0-0. Guingamp à domicile qui a battu Lorient, 1-0. Lyon qui a tapé Montpellier, 5-1. Metz qui a perdu à domicile contre Bordeaux, 3-0. Nantes-Saint-Etienne, match nul, 0-0. Nice qui a battu Monaco, 4-0 avec deux buts de Balotelli. Balotelli qui marque comme il n'a jamais marqué durant toute sa carrière. C'est le carton. C'est un super transfert qu'ils ont fait les Niçois. Rennes-Marseille, donc 3-2. Et le résultat du PSG hier, 3-0 contre Dijon. Ça fait Nice est premier du championnat, deuxième PSG, troisième Monaco. Nice premier? Ouais, Nice premier pour l'instant. Ouais, Nice, ouais. Et oui, Marie. Un bon parcours. Ouais, c'est cool. Et l'année dernière aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça marche bien. Continuité. Nice. Tant mieux. Et oh, Marseille, ils sont 15e, Marseille. Oh là. Ah, reste 15e, gros. Ouais, Saint-Etienne, 10e. Et ouais, quand même. T'as vu, on est devant. Hein. Ah, de la merde. Ah, de la merde quand même, gros. Et Dijon pour Romano, comment ils sont? Et Dijon, ils sont avant-dernier. Oh là, merde. C'est qui les derniers, gros? C'est Lorient, les derniers. Ouais. Et Lorient. Et Lille, 18e. Ah, merde. Ah, Lille, 18. Ouais, galère. Ah ouais, c'est pas la folie, ouais. Ah, t'es à côté en plus de Lille. Tu soutiens quelle équipe, toi, Younes? Quoi? Du coup, je suis pas trop football. D'accord, mais t'as pas une équipe que t'aimes bien, parce que tiens, Marie, elle y comprend rien non plus, elle est pour l'OM. Hein. Barça. Le Barça, ouais, donc en championnat de France, ils sont très bons. Ils ont joué aujourd'hui. Ils ont joué aujourd'hui le Barça contre l'Atlético Madrid. Ils jouent là, il y a 1-0 pour le Barça, c'est la mi-temps. Donc c'est un peu Messi contre Grisi. C'est ça. Très bien. Bon, Younes, tu nous parles des femmes fontaines dans un instant. Il paraît que t'es un gros baiser. Tu vas nous raconter un petit peu ta vie, ta life de sexe. On aura également Bill au téléphone avec nous, qui doit être dans le coin, dans le 95. Salut Bill. Ouais. Salut Bill. Du sexe. Salut Bill. Et Sylvain de Brest qui doit être dans le coin aussi. Salut Sylvain. Salut l'équipe, comment ça va? Ça va. Salut. Alors, femme fontaine à suivre. Et on n'a pas eu de fille fontaine qui nous a appelé, qui nous a laissé son numéro. Non, ouais, on n'a pas eu. Les filles fontaines, n'hésitez pas à vous exprimer. N'ayez pas honte, en plus, ça excite un paquet de mecs. Hein. Absolument, ouais. Bon, putain, Bill... mais si, moi j'en ai une sur Snap, mais elle m'a pas laissé son numéro, elle veut pas passer à l'antenne, gros. Ah, bah chérie, faut passer à l'antenne. On raconte-nous comment ça fait quand ça expulse. Bah ouais, tout ça. Fais-nous une vidéo. Allez, on se balance le son de Niska, le nouveau Niska sur Skyrock. Maître Gims. Niska, Maître Gims, elle avait son Joe, c'est parti. C'est le nouveau, découvert sur Skyrock. Tous les matins, Diffoul a déjà distribué plus de 50 000 euros en cash. Quelle est ta radio préférée? Eh ben, c'est Skyrock. Mais oui, bravo. Ouais. Une

conseiller, mais t'as fait le sourd. Maintenant à cause d'elle, endetté jusqu'au cou. C'était le nouveau Niska, Niska et Maître Gims sur Skyrock. Bien ça. Ah oui, c'est bien. Hey, jingle. Mais ça me part pas. Bah, appuie. Mais ça me part pas. Surprenant. Appuie. Étonnant. Appuie. Ah non, mais ça marche pas. Le à la bouche. Jingle. Skyrock. Ah, mais j'avais dit. C'est vrai qu'on mange régulièrement. Ah, non. Désolé. Miam, miam. Ah, bah attends, dans la chambre, tu vas quand même pas te retenir, merde. Ah, Romano. Cédric. Plus de la moitié de ta vie, t'as eu de l'acné. Mais t'es malade, toi. Bah non, c'est toi qui es malade, Cédric, là. Marie. Priorité au sexe sur Skyrock. Ça, c'est bien, ça. Samy. Parce que l'information, le temps qu'elle ait du cerveau aux membres, tu vois, elle met trop de temps à circuler dans les nerfs. Et Karim. Un arabe sensuel. Ça fait bon pseudo. C'est moi, gros. Full radio libre. Une heure, tous les soirs sur Skyrock. Bon, je vous l'ai fait à la bouche. Allez, c'est super. Quel imitateur. Tu le fais super bien, nous dit Alan. Tiens, ah, il y a Max qui nous demande des nouvelles de PLN, de PNL. Eh bien, j'ai une petite nouvelle. On va faire un petit jeu, tiens. Si vous voulez gagner votre FIFA 17, on vous le file le matin, le soir, sur Skyrock, dans la radio libre, dans le morning. Vous gagnez votre FIFA. Et je vais vous poser une petite question sur PNL. PNL a un nouveau fan, un fan un petit peu particulier. De qui s'agit-il? PNL, c'est pour ceux qui connaissent pas. Allez, c'est ça. Je suis fire. L'album est sorti vendredi, l'album de PNL. On l'a passé en entier d'ailleurs dans la nocturne. Ouais, découvert. Je suis QLF, c'est le son de PNL. Alors quel est le fan un peu particulier de PNL? Faites-moi des propositions. Un homme politique. Un homme politique. Tu penseras à qui comme homme politique, Romano? Je sais pas, des mecs qui se présentent à la présidentielle. Qui, par exemple? Allez, genre... Bonjour, respect enculé. Sarko, tiens. Bonjour, respect enculé, t'es un migrant. Ah non, je suis bon. Je vais te casser la gueule. J'imite bien Sarkozy ou pas? Ah ben, bah, ouais. Vachement bien. Mais c'est là, je vais faire une autre imitation. Ah, ça c'est Hollande. Non, mais fais pas hier, parce qu'on dirait Johnny, là. Ouais. Ah. Il fait quoi? Il fait... C'est François Hollande. Voilà. Et là, je vais vous dire un truc. Ah, ça c'est Marine Le Pen. Bien joué, ouais. Bravo, t'es très fort. Alors, il y a un homme politique, la réponse est non. Ah bah c'est bon, j'ai vu la bonne réponse. Parce qu'il y en a une qui revient beaucoup, donc j'imagine que c'est la bonne. Ah bah c'est peut-être, j'ai pas vu moi. Alors attendez, laissez-moi regarder les messages. Booba, je sais pas si Booba il est fan de PNL. Ah ouais, il y en a qui ont trouvé. Ah ouais, Ribéry, non, c'est pas Ribéry. C'est celui qui revient beaucoup là. Oui, c'est celui qui revient beaucoup. Ah, parce qu'il revient à bloc, quoi. Bon, ben, le gagnant, on va le retrouver dans un instant et je vous dirai qui est fan de PNL dans un instant sur Skyrock. T'es étonné, Romano? Comment ça se fait? Ça dépend, peut-être s'il est jeune, le mec. Bon, c'est un curé. Ouais. Un curé qui est fan de PNL, il s'appelle Emmanuel. Et il a envoyé, parce qu'Emmanuel est sur les réseaux sociaux en plus. Ah, c'est frère Emmanuel? Ouais, frère Emmanuel. Père Emmanuel. Merci PNL pour leur album, pour la traduction à mon prêche de ce dimanche, où Jésus veut nous libérer de la domination de l'argent. Mmh. Contacté par un journal, le père Gougo C'est mignon en tout cas. A dit ce dimanche matin, j'ai cité PNL à la messe. Pas de parole particulière, mais leur dénonciation de notre système matérialiste et consumériste et le dualisme chez eux entre le bien et le mal. Pour moi, l'argument que PNL suscite est symptomatique d'une société qui commence à comprendre le matérialisme et la surconsommation ne rendent pas totalement heureux. Mais il a quel âge le prêtre ? Je sais pas. Oh, c'est bon. Ça rejoint le message de Jésus de ce dimanche. Mais bien sûr, PNL, vous êtes Jésus. Il faudrait dire à PNL ça. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Le Christ veut nous libérer de l'argent. Devenu une fin et plus un moyen, un maître et non plus un serviteur. Alléluia. Bravo Manu. Bravo. Bravo Manu. PNL aussi. Hey, on a un fan de PNL, Manu Gougo. Si à la messe il met un extrait, les gens ils vont halluciner. Mais il l'a mis. Ah, je croyais qu'il avait cité. Je crois, ouais. Il démarre sa messe avec PNL. Ah, énorme. C'est bien. Et on a Jérémy qui était le premier à trouver la bonne réponse. Salut Jérémy. Ouais, grosse voix. Salut, ça va les gars. Salut Jérémy. Marie, tout de suite, grosse voix. Ah, ouais, grosse bite. Dans un instant, grosse gag. Elle va te demander si t'as une grosse queue. Je te le dis. Oui, j'en ai le grand toi. Ouais. Ah, bah évidemment. Zgeg dans ma gorge. T'appelles. Ça va être ça. On parle du curé et Marie derrière, elle te dit zgeg dans la gorge. Ah, ouais, non, bravo pour les bonnes réponses. Vous êtes là à avoir trouvé, mais le plus rapide, c'est toi, Jérémy. T'appelles d'où, Jérémy? De Marseille. Marseillais. Et au moins il y a un Marseillais qui va gagner quelque chose ce soir. Ah, ça c'est pas con ça, tiens, c'est bien. Et ouais, et ben je te l'annonce hein, en direct sur Skyrock ce soir. Tu viens de gagner grâce au prêtre, grâce à PNL le FIFA 17. Ouais. Merci, blocage là. Non, c'était pour faire monter la pression, tu sais. Ah d'accord, c'est comme le suspense. Comme quand ils font dans Secret Story à la fin tout okay, ça. OK. Pour FIFA 17, il est pour toi, tu vas t'éclater sur FIFA 17, Jérém. Ah ben c'est gentil, merci hein. Tu vas prendre quelle équipe, l'OM? Ouais, l'OM. L'OM sur FIFA. Même dans le jeu ils sont bidons. Ah on peut peut-être gagner hein. Dans le jeu c'est même là, c'est pas facile. On va essayer. Clair. Très bien Jérém. Bah écoute, on te souhaite de bonnes éclates sur de bonnes heures d'éclates sur FIFA 17. Et puis reste avec nous sur Skyrock, on est là jusqu'à minuit. Profite bien. C'est gentil, merci. Salut Jérém. Ouais, salut, allez l'OM. Et on rejouera peut-être tout à l'heure avant minuit, on peut jouer à n'importe quoi, n'importe quel jeu, c'est ça. Le soir, c'est comme ça sur Skyrock. Bravo à Legend Killer, à Johan. Ah, j'ai vu toutes vos réponses là. Bravo à Laurine qui nous dit un homme d'église. Ça marchait aussi. Trop fort. Alain Juppé, non. Vous allez voir qu'Alain Juppé va venir en casquette un jour. Il va faire wesh wesh. Un jour, il va se pointer dans les studios de Skyrock. Il va faire wesh wesh. Alain Juppé, maire de Bordeaux. Ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être futur président de la République. Chauve. Et chauve comme Romano. Oui. Oh non, mais attends, il est pire que moi. Oh, il est pire que toi. Non, j'ai vu. Bon, normal, il est plus vieux. Hein. Bon, on aura un couple dans un instant. Alors, un couple qui a des secrets. Comme dans Secret Story. Secret Story. Qui c'est qui a regardé Secret Story cette année? Tu regardes Romano? Non. Ah, j'ai pas trop le temps de regarder la télé. Non, mais je pense pas d'y aller dessus en fait. Ouais, j'ai déjà zappé deux, trois fois dessus. Ouais, bon. Moi aussi, ouais. J'avais dû regarder le début, tu vois, quand il rentrait dans la baraque. Notre couple qui a un secret. La soirée qui dure 4 heures, qui est relou comme tout. C'est ça. Et notre couple qui a un secret, ils sont pas relous, c'est Brahim, 23 ans, et Mélanie, 20 ans, qu'on va retrouver dans 5 minutes. Le temps de finir avec nos femmes fontaines parce qu'on a des témoignages du lourd là. Brahim et Mélanie, vous êtes là? Ouais, on est là, ouais. Ça, c'est Mélanie. C'est exactement. Mélanie, grosse ouais, rose. Bien sûr. Comment ça, c'est Mélanie, wesh? C'est Brahim, wesh. Ah, c'est Brahim, merde. Ouais, c'est Brahim. Salut, Brahim. Non, en fin de compte, Mélanie, elle veut pas passer. C'est pas grave, mais Samy, elle est là à côté. Elle est juste derrière, elle est tapie dans le monde. Elle est juste derrière, c'est parce qu'elle est timide, c'est pour ça. Et puis, vous avez un secret tous les deux en plus, hein. Ouais, on a un très très grand secret. Un très très gros secret. Alors, d'après vous, énorme. Tiens, on peut faire un petit jeu. Quel est le secret de Brahim et Mélanie? Tiens, nous jouons au jeu de Secret Story. Vous êtes prêts? Ouais, mais c'est un secret. C'est un secret, oui. Vas-y. Il est très très gros, le secret. Oui, salut, bonjour, Romano, ici la voix. Vous êtes frère et sœur. Le bâtard. Non, mais bon, j'en sais rien, moi, c'est un secret. Alors, Romano, tu proposes, je note. Alors, Romano, tu proposes, ils sont frères et sœurs. Je dirais dans un instant, ils sont frères et sœurs. Ok, t'es au courant, Karim? Non, mais moi, je te propose. Vas-y, propose. C'est Brahim, c'est ça? Ouais, c'est Brahim. Brahim, avant, c'était une meuf. Et tu Mélanie. Tu dis pas Brahim. Et Mélanie, avant, c'était un mec. Et maintenant, ça a changé. Ok, Brahim, meuf. Je sais pas, vous avez compris un peu ce que j'ai dit? Mélanie, oui. Ouais. Il y a ça dans Secret Story. Ah, mais là, c'est un sacré secret, là. Ok. Ah, là, ça part dans l'extrême. On cherche. Ah, on sait jamais. Hein. Ils sont cousins, nous dit Madin, c'est noté. Ils sont demi-frères, on nous dit aussi, c'est noté. C'est noté. Je dis pas la réponse dans un instant. Ils sont père et fille. On en reparle dans un instant. Ils sont père et fille. Non, ils ont 3 ans d'écart. Alors, oui, ils ont 3 ans d'écart. Ah, ok. Brahim, 23 et Mélanie, 20. Bon, dans un instant, on vous retrouve. Bouge pas, Brahim. Hein. Il n'y a pas de soucis, je suis là. Et sympa de nous appeler. Fais une bise à ta chérie derrière. On vous retrouve tout de suite. D'accord, pas de soucis. Juste avant ça, eh bien, on est dans l'amour, on est dans les couples et on est avec un gros baiser. C'est ce que tu nous as dit, Younes. Bienvenue à toi, Younes. Ouais, salut l'équipe. Hey, l'équipe. Oui, c'est nous. Tu vas à FIFA? Ah, tu vas à FIFA? Allez, faut jouer. Lui, il arrive direct, tu sais. Il faut jouer. Direct, il gratte, quoi. Je gratte. Non, mais t'as raison d'essayer, mais faut pas trop écouter les conseils pas chers le matin, parce que ça peut avoir des conséquences. Après, ça travaille, ouais. Des conséquences psychologiques. Ouais. Mais d'ailleurs, tu peux peut-être le gratter, Romano, parce qu'il bosse chez Renault. Je pense qu'il a des prices. Ah, j'ai déjà 2-3 prix, si tu veux. Ah, tu vois. Ouais, mais moi je m'en fous, j'ai la voiture gratuite avec Skyrock. Ah bah, l'autre normal. Putain, Romano, mais avec Skyrock, t'as tout gratuit, toi. Bah ouais. Le téléphone, la voiture, mais tu es traité comme un prince. Le prince du hip-hop, peut-être. Bah, j'ai quand même un niveau à tenir. Eh oui, ça c'est. J'ai un rang à tenir. Tiens, t'as un rang au clash. Je donne les résultats du clash, je vais pas vous faire attendre. J'espère longtemps. Que je suis au premier rang, ouais. Eh bah non. Hein? Bah, je ne dis rien, je donne les résultats, je prends Cédric en ligne. T'es là, Cédric? Ah, il est sous morphine, ça y est, il est perdu. Cédric? Ah, le belge. Ah oui, il est sous morphine. Ça y est, de toute façon, j'imagine que je le baise, donc il vaut mieux que je n'entende pas ça. Alors, pourquoi t'imagines que tu le baises? Parce que t'as serré deux fois sur deux, c'est ça? Bah, deux fois sur deux, Cédric n'a rien fait. Si, il a serré. Il a rien serré du tout, le mec, il lui dit ouais, demain. Bah, il a serré Jackie. Ouais, il a rien serré du tout, mais quel suceur, cet arbitre. Je vous dis que Cédric a serré. L'arbitre, je pense qu'on va en changer, parce qu'il commence à être. Eh bien, Romano, si tu fais seulement 36% ce soir. Bah, je crée au scandale, parce que c'est pas possible. C'est peut-être, parce que tu as menti. Et tu as été puni, comme le disait notre père Manu. Tu as été puni par les puissances divines. Vas-y, annonce le score, là. Ah, Cédric est de retour. Allô, Cédric. Je suis là. Ah oui, il a pris sa morphine. Tout va bien, quoi. T'as pris ta morphine? Non, mais attends, je savais pas que la morphine, ça te faisait vriller folle. J'ai de savoir, moi, c'est qui va vriller, moi. Donc, Cédric, t'es arrivé chelou, quand ouais, même. Ouais, c'est moi. T'as gagné le clash, Cédric. Mais non. Non. Bon, 64 ans pour Romano et 36 pour Cédric. Et voilà, merci. Bravo, Romano. Merci à toute la team Romano. Team Romano. Bon, c'était bien, Cédric. Merci pour tous les votes. Merci, ça me fait plaisir. Merci, mes amours. Merci, encore bien baisé. Merci, ma team. Je vous aime, même si. Bah, il est content. Salope, il triche, je suis sûr, il y a un truc. Il est content. Oui. Écoutez-le. Il est parano. Ouais, Cédric fait une déclaration à ta team. T'as quand même fait 34%. Hein. Non, franchement, 36. Même si je suis handicapé d'un bras, bah, je suis quand même présent et je vous aime quand même très fort. Je vous aime. Très bien. Merci. L'arbitre, je t'aime aussi. Merci. Oh. Ouais, moi, l'arbitre, très gentil, Cédric. Je vais aller me plaindre à la Ligue. À la Ligue du Clash de la Drague. À la Ligue des arbitres, je sais pas comment. Les arbitres du Clash de la Drague, oui, j'y suis. Ouais, bah écoute, je pense que. Non, il est très bien. Non, c'est un gros suceur, l'arbitre. Oula! J'enlève 15 points à Romano. Cédric, tu as gagné le clash avec 49 pour Romano et 51 pour Cédric. Voilà. Voilà, je suis capable de. Oui, calcul difficile. Bon, bravo en tout cas tous les deux. Merci pour les votes. Vous avez voté comme des fouilles, ça fait plaisir. Et puis Cédric, bah, soigne-toi bien. Bonne morphine. Merci la famille. Et puis rendez-vous demain matin ou demain soir. On te retrouve dans l'émission, malheureusement. Team Romano. Bonne nuit. Et peut-être demain, vous serez pour mon épaule. Et peut-être ce soir, demain soir en direct, on sait jamais. Bah, on attend ça. Eh ouais. T'inquiète. Salut Cédricain. Bisous tout le monde. Non, mais salut non, quand même. Non, check si tu veux. Gros. Salut, Viatch. Ciao Cédric. Bisous. Mais c'est vrai qu'il est bizarre quand il prend de la morphine. Je sais pas, je le trouve. Ouais, il vient tout. Comme ça, voilà. C'est moi. C'est Cédric. Je suis là. C'est bizarre la morphine. Hein. Ah ouais, c'est chelou. Salut, j'ai fait des effets bizarres. C'est chelou, c'est bizarre. Ouais. Bon, alors, mais non, pas du tout, je me suis mis en jupe. Ah bah, c'est bizarre. C'est ce que je vous disais. Bon, Youyou, Younes, de Maubeuge. Ouais. Alors, dis-nous, Younes. Ouais, bah moi c'est pour vous dire, une fois, ouais, je suis tombé sur une meuf comme ça, femme fontaine. Ah, donc oui, c'est vrai, on parlait des femmes fontaines tout à l'heure. Ouais. Et tu es tombé, c'est Christophe qui avait... T'es un petit peu étonné par la meuf, c'est sa première femme fontaine. Et donc t'es tombé sur une femme fontaine. Mais fontaine, comme Christophe? Ouais, fontaine. Ah ouais, bah. Non, mais moi, alors j'ai vu les messages, mais alors ils étaient pleins. Regardez, il y a Sam qui nous laisse un message qui dit les flammes fontaines, j'en boirais. Ah ouais, j'avoue, les femmes fontaines, c'est des chiennes. C'est des chiennes. L'autre, mec, c'est des chiennes, il a dit. Ça, il se combre bien. Ça, y a pas de problème. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle se combre bien. Au bout d'un moment, quand ça vient, il y a leur giclette, là. Leur giclette. Bah, ils ont un orgasme fastant. Ah, tu veux dire quand elle gicle, c'est elle prend un pied de fou, c'est ça? Ouais, voilà, elle prend un pied de malade. Mais quand tu parles de giclette, c'est comme quand on, par exemple, on veut nettoyer ses vitres dans la voiture. Ah, c'est toujours délire comme si t'avais paniqué pendant un mois, tu vois, t'as les grosses couilles, tu vois. Ah, c'est comme si. Ouais. Tu veux dire, ouais, mais au niveau. Ouais, c'est genre une éjaculation dans la. Ouais. Non, c'est ça. En vrai, c'est comme si tu te pissais dessus, quoi. Franchement, c'est exactement la même chose. Fais gaffe, il y a un train qui arrive. Il y a un train qui arrive sur toi. Fais gaffe, gros. Bouge des rails. Non, parce que moi, j'ai déjà vu des films de cul, mais genre, les meufs, c'était un tuyau d'arrosage, quoi. Ouais, pareil, ouais, ça me dégoûtait. Tiens, c'était genre des gilets, mais un système d'arrosage automatique des jardins, quoi. Après, je sais pas, peut-être ça dépend aussi des meufs. Ça doit jouer suivant la quantité, ouais. Ouais, ça dépend. Ouais. Après, c'est quoi, souvent des meufs, il y a des meufs qui sont vaginales, il y en a, ils sont plus clito, tu vois. Moi, je suis anal. Ah, bah, chacun son truc, tu vois, Marie. Dans le boyau, ça passe partout. Dans le boyau, ah oui, parce qu'il m'a dit ça au standard, le boyau, en fait, c'est le cul. Dans le boyau, alors. Il m'a dit, j'adore le boyau. Déboyote-moi le trou de balle, vas-y. Je trouve ça, mais tellement romantique. C'est joli, le boyau. Ah ouais, c'est très joli. C'est la première fois que j'entendais ça, le boyau, moi. Bah, ça vient du 5-9. Ouais, c'est sympa. Perso, je préfère le trou à merde. Oh non. C'est vrai que dit comme ça, Marie, c'est plus romantique. C'est très excitant. Je trouve aussi. Oui, c'est pas mal. Ah ouais, tu parce que je suis très classe. Ah ouais, bah ça, c'est clair. Et alors, comment ça marche, les femmes fontaines, on nous demande. Après, on nous dit, ça dépend d'excitation. Après, comme je disais, après, ouais, tout dépend de la meuf, tu vois. Mais après, au bout d'un moment, tu vois, quand ça sèche, c'est une odeur, mais horrible. Ah, ça pue. Ah non, c'est bon appétit, bien sûr. T'es le deuxième qui nous dit ça. Parce que sur le moment, ça va, tu vois, sur le moment, ça va. Mais après, une fois que ça commence à sécher, bah là, ça y est. Vous entendez, vous qui êtes excité, là, Rico qui nous dit, ça m'excite vraiment, les femmes fontaines, Rico, 22 ans. Bah, ça pue. Mais Inès, une petite question technique, elle t'a giclé à la gueule ou pas? Quoi? Je le pile dessus. Ah, ah ouais, ça, quand tu fais un cunis, ça doit être surprenant, ça. Ah, fleur d'anus, direct. Ah bah ouais, non mais lui... Dans le boyau. Il y a une petite nouvelle footballistique, il y avait 1-0 pour le Barça face à l'Atlético Madrid, Messi contre Griezzi. Et bien là, il y a un but de l'Atlético Madrid, ça nous fait donc un partout. Ouais. Un partout, Barça, Atlético, Madrid. Match à suivre, évidemment, sur Skyrock. Premier sur le... Foot, bien sûr. Bon, bouge pas, Younes. On a Sylvain aussi au téléphone. Et on a une femme fontaine aussi. Vous êtes super, les auditrices. Bon, c'est bon, ça. Oh, putain, Younes, il est excité. Tiens, je te présente d'abord, avant la femme fontaine, Sylvain. T'es là, Sylvain? Ouais, je suis là, ouais. Toi, t'es déjà tombé sur des femmes fontaines, on m'a dit. 3 au total. Mais putain, mais comment moi, ça m'est jamais arrivé, ça? Putain, moi aussi, ouais. Non, mais c'est vrai. C'est un coup de galère, hein. Mais c'est quoi? Tu les recherchais spécialement ou c'est le hasard qui a fait que t'as... La première, c'est des sites de rencontres. Je savais pas du tout, j'étais surpris. Ah, t'as pas marqué, cherche femme fontaine? Non, quand même pas, non. Ça limite le choix, j'imagine, ça. Voilà, c'est ça. Tu dois les attirer. Bah, peut-être. Ah, peut-être. Ouais. Ah ouais, 3 à la suite, ouais, putain. Non, mais dans l'équipe, personne s'est jamais tapé une femme fontaine. Si, Romain, un homme fontaine. Oh putain, mais lui, mais c'est. Il sointait du fion, apparemment. Et il y en a une, elle savait pas que les défendait. C'est quand j'ai commencé à la toucher qu'elle a découvert. Là, il y a Romain qui est en train de monter une vidéo d'une femme fontaine, mais un espèce de truc. L'autre, elle a flingué le matelas. Ah putain, si, une fois, moi, gros. Ah. Si, moi, une fois. Mais de toute façon, toutes les femmes sont disposées à être fontaines. Oui. Ah, Marie, alors comment ça se fait que c'était pas arrivé? Mais moi, ça ne m'arrive pas, non. Bah, je remplis des carafes, moi. Bah, allez, toi, Karine, ça t'est arrivé, alors? Non, en fait, je sais pas si on peut appeler ça une femme fontaine, mais elle mouillait à mort. Mais tu sais, il n'y a pas eu de jet ou quoi que ce soit. Non, c'est pas femme fontaine. Mais en fait, je la niquais sur le canapé, donc j'avais les pieds contre le sol, tu vois. Et je la niquais et je glissais en même temps parce que tu sais, tellement elle mouillait. C'est aller sur le sol et je glissais ça. C'est un peu fontaine quand même. Ah bah ouais, c'est fontaine, sauf qu'il n'y a pas le jet, quoi. Ouais, fontaine, je crois que c'est pas obligé qu'il y ait le jet. Hein. Ah ouais. Ah non, il peut y avoir des mouilles abondantes et sans. Ah bah sans voilà, c'était de la mouille abondante. Mais toi, Sylvain, elle crachait ou comme un lama? La première, elle crachait comme un lama. Mais genre, le jet, il était puissant ou lave-glace ou tuyau d'arrosage? Kercher. Bouteille de champagne qui explose. Oh putain, merde. Et moi, ouais, quand même. Ouais, je voulais te demander, t'as mis ton visage devant ou pas? Non. Pour te laver, c'est pas mal, pas cher, le savon. C'est gratuit, pas cher. Hein. Bah oui, qui c'est qui est parti? Ah, c'est Younes. Ah, Younes, on te rappelle, Younes, t'inquiète. Younes, il est parti se branler, je crois. Ouais. Et on rappelle. Trop d'excitation. Et on rappelle Marie, notre femme fontaine, parce que je t'ai raccroché avec mon gros doigt. Mais toi, t'aimes bien Sylvain, du coup? Tout est gros chez moi. Ah bah, c'est pas mal, ouais, moi j'aime bien plutôt, ouais. Mais maintenant, ça te dérange pas de baiser avec une meuf qui ne l'est pas? Ah bah non. Non, non. Ah ouais, non, sinon tu limites le choix, comme je disais tout à l'heure. Ah ouais, parce que femme fontaine, ça court pas à tous les rues. Hein. Ah, femme fontaine, vraiment, c'est génial. J'adore. Moi, je suis en train de regarder le truc, après, il y a de l'urine dedans. Ouais, mais c'est ça. Il y a Bamos, là, qui est à fond sur les femmes fontaines. Il y a Bill aussi, tiens, qui nous a contacté sur Snap, Skyrock FM, pour nous joindre et nous suivre sur Snap, pour suivre nos stories. Ouais. T'es là, Bill? Oui, je suis là. 26 ans. J'entends vos histoires, ça ressemble beaucoup aux miennes. Ah, toi aussi, femme fontaine, alors? Ah, moi j'en ai connu beaucoup. Comment? Mais putain, c'est dingue ça quand même. Mais bon. Et en fait, en gros, ça se déclenche. Moi, c'est Sylvain, je crois, qui disait. Je pense que toutes elles ont une disposition. Hein. Ça, ça peut se déclencher. Ouais, voilà, Bill, c'est un professionnel, Bill. Ah ouais. Ouais. Déclencheur de femme Fontaine. Ah, attends, moi, exactement, gros. Je vais essayer ça. Alors, comment tu fais pour déclencher de la fontaine? Alors, où est le robinet? Où est le bouton? Le bouton pour mettre en marche le robinet. Honnêtement, il y a plus de, vous avez plus de réussite si vous le faites en vaginal, moi je trouve. Et puis tu mets ton doigt en U. Non mais attends, normal, parce que si tu veux qu'elle soit fontaine du cul, elle te chie à la gueule. Là, ouais. Non mais je veux dire, ça s'appelle une diarrhée. Younes, il parlait du boyau, c'était compliqué. Ah, le boyau pour lui, c'est le trou de balle. Younes. Bon. Ouais, mais alors est-ce qu'il y a un moyen précis de déclencher la fontainitude? Ah. Ouais, Romano, si tu veux, prends des notes. Bah je vais même faire un dessin, je pense. Oui, moi aussi. Non, bah, d'accord. Bah tu mets ta main là, ton index et ton majeur un peu en U, tu vois. Mais dans ta copine. Oui, dans ta copine, et après il suffit de, tu essayes d'aller chercher le nombril comme si tu voulais lui chatouiller le nombril, quoi. L'autre, en fait, tu vas lui déchiqueter l'intérieur des larmes. Attends, bouge pas, ma chérie, je cherche le nombril. Ah, il lui fait le ventre. Et Romain qui te fait le truc derrière, apparemment il connaissait le truc. Alors vas-y, continue. Par contre, il faut bien les chauffer avant, donc même presque. Faut baiser avant, tu jutes, machin, et ensuite tu t'occupes d'elle, quoi. Ah, mais elle t'a redonné ta jute alors? Non, mais. Ah, ça ouais, ah bah oui, t'as recraché dessus tout ça. Ah, ouais. Non, mais attendez. Vas-y. Le sexe est sale quand c'est bien fait, hein. Oui, c'est vrai. Donc, non, mais au bout d'un moment, tu joues avec elle, quoi. Et puis, j'en ai connu certaines, ouais, c'est tuyau d'arrosage. Il y en a d'autres, c'est, comme disait, mouille abondante. Puis, il y en a d'autres, c'est serpillère quasiment. Serpillère. Quoi. Faut y aller à la Karcher. Serviette. Faut mettre une serviette à chaque fois. Tu lui dis à ta meuf, oui, ouais. Tu es ma serpillère. Ma serpillère d'amour. Oh, je t'aime, ma serpillère. Oh, mon Karcher, je t'adore. Ouais, si ça te flingue le matelas et tout, ça. Ah, ouais, non, mais bon. T'as vu baiser dans la douche, quoi. T'as vu le prix d'un matelas, oui. Ouais, c'est clair. Moi, je trouve ça relou. Hein. Et alors, les gars. Mais c'est kiffant. Ouais, toi, t'aimes bien aussi. Mais les trois, là, vous aimez bien, que ce soit toi, Bill, toi. Absolument, ouais. Younes aussi, toi, oh, Sylvain. Ah, vous kiffez ça, vous, les trois, là. Bah, disons que c'est une petite preuve, c'est une preuve de plaisir, quoi. Donc, c'est comme toi. Moi, je dis, c'est comme un mec qui jute, c'est pareil, quoi. Ouais, enfin, bon, une meuf peut avoir du plaisir, enfin, rassurez-moi, parce que moi, je suis mal. Oui. Peut avoir du plaisir sans être fontaine. Oui, c'est bien clair. Bien sûr. Et quand la femme, elle a fait fontaine, elle n'a pas simulé. Alors, je vais vous passer. Ah, ça, c'est clair. Vous allez être contents, les gars. Il y a Marie qui est avec nous, qui nous a joint sur Snap. Une démo. Ouais. Une démo. On a eu le tuto. Magnifique tuto, d'ailleurs. Hein. Félicitations à toi, Bill. Donc, on a eu le tuto de Bill. Et voici maintenant notre femme fontaine à nous. Tu n'as pas des trompettes, Romano? Merci pour accueillir Marie. Salut Marie. Salut. Bonjour. Alors, moi, du coup, je suis complètement. Enfin, j'ai découvert ça quand j'avais 18 ans. Là, t'en as 23. Hein. J'en ai 23. Et tu es à Rennes, la ville qui a battu l'OM ce soir, ouais. Je crois. Ah, ouais, c'est ça. C'est important de le rappeler. Meilleurs, ah, meilleurs. Enfin, les meilleurs, t'emballes pas trop, mais vous avez battu l'OM. Ouais, c'est pas l'OM. Tout le monde y arrive. Alors, oui, Marie, vas-y. Vas-y. Donc voilà, depuis mes 18 ans, et j'entendais Bill, mais moi j'ai pas besoin de tout ça pour ça. Enfin, ouais, moi je croyais que fontaine c'était un état, t'avais pas besoin de mettre le doigt en U. Mais ça, pas du tout. Pas ah ouais, voilà, Y. Oh, Y, ouais. Salut Jules. Y comme tu veux, mais moi j'ai pas besoin de ça, quoi, pas du tout. Mais t'es pas fontaine à chaque fois. Si, ça peut m'arriver 4 fois dans, ouais, voilà. dans le même rapport, quoi. Mais 4 fois, mais ça fait mais tu te vides de mouille, ouais. Quoi. Tu la trouves où cette eau? ça m'arrive souvent d'ailleurs avec mon conjoint 4 fois ou 5 fois dans le même rapport. Mais toi, c'est coulure ou giclure ou les deux? Non, c'est je sais pas, je refais un mur, moi pareil. Tu refais un mur, ouais, genre le ouais, quand même. Ah ouais, donc toi t'es bien fondée. La première fois que ça t'est arrivé toute seule ou avec un copain? Non, c'était lors de mon premier rapport. Putain, t'as dû bloquer, non? En premier rapport? Ça a dû être. T'as dû te poser plein de questions. Non, mais j'ai eu peur. Enfin, moi-même. Ah ouais, le mec aussi. C'est normal. T'imagines, pour toi, ça a dû être horrible. Moi, non, mais pour le mec aussi. Moi, je me mets à la place du mec. Le mec, c'était sa première fois. Imaginez si ça t'arrive à toi, Romano. Ah ouais, non, mais t'es. Ouais. Moi, je suis désolé. Je pense que t'as un mec, tu baises la première fois. Je comprends pas. La meuf, elle te gicle dessus un truc. Ouais, tu dis pas. Mais ça doit être. Je pense que tu hurles de douleur. C'est pas sa première fois, donc ça va. Ah bon, ça va. Mais Marie, moi j'ai une question technique, ça sort d'où en fait exactement? Bah, je mets pas la main devant, quoi. Non, mais ça sort d'où en fait? Ça sort du vagin ou ça sort du truc où tu pisses? Non, ça sort du vagin, non? Ah non, du vagin. C'est comme la mouille, enfin c'est de la mouille, quoi. Ouais, mais comment tu fais pour avoir du débit avec un. Parce que le vagin c'est un peu large, tu vois, c'est pas un truc. Moi je dis bravo. Ouais. Bravo. Ouais, bravo Marie. Elle a un incroyable talent. Ouais, tu dois avoir de la pression là-dedans en fait. Et quand ça t'est arrivé le premier coup, bah ça m'intéresse. Le mec, comment il a réagi à ce moment-là? Bah, il a. Enfin, il m'a. Ça a tout coupé, hein. T'as pas lu bien dans ton téléphone, ah, ça l'a coupé, oui. Bref, ouais, c'est ce que je disais. Ça, oui. Ça, ça coupe. Et je disais, ça a tout coupé. Enfin, c'était net, quoi. Vous êtes arrêté. Oui. Et toi, tu lui as dit quoi? Parce que t'as dû être emmerdé à ce moment-là. Bah, il savait que c'était ma première fois, donc voilà, quoi. Ouais, mais il s'attendait pas à ce que tu sois Fontaine. Bah, non, mais moi non plus. Ah, bah, ouais, t'avais quel âge quand t'as fait ça, t'as dit? Ma première fois, j'ai 18 ans. 18 ans. Et lui, il avait 27 ans. Ah oui, donc il avait un petit peu plus d'expérience. Ouais. Alors, moi, je voulais te demander, Marie, est-ce que ça t'arrive aussi quand tu touches toute seule, par exemple? Je ne sais pas. Ah, tu touches alors pas là, ah ouais, ça, c'est clair et net. C'est bizarre, ça. Pourquoi? Bah ouais. Bah ouais. Ouais, c'est dingue, ça. Ah, tu touches pas la chatte de temps en temps? Ah, on est très déçus, là, tu as vu. Ah non, là, on est très déçus. Ma... Et apparemment, ça sort et pas non. du vagin, le truc. Ça sort d'où? Ça sort par deux petits trous qui sont de chaque côté du... Tu vois, c'est un serpent, le bordel. Proche du vagin, quoi. Oui, ça sort pas par le nombril, oui. Oui, c'est dans le même... Par le cul, on va dire que c'est dans la même zone. Peut-être, j'étais sûr que ça sortait par le nombril. Bah écoute, c'est ce que je viens de voir. Pour la pression, faut que ça soit un truc. Je suis sur mytho.com. Merci Marie du renseignement. Très bon. Point con, ouais. Point con. Younes, t'as une petite question à poser à Marie ou alors Bill ou... Attends, ils sont en train de se branler. Les trois, ouais, ils sont en train de se terminer. Moi, je voudrais bien lui poser la question si elle a une odeur, elle. Ah. Bah non, pas plus que la poche des os, je sais pas comment. D'accord, parce que Christophe tout à l'heure et Younes nous ont dit que ça sentait mauvais, lui. Ah, comme un accouchement, tu vois. Bah apparemment, ça sent rien, d'après ce que j'ai eu. Et alors, la moulure, vous savez, les fans, je vais vous dire ça, ça va vous faire plaisir. Les fans de la, des femmes Fontaine. Ouais. Ouais. Écoutez-moi bien. Ce qu'il y a dedans. Alors, comment c'est fait? Il s'agit donc d'un dérivé de l'urine, avec un taux d'urée quasi nul, totalement inodore et incolore. Si ça pue, c'est bizarre quand même. Hein. Ouais. C'est ça, c'est qu'elle est pas propre. Ah, une saloperie. Mais bon, c'est quoi, ça, je l'aurais vu dès le départ. Tu veux dire, tu m'as un peu du sang, tu vois. Une meuf, elle peut en sortir 50 millilitres quand même. D'un coup. Bravo, Romano. Bon, bah écoute, beaucoup, merci en tout cas, c'est gentil d'avoir témoigné, Marie. T'es sympa, toi. Eh ben, de rien. Non, puis c'est bien pour les filles à qui ça arrive, parce que tu vois, toi, ce que t'as ressenti quand ça t'est arrivé, si t'en avais jamais entendu parler, t'as dû trouver ça hallucinant. Au moins, là, on m'en parle, et si ça vous arrive un jour, les filles, bah écoutez. Et a priori, c'est Saint-Pierre, c'est sécrété par les glandes de Skene. Ouais, c'est ce bon vieux Skene. Ce serait un peu l'équivalent de la prostate, en fait. Et d'accord. Apparemment, il y a du les glucose hommes. Et du fructose. Il faut en boire, buvez de la fontainerie. Il faut en boire un mort. Oui, 5 verres. C'est sucré, tout un jour. Je voulais juste rajouter quelque chose, parce qu'il y a un des garçons, là, qui a dit qu'on était des salopes. On n'est pas des salopes. Je crois que c'est Younes, ça. Ne détourne pas ses propos, il n'a pas dit salope. Oui. Bon, bah pas salope, mais il a fait comprendre quand même que c'est pas. Dis-le si t'as besoin qu'on tire les cheveux. Bouton me dit. Oh, Younes. Je vous ai prévenu, Younes, c'est un baiser fou. Hein. Ouais. Et donc tu voulais dire, Marie? Non, c'est juste ça que voilà, c'est la nature qui en a plein qui à qui ça arrive, qui ne savent pas qu'ils sont comme ça. Donc toi, ça t'est arrivé tout seul, ouais. Bon, ouais. Et t'as plus de plaisir quand ça gicle ou pas? Non, pas forcément. Non, c'est pas forcément c'est, que t'as plus vraiment, de plaisir. D'accord. C'est vraiment c'est incontrôlable, quoi. C'est ouais, ça sort tout seul. Petite surprise. Mmh. Surprise du chef. Eh ben, de la chef, en tout cas. Ah, donc quand ça lui arrive, elle jouit pas, en fait. Ah, Bill est étonné. Bah, en général, c'est au moment où on prend son pied, mais on en prend pas plus. Parce que ça sort, quoi. Ouais, que tu, non, voilà, qu'il y ait du liquide ou pas, t'as du plaisir. Eh, putain, ça me rassure parce que moi, j'ai jamais vu ça. Donc, puis tout à l'heure, je me posais la question. Que, ça veut dire que les femmes qui ne sont pas fontaines prendraient pas leur pied, c'est pas vrai. C'est... Oui, c'est clair. Non, c'est une autre façon de prendre son pied. Non. Enfin, je dis pas que c'est les femmes qui font pas fontaines. Donc. Ça m'est même arrivé dans une merde. C'est Billy, il insiste. Il a besoin de se rassurer les choses. C'est Sylvain, là. C'est Sylvain. Ah, Sylvain, putain, mais il joue quand même. Bon, ben, en tout cas, merci. Merci Sylvain. Merci Bill. Et puis, merci Youyou. Merci Younes. De rien, bonne soirée à vous. Merci à vous. Et puis, qui c'est qui veut faire une dédicace, Younes? Ouais. Dédicace à DZ et Coco, là. Salut DZ et qui? Et Coco. Salut DZ, salut Coco. Et dédicace à Srabemfir. Eh ben, on salue tout le monde. Et on t'envoie ton. Salam alaikum. Salam alaikum. Sartek. Et on t'envoie ton t-shirt Skyrock, ouais. Le collector. Même chose pour toi, Sylvain. Merci Sylvain, le breton. Hein. Et puis même chose pour Bill. Merci. T'es où, Sylvain? Je suis là. Et merci Bill aussi. Hein. Ouais, je peux faire une dédicace. Salut, les gars. Vas-y. Et t-shirt Skyrock pour toi. Vas-y, Bill, dédicace. Ouais, bah dédicace à mon petit groupe de grands baiseurs, hein, Los Walpos. Ah, Los Walpos. Oh putain, ils ont même un nom, tu sais. C'est la confrérie. voudriez pas venir me voir des fois, les Los Puertos, là? Ah ouais, non, Marie, non, merci. Non, non, merci, t'es trop vieille. Hein. Ah ouais. Non, non, et d'ailleurs, et juste en parlant de ça, il y en a une vieille, d'ailleurs, qui a découvert qu'elle était fan de Fontaine à 40 ans, hein, donc... Ah, ça peut vous arriver, les filles. Ah ouais. Voilà. Donc ça arrive à n'importe quel âge. Vous serez prévenu maintenant. Merci Bill et raccroche pas. Bonne soirée d'équipe. Salut le 9-5, salut Bill. Salut les Los Walpos. Et dans un instant sur Skyrock, attention, ils ont un secret. Vous les avez découverts. Ah oui, c'est bien un instant. Ils ont un secret. Vous les avez découverts il y a un instant. C'est Brahim et Mélanie qui sont avec nous. Vous avez fait des propositions. On va voir si quelqu'un a trouvé la bonne réponse. Quel est le secret de Brahim et Mélanie, un couple? Brahim, beau gosse, 23 ans. Mélanie, belle gosse, 20 ans. Auditeur, auditrice de Skyrock de Paris. Brahim, tu ne bouges pas, tu nous révèles tout. Le grand secret. Ok, Brahim. Il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai envie de redire un petit truc sur le sujet d'avant. Si tu veux, on fait le complément dans un instant. Tu bouges pas, Brahim. Reste avec nous. Il y a un petit ami, il y a un ancien ami à vous, Patrick, je sais pas si vous connaissez, il aurait été là, il aurait kiffé ce petit sujet, non? Ouais. Je crois que ça lui aurait plu. J'ai des chances. On lui demandera dans comme un instant. Patrick, absolument, oui. Absolument. Elle bave, là, c'est bien, là. Elle bave, là, c'est bien, oui. En effet, Patrick, tu as raison, ça lui a bien plu. Ah ouais, ça l'excite terriblement. Bon, bouge pas, Brian, reste avec nous. À tout de suite pour la révélation en direct sur Skyrock. Allez. Skyrock débarque sur Deezer. Skyrock. Il t'offre ton abonnement premium plus d'un an. À 10h. À toi la musique gratuite et illimitée en haute qualité audio sur ton mobile, ta tablette et ton ordinateur. Sans publicité. Avec la possibilité de télécharger toute ta musique préférée pour l'écouter hors connexion. Trop bien. Écoute Skyrock à tout moment et gagne toi aussi ton abonnement Deezer Premium Plus. Merci beaucoup. Deezer, la musique que vous voulez, partout, tout le temps. Skyrock. Retrouve aussi Skyrock en HD sur l'appli Radio Skyrock et Skyrock.fm ou à la radio dans ta ville. Tout l'été, Géant Casino t'a fait vibrer au rythme du Brésil en mode barbecue fiesta. Aujourd'hui, Géant Casino félicite Nicolas, Géraldine, Emmanuel et Pauline pour avoir gagné le concours du plus beau barbecue de l'été. Leur récompense, 8 jours de fiesta au Brésil, tout frais payé. Merci Géant Casino. Le 36-92 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes, échanger vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 36-92, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 36-92. C'est très simple et surtout rapide. Télone, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel. Freegun fait sa rentrée avec des centaines de fringues à prix de canon. Sweat, t-shirt, casquette, parka, doudoune, avec la nouvelle collection déjà en rayon et toujours tous les maillots et boxers pour un été trop stylé. Free Gun, le choix sans se ruiner pour toutes les nanas et les mecs d'aujourd'hui. Free Gun, dès maintenant sur le site officiel freegun.com et sur la page Facebook Free Gun pour suivre tous les délires de la team Free Gun Never Stop. Retrouve la ligne en exclu chez freegun.com et les points de vente habituels. Comment la séduire? Plutôt jean ou survêt? Comment choper des Pokémon rares? Ce soir, on regarderait quoi comme série? T'as des questions? Va sur Yax. Le peuple Yax te répond instantanément. Yax, l'appli sans prise de tête pour balancer tout ce qui te passe par la tête. Y'a plus qu'à télécharger. Yax, YAX. Jolie course. T'as progressé. Ouais, si ça pouvait être pareil avec une nana. Pourquoi t'essayes pas de discuter par SMS? Envoie chat CHAT au 62333. Le chat avec photo. Chat CHAT au 62333. 4, 5, 6, 7, 8. 9, allez, 10, 11, 12. C'est reparti. Designer, on avait promis. Allez, c'est parti pour Designer. Panda. What the fuck? C'est la plus grande radio libre de France. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et au 01 53 40 30 20, vous pouvez nous appeler jusqu'à minuit. On est là, on fait de la radio ensemble tous les soirs dès 21h. Encore une belle soirée, on parle de plein de choses et dans un instant on découvre le secret du couple. Ouais, Brahim et Mélanie. Alors, on va voir les propositions que vous nous faites. Quel est leur secret? Vous pouvez encore laisser des messages, on va mater tout ça. Et on écoute donc Panda sur Skyrock, une découverte Sky. Phantom, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on their hands. Legacies, phantom, wait and see. Phantom, pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. In the bullet, you bandit. Hope you killers understand it. I got broads in Atlanta. Twisted to lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the looks in the van. Legacies, phantom, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on their hands. Legacy, phantom, why you see? Phantom, Pegasus, Danny, Celebo, Candy. May not the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. Then they pull up your bandit. Hope the killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. I get broads in Atlanta, twisted up Dublin shoe, sipping Fanta. Credit cards in the scammers, wake up beside you, let designer, over to lattice you. They be acting rats, I know we clap at you. I be pulling us up in the finest shoe. I got plenty of stuff in Bugatti, but look how I tried to shoot. Black assist, Fanta, why is he killing no comma? Pop a perk, I got signed a gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the Fanta, no niggas, they come and kill you on the comment. But Rolly is dancing bigger than the panic, go out to the Grammy, but pull it, you're panic, pull up, I'ma flip it. I got people pull up and they get it. I got niggas that's counting for digits. Say you make you a lot of new money. No killers pull up in the end of baby. CTDD pull up in the killer baby. Call a feeling, feel like gon' feel it, baby. Niggas up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning it. Bobby, you trending. Chop the dawn, doing business. In the rape, doing the pool, and I'm doing the feeling. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas are fitting. Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. I got broads in the line, twisted on me in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the banner. Legacies, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hammers. Legacies, family, way and see, panda. Pockets full, Danny, selling ball. Lean on the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. Then they pull up your banner. Who be killers understand me? I got broads in the line. Twisted or lean the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the banner. Legacies, family. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Only killers on the hands. Legacies, family. Why is it panda? Packers full, Danny. Selling ball, candy. Lean on the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. Panda sur Skyrock, il est grave ce morceau. C'était Designer sur Sky. On ira faire un tour à Marseille, tiens, pour consoler les Marseillais. Ah, on en a besoin. Ah bah oui, je sais. On ira à Marseille retrouver le Ghetto Phénomène et Jul avant minuit, c'est promis. Panda Designer. Et on est là tous les soirs. Merci à vous de passer la soirée avec nous. Bon, on a pris plein de choses. On s'est bien marré pendant le clash. Le double appel de soir, phénoménal. Hein. Ah ouais. Il est vraiment phénoménal. Des Bretons. Des Bretons, ouais, ouais, ce soir, ouais. Mais des Bretons, c'est chelou parce qu'au début, ils ont dit comment que c'est, et ça me faisait penser plus à la Lorraine. Un Breton ouais, exilé en Lorraine. Exilé, ouais. La famille de Momo. Enfin bon, c'est super. Qu'est-ce qu'on fait là? On va retrouver. Ah oui, le secret. Donc, ils ont un secret, ils sont là avec nous. Voici le couple du soir. Le couple du soir, c'est toujours cette musique-là? Bah, bien sûr. Ah ouais, non. C'est low cost, hein, sur NT1. Ils ont parfait la musique, ils ont rien fait. Ouais, ouais. Secret Story, donc. C'est un peu comme. C'est un peu comme à la télé. Ils ont un secret. Brahim, Mélanie, vous êtes avec nous. Il y a eu plein de propositions. Je suis là. Quel est votre secret? Qu'est-ce que vous en pensez dans l'équipe? Quel est leur secret? Romano, tu proposes quoi? T'avais fait une proposition, elle n'était pas bonne tout à l'heure. Tu avais dit quoi comme proposition? Frère et sœur. Ouais, non, c'est pas ça. Bon, c'est allez, pas, je c'est pas une histoire de famille. D'un côté de la plaque, là, Romano. Ah merde, c'est pas. Ah putain, parce que j'aurais bien dit cousin-cousine. Non, parce qu'il y a eu plein de messages. Cousin-cousine, frère, sœur, même encore pire que ça, il y a eu. Donc, ouais, non. Y a eu des, oui. Vous avez 23 ans et 20 ans. C'est pour ceux qui disaient Mélanie. Ah, enculé Brahim, par exemple. Non, c'était pas ça. C'était la différence d'âge. Il a eu pas mal. Oui. Genre, ils ont 30 ans d'écart. 40 ans d'écart. 20, 23. Voilà. Ouais, 3 ans. Alors attends là je Marie non moi j'ai une idée moi obsédé par les trous du cul non hein, mais non mais j'ai vu le message c'est pour ça voilà. Alors une idée Karim je m'en rappelle plus Mélanie est en réalité un travesti comme Pamela le bah t'as assez chaud là t'es encore plus loin là t'es encore plus très loin eh bien tant mieux pour toi Brahim j'ai mon idée les man oui mon idée c'est que vous faites un plan à trois alors soit avec ta sœur ou ton frère à toi j'ai dit pas de famille ah pas de famille j'ai donné l'indice qui a fumé là je crois t'as dû fumer un truc qui devait être puissant pour toi t'as trop fumé Karim bon désolé Brahim mais je dirais ta meuf est prostituée Romano t'es d'échangeur toi non mais je me suis excusé avant on prend pour son grade. Non mais bon, je sais rien, moi, il faut trouver. C'est la gothique ou quoi, Romano? Non mais personne ne voudrait payer pour elle. Non mais vous êtes con. Pour la gothique, personne ne paye. Vous êtes échangiste. Ah, échangiste? Non, pas du tout. Non, très très loin de là, jamais. Non. Bah, justement, c'est très très loin encore. Non, très loin. Ah, vous attendez le mariage pour baiser? Mais pour Mano, tu fumes ou quoi? Oui. Non, mais quelque chose de plus. Et l'équipe, vous avez trop fumé, hein, ce soir, je vous le dis. Quelque chose de plus simple. Ah, il y en a qui nous disent, bah tiens, rejoins un peu ce que tu disais, Romano. Ils sont en couple, ils ont jamais fait l'amour. C'était le message, c'est qui nous envoyait ça? Jeremy. Bonjour, Jeremy. Avec un D-J-R-M-I. Il n'y a pas un petit indice, non? Un petit indice? Le petit indice. Vas-y. C'est que. Comment te donner un petit indice? Ah, bah ouais, c'est. Ouais, c'est pas facile, ouais. Tac. Regarde. Je suis quelqu'un, ma meuf, je peux pas la partager, elle peut voir aucun autre homme. Ah, t'es relou. Tu vois? La pauvre. Mais c'est ça l'indice? C'est rien, ça. Non, mais non, tu vas le faire. Le petit indice. Ouais, il est bizarre ton indice. Non, mais c'est pas ça l'indice. Mais je sais pas, tu la séquestres. On vit comme des fugitifs, Vous vivez comme quoi? Ah, des fugitifs. Comme des fugitifs. Ah, vous êtes en cavale tous les deux, vous avez une fiche de recherche, les cafés vous recherchent. Non. Ah, vous voyez, moi. Bah, personne n'est au courant que vous sortez ensemble. Ah, bonne réponse, Romano. Bonne réponse, Romano. Moi, j'ai fait durer un peu le jeu, je savais mais depuis le début. Tout ça pour ah, ça. Ah, il est intelligent, Romano. Eh ouais. En tout cas, plus que Karim, a priori. Et Marie aussi, d'ailleurs. Non, mais moi, j'étais au courant, donc. Vous avez une relation cachée tous les deux. Mais je me rappelais plus. Mais non, si, je m'en souviens. Depuis combien de temps vous sortez ensemble? Ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi? Et depuis 3 ans et demi, il y a personne. Non, ça fait pas 3 ans et demi que les gens ils savent pas. En fait, c'est quoi l'histoire? Ouais, vas-y. C'est qu'on était ensemble, tout le monde était au courant. Ouais. Après. Vous êtes séparés? Après, on s'est séparés parce que il s'est passé trop de trucs. J'ai fait beaucoup de choses. Des conneries? Donc, tu l'as fait cocu? Beaucoup de conneries. Ça on fait partie, mais il y a eu une méchante panoplie, tu vois. D'accord, t'es retrouvé en prison peut-être? Ouais. D'accord. J'ai du pif hein, quand même. On me le dit souvent dans l'émission. Ah, c'est dingue. Ça me fait plaisir d'ailleurs. Adifoul, tu as du pif. Avec son bel. Ouais. Eh bien. En fait, tout son entourage n'était pas d'accord que j'étais avec elle en fait. Ah, je comprends. En fait, ouais, genre sortir avec un mec qui est allé en prison, qui avait fait plein de conneries et tout ça. Ah, mais c'est pas pour ça en fait. C'est parce qu'en fait, avant que j'aille au Hef, tu vois, avant qu'il y ait cette histoire-là, il s'est passé quoi? Il s'est passé que j'étais avec elle, tu vois. Et du coup, je refusais qu'elle sorte en soirée, des trucs comme ça. Ah, j'étais trop relou. Hein. Ouais, t'étais un relou, quoi. C'est pas le gars relou, c'est un gars qui aime sa meuf, tu vois. Non, n'importe quoi. Ah non, si tu l'aimes, tu la laisses sortir. Exactement, t'as confiance. Elle a découvert beaucoup de choses. Elle a découvert qu'il y avait 46 000 autres meufs, tu vois. Mais je m'en battais les couilles. Ah putain, mais l'enfoiré, quoi. Ah putain, elle est restée avec toi, elle doit être amoureuse. Ah oui, très. Moi aussi, j'étais amoureux, c'est pour ça que j'ai tout fait pour rester avec, tu vois. Et comme on voulait pas, enfin la famille, tout ça, ils voulaient pas que tu sortes avec elle. En fait, dès le début, sa famille, son entourage, j'étais pas d'accord parce qu'en fait, regarde, tu vois, j'ai jamais travaillé, tu vois. Ah ouais. Bon, t'as 23 ans, délire, tu peux t'y mettre. Ouais. Non, mais c'est pas ça le délire. Le délire, c'est que je suis toujours arrivé avec des voitures que eux, ils ont jamais pu se les payer, tu vois. Ouais, en fait, tu faisais des espèces de trafic, t'avais de l'argent, tu travaillais pas, ils se disaient, il y a quand même quelque chose de chelou. Ouais, ils avaient peur de toi. Et ils avaient pas tort d'ailleurs. Ils s'inquiétaient pour leur fille, je pense surtout. Ouais. Le truc qui a fait déborder la goutte d'eau dans le vase, c'était le 25 décembre de il y a un an et demi, tu vois. Enfin, pas l'année dernière, l'an d'avant, tu vois. Ouais. J'étais avec eux pour Noël, tu vois. Et les Hnouches, ils ont débarqué. Joyeux Noël. Les Hnouches avec la douane, tu vois. Du coup, c'était de là que ils parti détestent, que... Quoi. Non, mais je comprends. Imagine tu fais une fille. Et elle fait comme Mélanie, elle sort avec un mec qui est comme toi, les parents ils bloquent un peu. C'est normal, t'auras bloqué toi aussi. Ah, c'est bien sûr. Bah ouais. Ah bah oui, en plus il y a les filles qui débarquent les jours de Noël. Bon. Joyeux Noël. Oui, mais joyeux Noël. Mais il me reste pas une petite goutte, une petite dinde à fourrer. C'est normal la réaction des parents. Ouais, c'est normal. Ouais, oui, ils s'inquiétaient. Oui. Et donc depuis, vous arrivez à sortir ensemble, depuis du coup, j'étais au HEPS pendant 8 mois en attendant mon jugement, tu vois. T'as arrêté les conneries? Et on m'a en prison, saisi, c'est plus difficile, non, Marie. Après, t'en fais moins, oui. Non, justement, en fait, après, on m'a tout saisi, on m'a tout repris, tu vois. Après, je suis ressorti, tu vois. Et dès que je suis ressorti, même quand j'étais au HEPS, elle était toujours avec moi, tu vois. D'accord, ouais, t'as pas lâché, elle est amoureuse. Elle m'a plus parlé pendant un petit moment, tout ça, elle m'a plus parlé, ça c'était séparé. Du coup, je l'ai rappelé, je l'ai harcelé, tout ça, je suis revenu avec elle, tu vois. Mais sois cool avec elle, parce que t'es une meuf super, regarde. Parce qu'il y a Greg qui nous dit, bon, Ibrahim, il travaille pas, il est macho, il va en tôle, il baisse plein de meufs, super, le bon parti. Ouais, c'est vrai. C'est clair. C'est vrai. Voilà. Après, c'est pas ça le pire, en fait. En fait, le pire, c'est quoi? C'est que, après ça, du coup, tout le monde m'a redonné une chance, tu vois, c'est que, tu vois. Faut pas les décevoir, hein, Ibrahim. Après, justement, c'est que je les ai redéçus, en fait, moi, dans ma tête, j'avais cette image-là que je pouvais pas vivre... En bossant? Je pouvais pas vivre sans rien, tu vois. Et là, j'avais tout, j'avais tout ce qu'il me fallait, on m'enlève tout du jour au lendemain, tu vois. Enfin bref, et du coup, les mois sont passés, du coup, j'ai... j'ai repris ma vie comme avant. J'ai acheté des voitures hors de prix, je revivais au-dessus de mes moyens. Ouais, tu faisais des trafics pour gagner de l'argent pour payer tout ça. Tu vois. Ouais, mais ça, c'est complètement con. Et du coup, ça fait quoi en fait? Je m'étais fait contrôler, enfin, la donne voulait me contrôler en Belgique, tu vois. Du coup, je leur ai tapé dedans, j'ai tapé Courset, tout ça, du coup, bah. Ouais. Et la voiture, elle était à mon nom, du coup, bah, c'est recherché, tout ça. Et. Je comprends que les parents. Chez ses beaux-parents, tu vois. Ouais, je comprends les beaux-parents. Enfin, encore des enfants. Non, mais même pour toi, parce qu'au final, bon, c'est pas une vie, quoi. Ouais, tu vas pas vivre en galère. Tu vas pas faire des allers-retours continuellement en prison, quoi. Et ouais. Et ses frères, en fait, ils se sont gonflés. Par message, ouais, t'es sérieux, tu nous ramènes des problèmes, nanani, nanana, va te faire enculer. Mais va te faire enculer, en fait, moi, j'aime pas, tu vois. Non, moi non plus, j'aime pas, mais bon, c'est pas. Tu vois, manque pas de respect. Du coup, bah, je suis allé, j'ai chopé un de ses frères, je voulais le mettre dans, je voulais le prendre dans une cave, tu vois. Ça, c'est pas une bonne idée, Brian. Non, mais c'est complètement con. En plus, tu leur as manqué de respect, parce que du coup, t'as pris leur sœur. À cause de toi. Ouais, non, et leur petite sœur pour une conne. Donc, au bout d'un moment, c'est normal qu'ils veulent la protéger un petit peu. Non, mais je pense que c'est plus le fait que tu ramènes les, qu'il y ait les keufs qui débarquent chez eux. Tu vois, bon, c'est vrai c'est que, à total. C'est beaucoup, quoi. Non, je la prends pas pour une conne, loin de là. Cette meuf-là, je l'aime. Mais... Tu l'as trompée, je la lâche, tu vois. Je pourrais la lâcher, tu vois. C'est... Bah, et c'est pourquoi tu veux pas avoir une vie, une vie tranquille où t'as pas peur des keufs, t'as pas peur de te faire arrêter par la douane. Bah, trop habitué, où tu travailles. T'as sans doute moins de thunes que avec tes trafics, mais bon, la vie, elle serait quand même plus cool, quoi. Tu vois, même Romano, qui pourtant aime l'argent. Oui, non, mais là. Je te dis que la vie serait plus cool avec moins d'argent et moins de problèmes, surtout. Quoi. Non, mais parce que là, ouais, t'accumules, quoi. C'est que t'as déjà été une fois en prison, là, t'as redéconné, donc. Justement, ça fait un an que dans ma tête, enfin, moins d'un an, ça fait 4-5 mois que dans ma tête, c'est fini, tu vois, j'ai tout arrêté, tout ça. Ouais, tu vas arrêter tout ça. J'ai mis ma vie de côté, tu vois. Après ma dernière affaire, c'est fini. J'ai mis j'ai mis de côté, tu vois. Et là, t'as eu quoi, là, pour la dernière affaire, là? Pour la dernière affaire, je suis encore en attente de jugement, tu vois, mais... Ah, j'espère que ça se passe très bien. Mais tu vois, si tu fais pas de conneries, si tu leur dis, j'ai réfléchi, j'ai fait des... C'était ma vie d'avant, je pense que, tu vois, si tu te repentis un petit peu, ça peut être... Mais il a repris derrière. Les mecs, c'est pas des blaireaux non plus. Attends, le mec, t'as déjà été en prison. Tu recommences derrière. Tu recommences juste derrière. Et le juge, tu vas lui dire maintenant j'arrête. Mais le mec, il va dire, vous me prenez pour un con, monsieur. Non, mais c'est mieux d'arriver comme ça que d'arriver faisant le kéké, quoi. Non, mais de toute façon, dans tous les cas, il faut jamais faire le kéké devant un juge. Non, mais déjà, trouver un boulot. Pour n'importe quelle affaire, tu vas te faire niquer. Ouais, faudrait lui montrer que tu as trouvé un boulot, que t'as une meuf, t'as une vie stable. Ouais, c'est ça, ouais. En tout cas, ouais, j'espère que ça se passera bien pour toi, Brahim, cette histoire. Bah justement, c'est pas question que c'est la prison qui me fait peur ou quoi que ce soit ou la justice, c'est juste le fait d'avoir peur de la perdre, tu vois. Et là, ça fait depuis presque un an, tu vois, qu'on vit caché. Ils sont pas au courant qu'on est ensemble. Où est-ce qu'on va, on risque de les croiser. Non, mais pour éviter les problèmes et les embrouilles de famille, je pense que tu vois, vous avez raison de vivre caché. Après, c'est votre vie à tous les deux, votre vie d'amoureux. Et puis, pour ta chérie Mélanie, si t'as pas envie de lui faire du mal, faut vraiment que tu recommences pas tes conneries. Prends une vie normale. Non, ouais, bah justement, moi tout ça j'ai arrêté. Mais c'est que le problème là tout de suite, ce que j'ai envie, c'est que les gens que je puisse remener ma vie avec quelqu'un. Bah, tu sais, c'est pas compliqué. Il suffit de prouver à tout le monde que tu peux avoir une vie normale et la rendre heureuse et que voilà, c'est fini les conneries. Je pense que les gens pourront te pardonner. C'est vrai, Marie, ça c'est bien. Non, mais ça c'est vrai que là-dessus, si tu trouves un taf, t'as une vie à peu près normale. Pas le droit à l'erreur. Ça sera bon pour le jugement déjà. Ah bah ouais c'est bah ça pour le jugement ouais déjà tu pourras avoir je sais pas ce que tu risques hein, je ne suis pas juriste mais juge Romano mais au moins tu peux si t'as un taf tu vois ils peuvent te proposer un truc genre le bracelet électronique ou une peine aménagée plutôt que de te retrouver en tôle encore une fois ça il entourage du coup oui après le travail va le trouver tu vois enfin, c'est pas évident c'est vrai que c'est pas évident mais il y en a plein qui sont dans tes situations puis qui arrivent à trouver un petit t'es où t'es à Paris. J'ai pas compris, Paris. Ah, Paris, ouais, c'est, bon, il y a quand même des trucs à trouver, hein. Bah, tu cherches quoi? Toujours des petits magasins, des petites, Tu peux faire coursier, il y a plein de trucs, quoi. Ouais, coursier, tu vends des pizzas, tu livres des pizzas, tu livres d'autres trucs, pas de drogue, hein. Attention, Brahim, hein. Non, mais après, un petit minimum, tu vois, je cherche dans tout, tu vois, genre livreur, des trucs comme ça. Ouais, c'est bien ça. C'est des trucs que je peux faire, tu vois, mais là, livrer des pizzas, tu vois, il y a un peu de respect de, tu vois, j'ai pas 15 ans, j'ai pas 16 ans pour trouve-toi un truc, déjà, tu vois. Commence par un truc. Non, mais déjà, il faut que t'enlèves, parce que toi, évidemment, t'as le côté où tu te faisais de l'oseille facilement. C'est ça. Et maintenant, tu vas te retrouver avec un salaire, oui, qui n'aura rien à voir. Qui n'aura rien à voir avec ce que tu pouvais gagner. Mais bon, pas dans merde. Ouais, à côté de ça, t'auras quand même une vie tranquille. Tu vois, t'auras pas les flics qui vont débarquer chez toi à 6h du matin. C'est ça, ouais. Et puis t'auras ta meuf qui sera contente. Ouais, ouais. Qui sera avec toi et qui flippera pas de voir arriver les keufs. Et les après, financièrement, ouais, pour toi, ça va te changer, c'est clair. C'est non, comme ouais, les meufs qui se prostituent et qui ont du mal à arrêter parce que le niveau de vie, ouais, c'est, il est super élevé et il redevient. Oh, excusez-moi, vous avez parlé de prostituée. Oui, j'ai 50 euros. Ah bah ouais. Ça va, Cédric, il les fait travailler les gentils. Allez, voilà. Non, mais c'est bon, on a déjà eu des auditrices. Elles étaient prostituées. Ouais. Et en fait, elles gagnaient tellement d'oseille qu'elles avaient du mal à s'arrêter et de se retrouver à un taf classique, quoi. En fait, c'est changer de train de vie pour elles. Ah bah, c'est ça. Et toi, ça doit être un peu ça aussi. Hein. Bon, Brahim, essaye ça. Essaye de trouver un boulot. Essaye de. D'ailleurs, si vous avez un boulot du côté de Paris pour Brahim, bah, n'hésitez pas, ça va lui rendre service. Et puis, t'as décidé d'arrêter toutes tes conneries. C'est vrai que si on peut t'aider un petit peu, ce sera. Bah ouais, c'est bien, ouais. Bah oui. Ça, c'est normal. Moi, dans ma tête, c'est bon, c'est fini tout ça. Bah, c'est mieux, ouais. Bah voilà. Non, puis t'as 23 ans, ça va, t'as la vie devant toi, ça va, c'est pas non plus. Oui, oui, oui. Bah, de toute façon, une fois que t'as payé ta dette. Attends, bouge pas, Romano. Ta dette, une fois que t'as payé ta dette, 20 euros, ça te dit rien. Allez 20 euros. Hein. 20, non. Ça te dit rien. C'est marrant parce que ça dit à tout le monde dans l'équipe. Ouais, ça fait au moins deux ans j'entends parler de ces 20 euros. Oui. Ouais. Tu veux lui rendre un radote, c'est lui qui devrait, dit fou, il devrait lâcher l'affaire aussi. Ils sont où, mais harcelé de la sorte. Ah, moi, je vais appeler, je sais pas qui, mais si on continue, si on continue comme ça, c'est le. Pour du harcèlement moral. Bon, bah, bon courage en tout cas à toi, Brahim. D'accord, bah, bonne continuation. Et puis, une fois que t'as payé ta dette, pour finir, après, ça repart, tu repars de zéro. Il y a un c'est moment vrai. Où j'ai travaillé, tu vois. Bah, c'est bien, tu vois, t'as fait des efforts. Il y a un moment où, bah là, dernièrement, tu vois. Ouais. Bah, c'était pour ça que d'ailleurs, il m'avait redonné une chance, tu vois. Et je m'étais refait virer aussi, tu vois. Bah, ça arrive, tu sais, ça arrive. Enfin, je m'étais barré, pardon, excuse-moi. Et ça arrive, t'avais fait quoi comme taf? J'avais fait dans une usine. Bon, en tout cas, il y a des tafs disponibles. Quand on cherche, on trouve, nous dit Grado, là, ouais. Sur SMS. Après, bon, ça dépend où t'es, mais à Paris, par exemple, dans les grandes villes, t'arrives toujours à trouver un petit truc. Ouais, bon, après, si t'es en pleine campagne, c'est plus dur. Donc, si vous avez des petits tuyaux, vous nous dites pour Brahim. Quitte pas, Brahim. Merci en tout cas du coup de fil. Hein. Et on d'accord, te suit, on te rappellera, on prend des nouvelles du couple, là. Ok, pas de soucis. C'était notre couple mystère de ce soir. Bah, fais un bisou à Mélanie. Bisous à Mélanie, puis on vous envoie le t-shirt Skyrock à la maison à tous les deux, là. Ok, merci à tous et à toute l'équipe. Eh ben merci à toi, Brahim. Ciao. Ciao. Ciao. Salut. Oh, Romano, t'as excroqué Lynx. Je vois, il nous laisse un message. Ah. Lynx92i, qui nous dit, Romano, mets 500 balles. Ouais, bien sûr. Contacte-moi, Lynx. On va faire une action commune contre Romano. Il nous doit des sous. Ah. Mais j'ai rien du tout. Si Romano vous doit des sous, n'hésitez pas à laisser un message au 41759 sur le skyrock.fm. Et tiens, il y a Stéphane dit Panda. Qui nous dit, moi, s'il a le permis, il y a moyen de lui trouver du taf. Je bosse. Ah bah tiens, on a peut-être un taf pour toi. Ouais. Et il y a Mec Gentil, je connais une pizzeria aussi. Ah, Mec Gentil, qui connaît une pizzeria qui cherche du monde. C'est Mec Gentil. Ah, franchement, je prends. Qui est très gentil. Eh bah c'est sympa. Laissez vos numéros et puis on vous met en contact. Après, il y a plein de messages, ça fait plaisir. Ah bah salut. C'est cool, c'est gentil, voilà. Bon, c'est cool, Brahim. Ah, franchement, c'est cool de la part des gens, c'est bien. Bah ouais. Tu vois, quand on fait du bien autour de soi, le bien te revient. C'est une phrase de Romano, ça. Non, c'était difficile, mais c'était pas mal. Le poète. Je suis un poète ce soir. Bon, t'embrasses Mélanie et prends soin d'elle, surtout. J'ai écouté tout à l'heure parce que j'ai écouté vaguement. Ouais. Cédric, il s'est pété, je sais pas quoi, mais comment ça se fait? Alors, il s'est pété la clavicule. Bah, tu sais, bon, alors, on va dire la vérité. Bon, voici la vérité brute. La vérité, c'est que Cédric se déplace à mobylette. Oui, il a une mobylette et il avait une mobylette avec deux roues derrière pour pas tomber. Il a décidé d'enlever les deux roues. Oui. C'était le grand jour. Et à ce moment-là, bah, ce con, il s'est croûté et il s'est pété la clavicule. Et quatre cutes. Ouais. Ah merde. Et du coup, là, bah, là, il est chez lui sous morphine. Et demain, il va chez. Toi, tu risques rien, Romano, avec ta petite sans permis. Non, moi bah ça va. Non mais ça va, je l'ai plus la voiture sans permis. Le pot de yaourt, ça, il a plus. Il a plus la sans permis. Ah non, c'est bon, j'ai le permis. Ouais, ouais, parce que ça, c'est. J'avais pas l'air d'un con là-dedans, tu vois. Ah ouais, là, c'était la honte, ça, quand même. Ça me fait ce que t'en vois beaucoup. Ah, il y en a de plus en plus. Ah bah, c'est tous les gens qui se font péter leur permis. Ouais, c'est clair. Ouais, au bout d'un moment, c'est un bon business, hein. T'as pas le choix. Ouais, ouais, ouais. Romain ne risque pas de perdre sans permis, c'est un radin, ce mec-là. Ouais, il ne perd rien. Ouais, non, mais tu sais que ça m'est arrivé de perdre des points. J'ai déjà perdu des points. Ah ouais, casser les couilles. Je parie que t'as failli te suicider. Pas loin. Par contre, t'es suicidé, pas pour les points, pour le. Pour l'amende. Ouais, pour les amendes, c'est. On veut pas m'enlever un point de plus, mais pas me mettre d'amende, s'il vous plaît. Bon, merci, Brahim, et merci pour les messages qu'on lui a envoyés. Et bon. Sinon, c'est vrai, le puceau, ce qu'il dit, tu veux pas faire Uber? Uber! C'est ça, de rentrer dedans, on nous dit. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est le puceau, ouais. Ah, mais Uber, faut qu'il travaille 80 heures pour gagner 20 heures. Ouais, c'est vrai. C'est, pas, ouais. C'est vrai qu'a priori, il faut travailler genre 10, 12 heures par jour pour arriver à sortir. Limite, les mecs, ils sont baisés, les pauvres, tu vois. Ouais. Salut les Uber qui nous écoutent, ils sont pleins. Ouais, coucou, ouais. Et voilà, toutes les autres sociétés, hein, parce qu'il n'y a pas qu'Uber. Hein, et on va dire bonjour au taxi, parce que sinon, ils vont être énervés. C'est vrai, il y a un chauffeur privé, tout le monde. Bon, salut Ibrahim. Ok, salut. Vas-y, tu voulais dire quoi? Ah, je voulais dire, bah, pour les chauffeurs Uber, il y a un truc qui est bien envers eux, tu vois. C'est quoi? Il y a un truc qui est bien, c'est au niveau de leurs horaires. Enfin, c'est pas comme les chauffeurs de taxi. Ouais, trop loin, quoi que ce soit, tu vois. Mais par contre, au niveau salaire, ils sont baisés, mais de baiser mon pain. Bah, attends, écoute, réfléchis, on sait jamais, ça peut être un petit taf. En tout cas, c'est bien que t'arrives au tribunal avec un taf, ça, je pense. Là, on a ça des numéros, toi. Là. Bon, bah, c'est cool. Merci, les amis. Bah, franchement, je prends. Ah, bah, merci, on te donne. Cool à tout le monde, alors. Salut, Brahim, ciao. Salut! Ciao. Alors, urgence express, là, rapide, on va prendre Nico en ligne avec nous. Et inscrivez-vous pour la roulette, tiens, si vous voulez vous faire tourner la roulette ce soir et gagner 10 heures, c'est-à-dire un an de 10 heures. Ouais, vous connaissez 10 heures. 10 heures, rien. Ouais. Non, il est presque 24 heures. Ouais, Marie, t'es lourde, tu l'as fait depuis lundi. 24 heures. 10 heures. Oui, c'est un site de streaming, vous pouvez écouter tous les sons que vous voulez. Il y a télécharger aussi. Absolument tout, télécharger, les écouter hors connexion. Et là, on vous offre le meilleur abonnement. Oui, le meilleur abonnement, c'est le Deezer Premium Plus. C'est ça. Vous voulez votre abonnement à 10h? C'est 10h, tout est limité là. Vous vous inscrivez? Sans rien. Il faut s'inscrire avant 10h? Non, mais là, il faut s'inscrire maintenant. Ouais, au 7-20-20, il faut envoyer roulette. Voilà, vous envoyez roulette au 7-20-20, roulette au 7-20-20, et vous faites tourner la roulette avec nous. C'est-à-dire que vous vous retrouvez en direct, c'est sympa. Et en plus, on partait avec un cadeau. Un an de 10h. Et si on vous offre ça, c'est parce que Skyrock a débarqué sur 10h. Ouais. Vous pouvez nous écouter sur Deezer. On salue d'ailleurs. C'est Skyrock Deezer, rien. Elle est 24h. Oui, c'est bien, Marie. Elle est lourde, là. Et Nico, alors, Nico pour une urgence. Ah ouais. On va prendre Nico. Nico de Paris, 24 ans. Salut, Nico. Salut, salut l'équipe. Coucou. Salut, Nico. Ouais, Nico. Bienvenue sur Sky. Qu'est-ce qui t'arrive, Nico? Dis-nous vite. C'est une urgence. En fait, il y a un petit mois de ça, je suis parti en club échangiste avec une pote. Olé. D'accord. Et donc, j'ai niqué la nana. Mais c'était pas une pote avec laquelle tu couchais, t'es allé avec elle juste pour rentrer? Ouais, c'est ça, ouais. C'est une amie avec qui je couche régulièrement. Ah, tu couches aussi avec elle? Ah, c'est un plan cul, quoi. Il y a une meuf. Hein. D'accord, ok. C'est ça. Et en plus, t'as une autre meuf à côté. Oui. Ouais. C'est une sex friend. C'est ça. Et, voilà. Et ta meuf, c'est une cocu. Pour résumer. Une cocu, yeah. En gros, c'est ça. J'ai compris. Et sauf que, la petite histoire, c'est que, j'ai deux nanas avec qui j'ai couché en club échangiste, les capotes ont pété. Les deux? Les deux, ouais. Alors, c'est ou des capotes qui avaient été au soleil, ou des capotes avariées. Ou alors, tu sais pas les mettre. Ouais, il y a un problème. Bah, normalement, je viens avec mes capotes, et là, c'est des capotes de la boîte. C'est vrai. Des capotes de merde aussi. Attends, ils ont pris des capotes pas chères. Est-ce que Romano est titulaire d'un club échangiste? Oui, je suis propriétaire, oui. Très bien. C'est fini pour le match du Real et de... Un partout, ouais. Et de l'Atletico. Un partout, ouais. Non, Barça. Mais le Real, ils ont fait un partout aussi. Barça, Atletico, ils ont fait tout le monde a fait un partout, c'est comme ça. Voilà, un partout entre l'Atletico Madrid, qui jouait à Barcelone en plus. Ouais, c'est ça, à Barcelone. C'est ça. Et le Real jouait Villarreal. Pas mal pour l'équipe de Grisi. C'est ça. Alors, excuse-moi, Nico, donc t'as baisé les deux meufs, les capotes ont craqué, et... Bon, en fait, ça m'avait pas trop pris la tête, parce qu'en général, on fait vachement attention dans ce milieu-là à l'hygiène. Ouais. Et sauf que là, depuis quelques jours, depuis une petite semaine, ça me gratte grave autour des couilles et du sexe. Et genre, je sais pas après si c'est dans ma tête ou quoi, mais là, je commence à me gratter sur les bras, les épaules et tout, et je commence un peu à péter un plomb. Et tu n'auras pas mis les bras dedans? Parce qu'on est avec les échangistes, il peut se passer plein de choses. Ah ouais, c'est clair, ça peut être très très sexuel. Assez particulier, hein, comme. Non, mais je pense que t'as un truc à la bite et psychologiquement, t'as l'impression que ça te gratte de partout, quoi. Bah, c'est l'horreur. C'est l'horreur. C'est un peu flippant, hein. Non, mais déjà, moi, je me serais arrêté à la première, quoi. J'aurais dit, waouh, putain, les capotes, elles sont pas fiables ici. Mais t'as regardé s'il y avait pas des petites bêtes, là, dans tes poils? Ah, elles auraient des morpions, les dames. Mais c'est ça de gratte. Il y avait pas de poils, nulle part. Mais c'est quoi? C'est le gland qui gratte. Alors, ça a commencé par l'entrejambe, ça a commencé à me gratter. Ah ouais. Et là, j'ai le gland qui commence à être rouge, un peu, genre, il se fait des boursouflures au niveau de la... Des boursouflures? Mais t'as la gale, gros. Ah ouais, au niveau de l'urètre, au niveau du trou, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais, donc c'est ça. Les meufs, les lèvres, genre, il est un peu gonflé, quoi. C'est comme si, t'avais fait de la chirurgie esthétique, comme les meufs qui font de la chirurgie esthétique sur les lèvres. Ouais, genre, tu t'es fait mettre du silicone dans l'urètre. Voilà. Oh. C'est ça, exactement. Moi, je serais à ta place, ouais, je comprends que tu flippes un peu. Bah, vas-y, tu flippes. Mais quand t'as dit les bras, ils te grattent, ils te grattent vraiment ou c'est juste psychologique? Démange. Ah non, j'ai des plaques comme un ouf. Ouais, j'ai des plaques. J'ai mais est-ce que tu sur les bras, sur les jambes et tout, hein. Tu te grattes jusqu'au sang limite? Oh. Ouais. Grave, c'est mais gros, moi j'ai eu ça, c'était la gale. Ouais, la gale, ouais, sur les bras. Ouais. Ah, le galeux. C'est Karim le galeux, oui. Ouais, ouais, la gale. Ça fait des petits boutons. Ouais, la gale, c'est pas ça commence sur les bras et sur le torse. Ouais, le torse, les bras, et tu sais, ça te gratte, tu te grattes jusqu'au sang. La nuit, t'as l'impression que t'as beau te gratter, ça fait rien. Et les genre, tu l'attrapes en Nico avec une meuf? Non, moi c'est en essayant un vêtement dans un magasin. Ouais, ou sur les canapés, tu peux l'attraper, tu sais, dans ton club échangiste. Ouais. Peut-être qu'il y a un mec qui avait la gale qui est venu et c'est la finir. Non, mais c'est peut-être une des deux meufs qui l'avait aussi, hein. Ou ouais, deux meufs, ouais. Ouais, qui avait la gale et qui l'a refilé. Ouais, je pense que par voie sexuelle, ça doit se transmettre. Hein. Je rappelle que la gale est ça. Tu refiles à ma meuf? Comment? Ah bah, ouais. Ah, la gale, ouais. Ah, ça bah, tu peux le refiler à ta meuf, ouais. Ah ouais, tu lui fais l'amour sans capote? Non, je protège, je suis pas bah, même si tu la touches, hein, tu peux la toucher, ouais. La prendre dans tes bras, tu lui refiles la gale, hein, t'as pas besoin de la ken. C'est pour ça qu'on dit les galeux, tu les approches pas. Ouais, parce que c'est vachement contagieux. Ou tu t'assieds sur le canapé, elle s'assied derrière en fait, toi, la gale, la gale. Les bêtes, elles vivent soit dans le textile, soit sous ta peau. Eh, franchement. Mais elles se baladent pas comme ça. Eh, le club où tu vas, il est clean. C'est le club clean. Le clean club. Le clean club. Pas mal, le clean club. Le club. Tel machin, c'est un boui-boui, mais digne de Cédric, quoi. Bon, tu bouges pas, reste avec nous, Nico. On va demander quand même, ce que vous avez entendu un petit peu les symptômes. Qu'est-ce que ça peut être? Là, il y a Lolo. Ouais. Une fille, là, elle a eu la gale en caressant un chat dans la rue. Ah, ouais, c'est possible aussi, ouais. Ouais, mais tu sais, ça se voit pas, ouais, en fait. Tu les sens en dessous de ta peau et tu sens qu'ils creusent des galeries, le bordel. Ah, en fait, c'est des bestioles, ouais, elles sont sous ta peau, elles te font des galeries, Nico. Ouais, exactement, ouais. Si c'est ça, hein. Après, ça peut être une maladie sexuellement transmise. Bah, je serais toi, j'irai chez le médecin. Hein. Moi, je ferai un test tout de suite. Moi. Ah, bah, demain, tu vas chez le médecin. Comme médecin, je vais où? Bah, généraliste. Bon. Moi j'ai tellement de temps que c'est chaud. Non mais il faut que tu y ailles. Ouais, mais bon, à un moment donné, tu vas pas rester avec ta bite toute gonflée et tes démangeaisons sur tout le corps, quoi. Ouais, ah ouais, en plus gros, je t'ai dit, quand tu te grattes, c'est vraiment juste. Ouais, le si sens, c'est la gale. Ça peut être autre chose. Bon, tu bouges pas, Nico, reste avec nous. On revient avec toi tout de suite. On fait tourner la roulette aussi. Vous avez entendu un petit bout du Ghetto Phénomène et de Jul. C'est le son qu'on retrouve maintenant. Maria. Ils ont tous gagné 1500 euros en répondant Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. La seule radio qui t'offre 1500 euros toutes les 30 minutes. Oh putain, ça fait tellement longtemps que j'attends. C'est Skyrock. Non, sérieux? Et non. Oh purée. Rendez-vous demain matin de 6h à 9h dans le Morning Daddy Fool sur Skyrock. Je refais là. Des problèmes pointent toujours le bout de leur nez, hein? Moment au 71-777. Les astres vous guident vers la voie. Moment, M-O-M-E-N-T, au 71-777. Nos astrologues vous apportent les réponses. L'amour, le travail, le succès. Vous voulez savoir? Envoyez Moment au 71-777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. The Morning Show! Envoie 1500 au 720 et multiplie tes chances de gagner 1500 euros toutes les demi-heures dans le Morning Daddy Fool. Vous croyez aux histoires sur la sorcière de Blair Witch? Selon la légende, cette forêt aurait été maudite. Ne jamais la regarder dans les yeux. Bouille pas! Mets-toi dans le coin! Regarde pas! Ne jamais la laisser prendre le contrôle. Il faut faire ce qu'elle t'a dit! Et surtout, ne jamais céder à la panique. Ça va aller. Okay. Ça va aller. Blair Witch, actuellement au cinéma. Avec Skyrock. Le 36-92 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes. Échangez vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 36-92, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 36-92. C'est très simple et surtout rapide. Télone, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel. Diffoul, radio libre, 21h minuit sur Skyrock. Et le Ghetto Phénomène, comme promis. Le Ghetto Phénomène et Jul, c'est les potes de Jul. Ghetto Phénomène, maintenant sur Skyrock, Maria. Fais pas les données, la mama maïwa, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît. On connaît. Fais pas les données, la mama maïwa, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît. T'inquiète pas, toi tu verras pire. Je sais même plus ce que je dois faire, mais je sais que tant demain je peux partir. Je sortais de la zone, je cabrais dans la zone toute la journée. Je voyais les clients taper sur la vitre, le visage mouné. Je connais la galère, frapper des templates tout le temps pour ti. Espèce d'abruti, parle pas mal de la bouche, on va sortir l'outil. J'ai mon survêt du Dortmund, j'ai fait le pain, j'ai pas mis du Gucci. J'ai mon survêt du Dortmund, j'ai fait le pain, j'ai pas mis du Gucci. Fais pas les données. La mama maïwa, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît. On connaît. Fais pas les données. La mama maïwa, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît. Un banquier dans un parking. retour. Pour nous c'est la routine. Un aller sans retour. Sur le 47 à Poutine. Et je patine, et je patine. Du mal à vivre à 200. Et je taquine, et je taquine. Tu finiras par prendre ma leçon. Oui, leçon. Comme tout l'on est fait d'or et platine. Innocent, coupable mes frères, on a marre tes candies. Et ouais, on est là en direct, on a des bonnes nouvelles pour Nico. Alors Nico, ta maladie, si c'est la gale, ce qui est rassurant, c'est que c'est pas une MST, voilà. Ni une IST. Ouais. C'est pas une infection sexuellement transmissible. Bon, enfin, le truc qu'il a sur la bite, c'est bizarre quand même. Ouais, moi je dirais qu'il faut aller voir un médecin. Faut aller voir un médecin. Ouais, la gale, t'as rien à la bite, hein, mon pote. Alors, Nico. Non mais il a peut-être chopé deux trucs en fait. Nico. Ouais, je suis là. Vous écoutez. Marie a sorti son dictionnaire des maladies sexuellement transmissibles. Non mais je regarde. C'est moi qui l'ai écrit, j'ai des toutus. Toutes. Non, parce que tu disais boursouflure, c'est peut-être une verrue génitale que t'as en fait. Oui, oui. Bah voilà une bonne nouvelle, Nico Dion. T'as pas de perte liquide Pardon? T'as pas de perte au niveau du truc là? Non, pas du tout. Mais j'en ai énormément, je fais des flancs. Non, mais sinon ça peut être de l'herpès, mais bon. Est-ce que ça brûle quand tu pisses? Nous demande Adémoche. Non, ça brûle pas. Ça, c'est la syphilis qui peut faire ça aussi. Ouais. Ah, shoot pisse, syphilis, c'est la même chose. Ouais, c'est ça. Ça rime en plus, tu pourrais faire un morceau avec ça, Romano. Shoot pisse, syphilis. On écoute tout de suite shoot pisse, syphilis avec le prince du hip-hop. Après, on rigole un peu, mais fais gaffe quand même. Ah, mais ça, la syphilis, a priori, c'est un truc tu douilles. Hein. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, va voir vite un médecin, parce que même si t'as quelque chose, vaut mieux le savoir. Ah, mais ouais, tu te soignes, bien quoi. Bien sûr. Ouais, donc là, j'aurais peut-être deux trucs, quoi, des trucs carrément différents. Bah, après, la gale, c'est pas sûr, hein, non plus, hein. Mais c'est pas parce que tu te grattes que c'est clair, la gale, forcément. La gale, pour un peu, c'est une allergie. Et la gale, c'est pas sexuellement transmissible. Vous avez un pote qui a la gale, vous lui serrez la main pouvez choper la gale, vous aussi. Hein. Bah, tout à l'heure, il y avait Lolo, carrément, elle a caressé un chat dans la rue et hop, elle l'a chopé. Ouais, moi, je caressais une chatte, j'ai jamais chopé ça. Ouais. Mais bon, écoutez, je vais faire attention pour la prochaine fois. Tu sais, c'est comme un renard, tu croises un renard. Bah ouais, je lui dis bonjour. Bonjour, monsieur le renard. Salut, le renard. Non, mais tu sais que les renards, je suis renard, arbre-perché. Ils ont vachement la rage. Ouais, c'est vrai. Donc tu peux choper la rage si t'es pas vacciné. Il y a des kits de dépistage qui. Ah ouais, je savais pas ça, dis donc. Padre Christo qui nous dit il y a des kits de dépistage en pharmacie. C'est pas cher. On va apprendre à parler, merci, Cédric. Non, pour les maladies, je pense. Pour les IST, je pense pour les maladies. De toute façon, le mieux, c'est de faire une prise de sang et puis ils te diront tout. Bon, tu vas chez un médecin, il te prescrit une prise de sang. Faut aller voir un généraliste. T'auras les résultats le jour même ou le lendemain. Il y a Nico qui a eu la gale, lui, qui est en ligne avec nous, on le prend en speed. Et en fait, on est la roulette juste après. Salut le galeux. Coucou. Non, salut, c'est pas lui qui a eu. Non, en fait, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi qui a eu la gale. C'est un copain à moi et en fait, il a filé la ch'touille à toute sa famille. Eh bien, on salue la famille de ton pote. Oh non. Voilà, tout à fait. Mais c'est vrai que tu peux déposer les bestioles ou les œufs des bestioles dans des canapés, Romano, t'imagines? Non, mais c'est immonde. C'est-à-dire que tu fais la bise à quelqu'un, tu peux choper le truc, quoi. Bah ouais, Marie. Tu deviens galeuse. Non, mais je vais plus faire la bise à personne, moi. Ah non, mais sans déconner. Hein. Ouais, Nico. Ouais, juste pour vous dire, en fait, il a été à l'hosto. Et en fait, ils ont fait un test sur lui, ils lui ont pris un morceau de peau sur le torse. Oui, monsieur, on va vous couper le bras, hein, c'est juste pour faire une analyse, hein, pour savoir. Ouais, voilà. Non, mais bon, c'est léger, apparemment. C'est une petite incision, ils font un test et ils confirment si c'est la gale ou pas. Mais d'après ce que vous dites, apparemment, il se gratte pas mal. Ouais. Et c'est ce que mon pote avait. Et à l'hosto, ils lui ont filé une crème à badigeonner. Mais apparemment, c'est l'horreur, parce que il faut se badigeonner ça sur tout le corps. Mais tu l'avais, toi, Karim, la crème? C'est partout. C'est partout. C'est un spray. Et ça brûle, mais spray. Quelque chose de magnifique. Ah, ça brûle? Ouais, ça brûle, mais tellement ça brûle, ça fait du bien, en fait. Ah, tellement que ça te gratte, parce que tu les soulage. Sens. Ouais, tu sens que ça les brûle, le bordel. Ah, tu sens que les bestioles meurent dans toi. Tu le sens, ouais. Après, c'est bien parce que t'as un cimetière à bestioles. Ouais, c'est bien, un cimetière à bestioles. Ouais, mais ça sort comment après? Ça me gratte. Non, parce qu'après, en fait, ça fait des croûtes. Parce que tellement tu te grattes, en fait, après, à la fin, t'as pas. Ouais, donc ça sort par là. Je suis désolé, mais si ça vous fait la même chose que moi depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de parler de ça. On remercie les deux Nico le galeux, enfin, le pote galeux, Nico. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, allez, Nico, avoue-le que c'est toi. Non, non, du tout. Non, non, moi, j'ai pas envie de choper des saloperies. Ça va pas. On peut tout se dire, tu sais, Nico. Hein. Bon, bah écoute, merci Nicolas, merci de Nantes. Bisous, Nicolas. Et puis le Nico de Paris, va vite voir quelqu'un demain, va voir un médecin. Ah, mais par rapport à ce qu'il disait, là, justement, au fait que ça brûle et que ça fasse du bien, genre, moi, depuis une semaine, là, je prends des douches brûlantes, genre, et ça fait tellement du bien, quoi. Alors que, bah, c'est, bah, ouais, c'est ça, parce c'est que, ça ouais, que t'as. Parce qu'ils aiment pas, en fait, la chaleur. Ah, donc, ce serait peut-être la gale, ce serait en fait. Peut-être la gale, ouais. On aurait peut-être fait un bon diagnostic. Ça ressemble, hein. Bon, pour les meilleurs diagnostics, direction le médecin. Ouais, le médecin. Bah, direct. Vas-y, vite, direct. Ah oui. Bon, ben, bah, merci, en tout cas, pour le témoignage, Nico. Et merci, Nico de Paris, pour le petit coup de fil. Ça marche. Mais les gars, si je peux me. Tiens, le courant, ouais. Oui, tiens-toi à distance, Nico, s'il te plaît. Moi, je reste un peu. Ne touche pas. Tiens, on s'éloigne un peu, là. Tiens-nous au courant, mais. Justement, si je dois rester un peu isolé, reste loin. Tu veux taxer un FIFA ou quoi? Alors, un FIFA, non. Par contre, le t-shirt Skyrock. Bien sûr. Que tu mettras après être soigné des bestioles. Ouais, parce que ça va dans le textile après. Ouais, faut pas le contaminer. Bon, ben, merci les deux, Nico. Salut les gars. Ouais, on t'envoie, bien sûr, Nico. Évidemment. Nico de Nantes. Nico de Paris. Premier sur les Nico, Skyrock. Yes. Allez, la roulette qui tourne. Eh ben, c'est pas un Nico. C'est Alexandre qui va faire tourner avec nous. Et c'est Jesus. Oui. Skyrock t'offre ton abonnement premium plus d'un an. Skyrock. À 10h. Hello, il est 0h10. Voilà. Oh non, mais vous n'aurez pas marre. Ah, trop belle. Ouais, c'est ça. Très cool. Alors, c'est le Marine Comedy Club. C'est ouais. Ah, bah dis donc. Ça fait faillite le truc. Ouais, c'est clair. Alexandre, salut Alex. Ouais, salut Tifoul. Salut à toi. Salut Romano. Salut. Salut tout le monde. Salut beau gosse. Alors, t'es à Orléans, Alexandre. Salut beau mal. Ouais, Orléans. Bien. Tranquillou, voilà quoi. Tranquillou, tu fais quoi dans la vie, toi, Alex? Moi, je suis téléconseiller pour la MNH, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers. Tu vois. Eh bien, on salue la MNH. MMH. Zéro tracash, zéro blablash, MMH. Allez, c'est parti, la roulette qui tourne. Ok. Oh, si tu gagnes l'abonnement Deezer Premium Plus. On va voir ça. Oh, c'est cool. Eh bien, tu gagnes l'abonnement Deezer Premium Plus pour fêter l'arrivée de Skyrock sur Deezer. Ouais. Yes, super. C'est pour toi, Alex. Bravo à toi. Nickel. Bien joué, gros. Bien joué, Orléans. C'est bien. Ouais, champion, nickel. Mon frère. Bon, bah, c'est bien super. Ça, champion, mon frère. Ouais. Bon, passe une bonne nuit, Alex. Reviens quand tu veux. Merci, vous aussi, les gars. Et puis, bah, la roulette tournera demain matin pour les autres. Hein. Ouais. Ouais, tu disais. Merci. Ah bah, c'est gentil. Salut Alexandre, ciao. Salut. Et bonne nuit à vous. On revient demain soir, 21h minuit, pour la Radio Libre. On compte sur vous entre 21h et minuit. Tout peut arriver, dès le début et jusqu'à la fin. Et puis demain matin, pareil, hein, le morning, entre 6h et 9h. Passe une bonne nuit, Romano, pour demain. Eh bien, bonne nuit, tout le monde. Oui, on retrouve toute l'équipe du morning et vous tous en direct avec peut-être 1 500 € à gagner. Inscrivez-vous au 720 d'ici demain matin. Peut-être qu'on vous appellera. 1 500 au 720. Et demain, on peut vous appeler. 1 500, c'est ce qu'il faut envoyer au 720. Ouais. Et demain matin, 1 500 € à choper. Et tout le reste aussi, les conseils pas chers, les invités mystères, les infomitos, la compile du jour. Sondage du jour. Le sondage du jour et les losers du jour aussi à retrouver demain matin dès 6h. Passez une bonne nuit. Bonne nuit. Rendez-vous demain 6h-9h et demain soir aussi.